Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 114e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pendant que le PSVR 2 mène sa barque, enfin une barque qui a pas de voile, qui a pas de moteur, qui a pas de rame, qui a même pas de capitaine, et ben nous, qui a pas de pilote, qui a pas de pilote, de skipper, on dit skipper, Laurent. Et ben nous, on continue de poursuivre notre chemin. Et puis la nouvelle émission de VR for Player, on accueille Laurent. Salut Lolo, comment vas-tu? Eh ben mal. Parfait, ça fait bien plaisir. On a bien fait de reculer d'une semaine ce podcast-là pour être en pire forme qu'il y a une semaine, c'est super. Voilà. Non, bah écoute, non, ça va. Il y a quelques petites news, quelques petits jeux, quelques petites choses à dire. Parfait. Donc on va développer tout ça. Et ensuite, nous avons El Rocco. Salut, El. Kikou. Salut. Et coucou. Comment ça va, citoyen de la Super Terre? Ça va. Ah, pour la démocratie! Démocratie, liberté, douce liberté. Pour défoncer les collègues, oui! Bon, ça oui, roule? Ça va, ça. Ouais, au poil. Un plus optimiste que Lolo. Un plus beau sourire que Lolo. Enfin, plus beau, plus jeune, plus de cheveux. Enfin, voilà. Un Lolo, mais mieux. En meilleure forme. Upgradé, quoi. Un Lolo level 50. Ok, parfait. Voilà, un shiny. Un Lolo un peu plus shiny. Très bien, ça va lui faire plaisir. Et nous avons le grand plaisir d'accueillir Vert Caviar à nos côtés, donc un habitué du Discord, hein, si vous traînez un petit peu avec nous. Salut, Caviar, comment vas-tu? Salut, Sei, salut à Rocco, salut Laurent. Tu l'appelles, plaisir d'être, tu l'appelles d'être par son nom vous. De famille. Bah ouais, on est intime, tu sais. Qui? Sei. Non, mais super plaisir en tout cas d'être parmi vous. Depuis la Paris Games Week, on s'était pas revu en physique, si je puis dire. Là, c'est en semi-physique, mais en tout cas, grand plaisir d'être avec vous dans l'émission. Et ça va m'éviter de me lever de mon siège pour vouloir parler avec vous dans les autres émissions. Bon, moi, je suis là et je vais pouvoir parler avec vous. C'est cool. Mieux, ça fait moins mal aux jambes en plus. Donc, ouais, voilà, en mode canette. Eh ben écoute, présente-toi, j'ai envie de dire, voilà, l'émission est pour toi, fais ta promo, dis-nous ce que tu fais. Donc tu œuvres surtout sur TikTok, je te laisse. Exactement. Je te laisse expliquer tout ça. Exactement, trop d'honneur. Tout à fait, bah moi j'ai commencé ma chaîne il y a quelques mois maintenant, c'était en juillet dernier. J'ai été inspiré par des personnes comme vous, puisque je vous suis depuis beaucoup d'années maintenant, depuis le PSVR 1 notamment. Et je me suis dit, bah, le créneau sur TikTok, il est bon à prendre, le jeu vidéo il est plutôt bien placé, plutôt que de venir embouteiller davantage YouTube, je me suis dit je vais faire mon bonhomme de chemin là-bas. Et moi ce que je propose c'est de la short review en fait, le but c'est d'aller à l'essentiel, ça aura pas vocation à être aussi complet qu'un test, mais c'est de se dire ce jeu, no go, go, voilà, c'est en quelques secondes avec une petite musique sympa, sur un ton un petit peu teaser, et je fais aussi des concours, je fais des lives. Et voilà, je crée une petite communauté. On n'est pas beaucoup, mais on s'amuse et c'est cool. Non, bah c'est cool. Effectivement, c'est un format qu'on n'a pas trop, nous, en tout cas, exploré. Et c'est bien d'avoir un petit peu cette alternative pour se faire un avis rapide sur tous les jeux. Surtout que voilà, tu as quand même un gros éventail de jeux et de vidéos à proposer. Donc voilà, c'est plutôt bien. Donc je pense qu'on mettra le lien du coup en description du podcast, histoire que tous les curieux et tous ceux qui veulent soutenir aillent voir un petit peu. Salut Laurent. Ça y est, on fait la promo, il se barre. Ah, il met un coup de pied au cul au chat. Putain, le mec, il a plus de respect, quoi. Voilà, c'est incroyable. Et je suis aussi la voix française d'un petit jeu qui vient d'Abu Dhabi, qui s'appelle Box to the Beat, qui est un jeu dans la panoplie Beat Saber et compagnie. Un peu plus modeste. Majo n'est pas là, mais j'aurais dit Quest. Ah, c'est un peu Quest. Mais en tout cas, très très cool, première expérience pour moi en tant que doubleur. Mmh. Donc n'hésitez pas à la démo, il y a une démo gratuite, je crois, sur la PlayStation Store, donc n'hésitez pas à faire un tour. D'accord. Si vous voulez m'entendre vous donner des sales notes et vous parler mal quand vous faites des D ou des F. Oh, et quel plaisir. Trop bien. Oh, bah c'est cool, mais en tout cas, ouais, c'est une expérience, ouais, qui doit être super, super enrichissante en plus. T'as dû te déplacer sur Paris, non, pour faire ça, ou tu. Non, non. Alors, tu vois, tu parlais d'organisation justement pour le podcast. C'est à peu près pareil. Elle m'a dit, tu fais ton truc au micro, mais pas d'effet, je me débrouille. Juste évite qu'on entende des bruits Des bruits horribles, et puis voilà, quoi. Ah, d'accord, t'as fait ça en télétravail, genre, t'es une merde! T'es... Et... Oui, et puis c'est... Voilà, c'est ça, c'est 15 lignes, voilà, c'était pas très compliqué. Et puis j'ai l'habitude avec les vidéos que je monte, donc pourquoi pas, ça pourrait peut-être m'ouvrir des portes, on verra. Bah, c'est super, c'est super. Les gars, vous vous rendez compte, on a une star quand même dans l'émission. Un peu de coup de pression, quoi, j'ai l'impression. Je me demande ce que Majo aurait répondu à ce que tu viens de dire. Suceur de Quest, certainement. Un truc comme ça. Suceur de Quest, suceur de Quest. N'est-ce pas? Enfin, voilà, donc bon, bah ouais, bah, c'est super ça comme expérience. C'est pas mal ça. Ouais, ouais, très cool. Eh bien, on va du coup profiter de ta présence et ton expertise pour faire un petit débat tout à l'heure sur la situation du PSVR 2, en tout cas de ce qu'on a appris dernièrement, ces dernières semaines sur sa situation. Mais avant ça, on va commencer par les news de Laurent. Laurent, la lumière est sur toi. Oui. Mon Dieu, le stress. Je sais même pas par quoi je vais commencer. J'avais envie de revenir d'abord dans un premier temps sur l'article qui est paru sur Eurogamer concernant Sony FireSprite. Comme quoi il y aurait eu quand même des accusations de culture toxique dans l'entreprise. Et justement, ce qui était intéressant dans cet article, c'est qu'il revenait un petit peu sur le déroulement du développement de Horizon Call of the Mountain. Comme quoi, bah justement, ils avaient des délais très serrés. On sait que le PSVR 2 a peut-être arrivé un petit peu trop tôt. Que les studios ont été un petit peu compressés là-dessus, sachant même que d'ailleurs c'était quelques mois, on va dire 6 mois avant, je crois que c'était Media Molecule qui avait été les premiers à parler de l'arrivée du dev kit du PSVR 2. Donc ça a dû être très très tendu, très short. Je pense. Voilà. Et donc Bloomberg a rapporté que le projet Twist Metal était annulé. Et puis surtout, bah, ils ont Eurogamer a repris tout ça pour parler d'une espèce de crush quand même qui était au sein du studio, et que bah, c'est encore une pas super bonne nouvelle, surtout quand on sait tout ce qui s'est passé dans les studios PlayStation ces derniers temps. Hein. Alors, je sais pas si vous en avez parlé dans la dernière émission, peut-être. London Studio. Mais London Studio fermé, il y a eu pas mal de restrictions budgétaires et de licenciements dans différents studios. Et comme par hasard, c'est souvent des studios qui ont un lien de près ou de loin avec la VR, donc c'était quand même une partie qui était un peu inquiétante. Et puis là, FireSprite, ben voilà, il y a encore des soucis en interne. C'est toujours inquiétant ce genre de choses. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la news. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Alors, il y a un truc aussi qu'on peut remarquer, c'est que tu dis que c'est des studios, en tout cas pour les informations qui nous intéressent, qui sont de plus ou moins près de projets VR ou qu'on développait en VR. On se rend compte aussi que c'est absolument pas lié uniquement à la réalité virtuelle, parce que t'as d'autres studios aussi qui sont pas du tout des studios dont j'ai oublié le nom qui ont travaillé notamment pour les Call of Duty. T'as aussi des licenciements chez Microsoft. T'as des licenciements un petit peu partout. Oui, des licenciements, il y en a eu partout, mais c'est la bulle qui pète. La bulle London Studio fait mal à la VR. Et puis quelques jours après ça, il y a un article qui balance sur FireSprite, qui est quand même à l'origine de Horizon. Et puis, alors je sais pas si c'est parce qu'on est dans cette niche-là de la VR qu'on voit plus ça, c'est possible aussi. Et comme tu dis, si ça se trouve, ça touche tous les studios tout simplement. Mais c'est vrai que quand tu vois les studios touchés, tu te dis, bah merde, c'est que des. Disons que si Naughty Dog, il y a bien dû avoir des licenciements aussi, non? Ouais, sûrement, mais ils coupent les branches, quoi. Mmh. Et ils doivent regarder ça sur un petit papier de statistiques de merde et dire bon, bah alors, qu'est-ce qui est dans les positifs, qu'est-ce qui est dans les négatifs? Ah, ça dépasse pas trop, ouais. Allez hop, on dégage. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, VR, service marketing, actionnariat, non, développeur, ouais, développeur, c'est. Pst, allez. Ça, tu coupes. Ah bah tu le vois même des fois dans certains jeux, quand tu regardes le générique final, t'as un bloc dans la zone marketing, hein, mais vraiment un bloc. Hein. T'as 3 développeurs et ils sont 26 hein, dans le marketing. C'est une dinguerie. Donc t'as plus de salaire, en plus ça doit pas être des salaires moyens, tu vois. mais certainement ceux qui touchent certainement plus que les développeurs eux-mêmes. Et ils sont 32, alors que les développeurs, ils sont peut-être à peine une dizaine. C'est une dinguerie. Alors, je sais qu'il faut communiquer, mais c'est du financement, tout ça, tu vois. Oui, mais c'est important. Et tu sais bien, c'est comme c'est important. Le jeu vidéo, maintenant, c'est comme le cinéma. En fait, il y a une grosse partie du budget qui est alloué au développement d'un projet. Si tu as 66% qui est alloué au développement même de la création du projet, en fait, tu as 33% qui s'occupe du marketing. C'est connu, hein. Ça, c'est, voilà. Et Caviar, ouais, t'as dit. Ce qui est d'autant plus rageant pour ces studios, c'est que, mis à part peut-être des projets sur lesquels on n'était pas encore au courant, la plupart, c'est pas imputable à un projet en VR. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas forcément sur quelque chose. Ils ont travaillé en VR sur des productions dans le passé, mais là, il y en a certains, ils étaient en train de faire autre chose. Je pense notamment, c'est London Studio, ils étaient sur autre chose que de la VR, c'est ça. Gaz. Ouais, ils faisaient un gaz. Donc en fait, c'est. Enfin, on sait pas trop si c'était un gaz ou un. Si. On sait que c'était un triple A plat. Ça, c'est sûr. Mm. Mais on sait pas ce que c'est, en fait. On sait en tout cas que c'était pas Blood and Truth 2. Donc, ah oui, non. Mm. Ouais, donc c'est pour ça, nous, à notre niveau, c'est rageant, quoi. C'est. Mm. Donc, là, en tant que nous, on voit tout de suite le rouge dessus. Du temps, de l'argent perdu, sachant que le temps et l'argent auraient pu être investis ailleurs et puis sortir même un épisode, tu vois, un épisode supplémentaire. Le nombre de personnes qui auraient été contentes de voir la suite, tu vois, de Blood and Truth 2. J'irais même jusqu'à dire juste le portage pour pouvoir faire passer à la caisse les personnes qui n'ont jamais testé sur PSVR 1, parce que tous les acquéreurs de PSVR 2 ne sont pas les mêmes acquéreurs que PSVR 1. Il y en a beaucoup, on le sait, mais il y a plein de gens qui connaissent pas la licence, c'est dommage. C'est toujours un petit peu un débat. C'est toujours un petit peu un débat quand on parle de jeux PSVR 1 reportés au PSVR 2. Il y en a qui voient ça d'un bon œil, d'autres un petit peu moins. Mais c'est vrai que ça dépend. Ça dépend quel jeu, en fait. C'est exactement ça. Quand on voit un petit peu l'état de ce qui est proposé sur PSVR 2, c'est vrai qu'un petit Blood and Truth pour montrer un petit peu ce que le casque peut montrer en upscaler, rien qu'en upscalant un jeu PSVR qui était quand même une sacrée claque, même encore aujourd'hui, surtout aujourd'hui, vu l'état des productions, c'est vrai que ça ferait pas de mal, quoi. Un petit wipeout. Tu sais, même VR World, moi je serais content de le refaire dans le PSVR 2. Totalement. Pourtant, c'est que des démos. C'est vrai. Mais c'est tellement pratique. C'est les démos. Quand t'as quelqu'un qui vient à la maison, tu le mets dans la cage avec le requin. Ouais. C'est un truc qui est méga efficace, quoi. Il pète ta table. C'est le CD de jeu découverte pour les novices. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre. Donc faut prendre un peu de recul. Wesh. Mais il faut prendre un petit peu de recul, je pense, sur ce genre d'informations-là et pas rester centré VR. À mon avis, c'est pas symptomatique, en fait. Uniquement de la non, VR. Non, parce que en fait, l'article ne parle de la VR parce que quand le problème est arrivé, donc parce que quand même, les employés de FireSprite reprochent à Sony de s'être trop impliqué dans leur projet et d'avoir cassé leur projet en cours de route quand même. Il précise, Sony a commis la pire erreur possible en achetant un studio et en s'immisçant au point où il risque de se retrouver dans une spirale mortelle et de ne pouvoir mener à bien aucun des projets sur lesquels il travaille. Voilà, et c'est marrant parce que j'ai toujours cru, enfin je pensais qu'il y avait cette philosophie où justement Sony achetait les studios et évitait de mettre trop de pression et évitait de trop chambouler un studio qui avait une équipe qui était habituée à travailler ensemble. Et là on s'aperçoit ça n'a pas été forcément le cas pour FireSprite. Hein? Oui, par exemple. First Contact, on a l'impression qu'ils n'ont jamais mis les pieds sur le paillasson du studio pour le coup. Ouais. Donc on le sait pas du coup, on sait pas vraiment, mais voilà, je sais pas quel est le résultat à attendre de ça, mais en fait c'est vrai que qu'ils mettent les pieds dedans, ça va pas, qu'ils mettent pas les pieds dedans, ça va pas. À un moment donné. C'est ça. Mais un juste milieu, vrai, en fait. C'est vrai. Ouais. Un droit de retour sans foutre forcément la pression que nous ont pu faire avec Supermassive non plus. Donc, Ok, bon, en tout cas, on ne sait pas quelles seront les répercussions pour le moment. On verra, on vous en dira plus quand on saura quoi. Non, par contre, moi, ce que je trouvais, c'était que c'était plutôt bien orchestré parce que cet article, il déboule quelques jours après l'annonce de London Studio. On a l'impression que, je ne sais pas, moi, tout arrive en même temps, quoi. Donc c'est souvent l'effet de grève, il y a un truc qui est médiatisé, on sait que London Studio, puis tout d'un coup il y a tous les studios qui se réveillent, moi aussi ça va pas, on va parler à la presse et puis donc après on verra comment ça va finir déjà à la fin du mois, hein, parce qu'à la fin du mois ils vont peut-être prendre la parole pour le bilan, Donc on va peut-être avoir des chiffres, on va peut-être savoir le nouveau directeur de Sony Interactive. Bon, on sait qu'il est intérimaire, mais on ne sait toujours pas s'il y a déjà quelqu'un de prévu, voir la philosophie, est-ce que ça va repartir sur le Japon ou est-ce qu'au contraire ça va être un nouvel Américain qui va refaire comme Jim Ryan, on n'en sait rien pour l'instant. T'as senti toi Caviar justement dans ces dernières années en fait la reprise un petit peu d'une politique un petit peu à l'américaine dans la gestion de PlayStation, t'as un regret toi aussi sur les décisions qui ont été prises, peut-être les décisions qui ont été abandonnées justement avec le départ de Jim Ryan? T'as un avis là-dessus un peu? Après, moi, je suis, enfin, on va dire que je suis pas un joueur PlayStation peut-être suffisamment âgé. J'ai commencé avec la PlayStation 3 que j'avais eu d'occasion. Mmh. Ah, c'est déjà bien. Ouais, mais si tu veux, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'actualité, à ce qui se faisait peut-être un peu en interne au niveau de Sony, bien tard. Donc, j'ai pas forcément ressenti ce changement de direction en termes de business et compagnie. Mais j'ai bien ressenti au niveau de mon porte-monnaie que oui, en tout cas, je payais beaucoup et de plus en plus. Donc ça, c'est un fait. Notamment avec les augmentations des abonnements et compagnie. Moi, ça me plaît très peu en fait. Je suis en train de me détacher progressivement des plateformes de VOD comme Netflix et compagnie parce que j'en peux plus. Et je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à une saturation en termes de consommation. Et ils seront obligés de changer leur fusil d'épaule. Et là, ils sont arrivés avec leur gaz bien trop tard. Les gens sont déjà saoulés, en fait. Le marché le saturé. Game Pass de Xbox et compagnie. Ouais, c'est ça. En fait, les gens n'en peuvent plus. Donc, j'entends quand on dit que à l'époque c'était mieux. C'est souvent le cas, de toute façon. Et je serais pas contre que l'entreprise prenne une direction complètement différente, ouais, pour voir ce que ça peut produire d'intéressant, notamment pour nous dans la VR aussi. Non, c'est intéressant d'avoir ce type de réflexion de ta part, ouais, qui est plus jeune que nous. Hein. Et ouais, quand tu parles de saturation, alors, déjà, il ne faut pas être passéiste en se disant que c'était mieux avant. Je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, parce que des douilles, il y en a toujours eu dans le jeu vidéo, clairement. Ouais. Non, il y en a toujours eu, LROCO. Moi, je ne sais pas, regarde mon line-up PS3, je regarde le line-up PS4. Faut faire très attention. Le doute m'habite. Hein. Je pense que être quand on s'imagine le passé, on l'embellit beaucoup en fait, tu vois. Donc voilà. Non. Je sais que tu le penses un tout petit peu quand même. Parce que honnêtement, je me répète, je l'ai déjà dit, mais d'avoir des générations de consoles où il y avait un accent, déjà il y avait une meilleure variété. Une plus grande variété de jeux vidéo. Tu jouais à la fois à des jeux typiquement japonais, autant que tu jouais à des survival horror, que tu jouais à des jeux d'action, des choses comme ça. Il y avait un petit peu un panachage complet, tu vois. Maintenant, il y avait des genres. Je sais pas, tu questionnes n'importe quelle personne, même pas forcément un jeune. Hein. Quand je dis un jeune, je sais pas, entre 20 et 25 ans, tu demandes à quelqu'un de 30-35 ans, qu'est-ce qu'il va te dire ? Il va te parler de 3-4 licences. Pourquoi ? Parce qu'il ne bouffe que ça chaque année. Oui, mais il y a aussi un autre truc dans le marché du jeu vidéo global, c'est que il y a tellement de productions, il y a tellement de jeux qui sortent, t'as qu'à regarder le nombre de productions qui sont sorties sur Steam, et c'est la même chose sur le store Nintendo quand tu commences à gratter un petit peu, sur le store PlayStation et sur Xbox, il y a tellement de jeux. Sur Steam, il y en a eu 14 000 en 2023. Voilà. Ouais, mais il y a à boire et à manger, hein. Faut relativiser un petit peu. Tout se lisse et je pense que c'est effectivement, comme disait Caviar, c'est dû vraiment à une saturation un petit peu de la proposition, déjà de ce qui se passe un petit peu dans la tête du consommateur où il commence à vraiment se faire prendre pour une vache à lait et puis qui commence à en avoir marre et qui commence à comprendre que quand il va se retourner, quand il va couper un petit peu les robinets et plus payer ses abonnements, il va se retourner, il va se rendre compte qu'il ne possède rien. Oui, parce qu'il a déjà pas le temps de jouer de toute façon. Voilà. Il y a aussi ça, la conjoncture actuelle et compagnie qui fait que les gens n'ont pas le temps déjà de base. Donc. Alors, ils n'ont pas le temps de jouer, la proposition est sursaturée dans tous les sens. Le style de. C'est des produits de consommation en fait. Quand tu vois l'impact qu'a eu un Final Fantasy VII quand il est sorti, quand tu vois l'impact, alors que c'est un jeu incroyable, qu'a le remake et la deuxième partie du remake là, qui vient de sortir, j'ai l'impression que le truc. Il passe quasiment sous les radars en fait. Il y a quelques youtubeurs qui en parlent, mais il n'a pas l'impact en fait culturel qu'a eu Final Fantasy VII à l'époque. Quand on va avoir un remake, tout fait des pics et ça redescend toujours très vite en fait. Exactement. Je remarque ça, c'est la hype à fond et boum, ça retombe aussi sec. Alan Wake 2, moi ça m'a tué de voir que malgré les attentes des joueurs, le jeu il est passé sous les radars, vraiment. Ouais. Incroyable. C'est très bizarre. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus en fait de production. Ça cartonne à un moment donné. Des fois t'as des espèces d'anomalies comme Helldivers 2, tu vois, qui cartonne. Comme un succès complètement inattendu. Oui. Personne ne comprend pourquoi. Oui. Le truc, ça agace. Ça a beau être saturé au niveau de ce genre de proposition-là. Le bordel, il cartonne. Tu sais pas pourquoi. Mais tu vois, et c'est comme sur les abonnements Netflix, voilà, des séries ou des productions de films qui sortent en ce moment. Il n'y a plus une série maintenant qui sort et qui est marquante. Avant, il y en avait 5, 6, 7 peut-être par an, qui étaient vraiment marquantes à l'époque de Lost. Donc c'était il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, maintenant, il y a plein de séries, même des fois de très très très bonne qualité, qui sortent, mais qui passent sous les radars dans le flot des productions. En fait, t'en as un qui tire son épingle à chaque fois. C'est ça. T'en as un qui tire son épingle à chaque fois, justement parce que tous les autres font de la merde avant. Récemment, en gaz, on a eu le truc d'Ubisoft là, Skull and Bones là, ils ont mis un budget marketing de malade avec quadruple A. Anna Lucia là, je sais pas quoi et tout. et au final, à chaque fois. Quand il y a un moment de stase ou qu'il y a quatre productions avant qu'on déçu les joueurs, il y en a un qui va tirer son épingle du jeu. Là, c'est Helldivers. En VR, ça a été Legendary Tales. Voilà, à chaque fois, quand il y a une situation merdique, t'en as un qui brille. Alors qu'il devrait pas briller autant, mais il brille. Et tu comprends pas pourquoi. Ça empêche pas que les jeux sont bons, hein, derrière. Hein, mais c'est pas les seuls bons jeux qui. Pourtant, il y en a plein qui sont bons qui se plantent. C'est très bizarre. Très, très bizarre. Mais c'est vrai qu'on a. Ouais, j'ai pas mal digressé là. Et puis il y a aussi le fait que il y a quelques années de ça, au temps de la PS3, tout ça, on était encore en train d'attendre nos jeux, on connaissait nos licences. Là maintenant, je veux dire, les jeunes, c'est de la rétention de joueurs, quoi. Les gamins, ils rentrent. Là, moi, des jeux sous cellophane PS5, j'en ai encore pas mal. J'ai mon fils de 16 ans. Je lui dis, bah, écoute, t'as celui-là, tu l'as pas fait, celui-là, tu l'as pas fait. Il en a rien à péter. Tu peux lui amener Hogwarts, tu peux lui mettre Helldivers, tu peux lui mettre n'importe quoi. Il s'en bat les complets. Lui, ce qui l'intéresse, c'est rentrer, jouer avec ses potes. Allez, il va faire un Fortnite ou il va faire un. La pression sociale! Et c'est devenu une habitude, parce que les potes, quand tu les récupères à la sortie du lycée, t'as les fenêtres ouvertes, ils disent « Bonsoir, à telle heure, on se retrouve, on joue à ça. » Bam, et ils font ça. Ils font ça. Et ça c'est des jeux qui Minecraft, je pensais aussi Overwatch 2, des choses comme ça. C'est des jeux qui sont posés et qui font de la rétention de joueurs. Et c'est des gens qui n'achètent plus de jeux, parce qu'ils ont qu'un seul jeu et jouent qu'à ça. On avait la même chose avec Counter Strike, Unreal Tournament, et puis peut-être Team moins que là, parce que là Fortnite, c'est je sais plus combien de millions, je crois que c'est comparable à la population américaine qui joue sur Fortnite. C'est énorme. Donc c'est des joueurs qui ne jouent, ma fille par exemple, elle ne joue qu'à Fortnite. Elle rentre le soir, elle retrouve ses copines sur Fortnite. Tu lui dis, putain, mais on en a regardé tous les films d'Harry Potter, joue à Hogwarts. Mais je m'en fous de ton jeu là, moi je veux jouer à Fortnite. Et voilà. Donc même en tant que parent, quand tu leur payes des jeux, t'as pas bien fait ton boulot. Ils les déballent pas, quoi. Et je pense que ça doit être comme ça, et ça doit être la rétention de joueurs, ça doit être un très gros problème aussi. En plus de ce que vous dites, hein, de énormément de produits. Mais c'est pour ça qu'on n'a pas trop à se plaindre sur la VR, parce que là on s'est plaint récemment de ne pas avoir eu Rec Room, mais finalement c'est typiquement ce type de jeu. Moi je vois les gamins qui sont sur les Quest et compagnie, ce qui les intéresse c'est du VR chat, le truc du singe là, je sais plus comment il s'appelle, là où il grimpe à des arbres, littéralement n'importe quoi pendant des heures, et ça leur va, le truc il est low poly AF, mais enfin ça leur va quoi. Ouais, c'est pas mal, clairement, parce qu'on n'a pas tant de jeux multijoueurs que ça en VR, et si demain on commence à en avoir à l'appel, des comme ça, ça va être compliqué. Et d'ailleurs, ça m'avait fait beaucoup rire, c'était il y a 2 ans au Game Awards, je sais pas si vous vous rappelez, où Fortnite avait gagné un prix, et il y avait eu différents prix qui avaient été annoncés pendant la soirée des Game Awards, et je me rappelle très bien que tout le monde applaudissait les différents jeux, et quand il y a Fortnite qui a été annoncé, bien sûr c'était un public de professionnels, d'un coup il y avait plus d'applaudissements. Donc tu sens quand même que ça grince des dents. Les développeurs rêveraient tous d'avoir ce type de jeu parce qu'ils savent que c'est une mine d'or, c'est la poule aux œufs d'or. Mais en même temps, ils savent que ça leur fait chier parce qu'ils savent qu'avec un truc comme ça, eh ben, ils monopolisent un énorme pourcentage de joueurs qui ne vont pas acheter des jeux. Et c'est peut-être une des raisons, parmi toutes celles qu'on a citées tout à l'heure, qui pourrait. Et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec toi, Sei, de dire que on est peut-être des vieux cons et que c'était mieux avant. Moi, je trouve que le marché, ça a pris un sacré virage quand même. PS1, PS2, PS3 ou même Super NES ou Super Nintendo, Nintendo 64. On est toujours resté dans cette ligne droite du jeu vidéo. T'achetais un jeu, tu jouais à ton jeu. Et là, je trouve qu'on est en train de prendre un virage. Qui n'a jamais existé dans le jeu vidéo, celui des abonnements. On ne sait pas où on va en fait avec ça. C'est possible qu'ils se prennent un mur. Hein. Je dis pas que la nostalgie c'est pas bien. Je dis juste qu'il faut faire attention à être passéiste et que là, effectivement, il y a une évolution du jeu vidéo qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Une nouvelle façon de consommer. Les consommateurs aujourd'hui, c'est pas nous, en tout cas, c'est pas notre tranche d'âge de quarantenaire. Et c'est pour ça qu'on s'intéresse un petit peu, parce qu'on a de la bouteille un petit peu dans le jeu vidéo et qu'on va s'intéresser à des technologies comme la réalité virtuelle, qui est une nouvelle vision en fait, qui est pour nous une révolution, une façon d'appréhender le jeu vidéo vraiment différemment, avec énormément d'immersion. Et c'est ce qui nous manquait, c'est ce qu'on recherche depuis qu'on a commencé à tenir une manette. Je dis juste que là. Il y a une révolution totale en fait. Soit ça va fonctionner, soit ça va complètement s'écraser. Il y a des théories comme quoi il y a eu la bulle, un crack. Il y a la situation dans laquelle on est, en tout cas dans laquelle les studios sont, et ça c'est plus dramatique. Il y a des choses en fait qui ont été normalisées aussi à l'époque des grosses productions, notamment les productions Rockstar, où t'as eu du crunch en veux-tu en voilà, la qualité des productions était exponentielle, les Naughty Dog, les Last of Us, ça a explosé. Aujourd'hui, je pense que j'espère qu'on a bien profité justement de ces jeux-là, parce que des jeux dans ce genre-là, je sais pas si, aussi jusqu'au boutiste, je sais pas si on aura à nouveau. Tu vois, mais je pense pas que c'était quelque chose de très très sain finalement, d'avoir des choses aussi jusqu'au boutiste. Je sais pas si je suis bien clair en fait là-dessus. On était arrivé en fait à un point où les productions étaient anormalement élevées, toi, au niveau de la qualité de production. Tu trouves? J'ai l'impression que. Oui, mais il y a toujours un point de saturation, non pas que financier dans les marchés. Hein. Il y a aussi en termes de création, dans plein d'autres secteurs en fait. Au bout d'un moment, t'atteins l'excellence et après il y a plus rien. Je pense qu'on est en train. Forcément, ça redescend. Je pense qu'on est en train. Enfin, on a. Si on l'a pas déjà atteint, en tout cas, on a peut-être atteint le plafond de verre, quoi, au niveau des productions vidéoludiques. Et on voit ça en vert. On voit ça même peut-être un petit peu avec un petit peu d'avance sur le marché global. Mais voilà, on a vu ce qu'on avait en 2018, en 2017 en VR. On voit ce qu'on a maintenant. Je sais pas si c'est uniquement lié à l'autonome. Ça, c'est une raison, hein, c'est certaine. Hein. Mais ouais, j'ai pas la réponse. Il y a comme on l'a dit tout à l'heure aussi, il y a aussi un phénomène que je considère comme une vraie névrose, c'est les tendances. Et quand t'as du Job Simulator qui est dans le top des charts vente pendant X mois, des années, bah en fait t'as tous les développeurs, ouais voilà, carrément, t'as des développeurs en fait qui se disent ah mais c'est le jeu, la même chose. C'est le jeu qu'il faut faire. Donc en fait on en a eu plein. Et au bout d'un moment, on va relever la tête. C'est juste que ça mettra du temps parce que les développeurs vont se dire ah ok, en fait ça marche plus. En fait, il faut faire autre chose, c'est parce que les joueurs veulent. En fait, ils écoutent le marché plutôt que nous écouter directement. Sauf que la VR, c'est quand même très fragile comme marché, et ça fait un peu peur qu'il y ait ces mouvements de foule sur un marché si peu stable encore. Mais moi, il y a l'autre truc qui m'étonne aussi, c'est que c'est incohérent en fait, parce qu'on parle tout à l'heure de des jeunes qui font ça, mais quand tu vois les études du CEL chaque année, la moyenne, le jeu vidéo constitue donc une passion pour les jeunes générations qui perdure, blabla. L'âge moyen des joueurs français est de 40 ans en France, en augmentation de 1 an par rapport à 2022, avec près de 7 adultes sur 10, 69% qui jouent aux jeux vidéo. Donc il y a l'âge moyen, c'est plus des gamins qui jouent aux jeux vidéo, la majorité c'est nous en fait, 40 ans quoi. Et au final, enfin 40 ans, c'est moi, je suis encore un peu plus vieux que ça, mais bon. Mais au final, tu te dis, C'est marrant parce que c'est là où je comprends pas, c'est incohérent, c'est qu'il y a les GAS, notre génération qui a connu le jeu vidéo depuis pas mal de temps. Je pense qu'on n'est pas super à fond sur les GAS et tout ça. Et malgré ça, je comprends pas pourquoi. Alors est-ce que Sony s'est rendu compte qu'ils avaient fait fausse route au niveau des GAS, parce que je sais pas si vous vous rappelez les fuites qu'il y avait eu chez Insomniac, où justement il y avait plusieurs rapports qui parlaient aussi des jeux scénarisés, et ils s'apercevaient que les jeux scénarisés se vendaient beaucoup mieux que certains jeux multi. Est-ce qu'il n'y a pas eu des études internes qui se sont rendues compte que la population avait augmenté, puis ce qui les aurait amenés à éliminer les GAS inutiles qui étaient imposés en plus à des studios qui ne voulaient pas en faire, parce que ça c'était important aussi, et est-ce que tout ça venait de Jim Ryan? Ça je ne sais pas non plus, mais on peut se poser la question, pourquoi il est parti. Je ne suis pas sûr de la viabilité de ce genre d'études là, parce qu'on a souvent des sons de cloche complètement différents. Il y a quelques années, on annonçait la mort du jeu sur PC. C'est le souci. Ouais, on annonçait la mort du jeu narratif, le jeu solo. Fallait uniquement aller dans le multi. Dès que tu avais une licence même connue pour ces expériences solo, il y avait un multi qui était rajouté obligatoirement par les éditeurs. Il y a eu plein de cas comme ça. Pour le meilleur ou pour le pire, hein, mais bon, c'est un fait. Maintenant, ça change un petit peu le vent change un petit peu de sens. J'ai l'impression qu'en fait, ces études sont déjà, une fois qu'elles sortent, sont déjà en retard par rapport à la tendance, quoi, tu vois. Mais là, c'est pas des études, hein, c'était les documents internes de chez Insomniac, de chez Sony. Mais ce que tu dis, par contre, quand tu dis le vent change, j'ai l'impression que plus personne, en fait, dans l'industrie du jeu vidéo, ne sait vraiment dans quel sens va le vent, et que ça part dans tous les sens. T'as des courants d'air partout, en fait, et que tout le monde teste un truc. Putain, ça, comme on disait tout à l'heure, ça a marché. On va faire ça. Mais il y a plus une tendance en disant putain, un gros bloc. À part peut-être GTA. Bah, les tendances vont vite, parce que comme dit Caviar, justement, c'est symptomatique un petit peu. C'est que dès qu'il y a un jeu qui cartonne, tout le monde veut faire la même chose. Le problème, c'est que ça gaffe très vite, de plus en plus rapidement, j'ai l'impression. Tu vois, les Battle Royale, ça... Je sais pas pourquoi, mais GTA 6, je suis sûr qu'il va cartonner. Ouais. Oui, mais justement, je voulais rebondir par rapport à ça. Pour moi, GTA, c'est comme Apple. Ils sont tellement loin qu'ils sont pas du tout influencés par ça. Ah oui, c'est clair. Ils font ce qu'ils veulent. Quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ça changera rien. Ouais. Ça marchera. Donc, surtout qu'en fait, il y a aussi le côté un petit peu diva d'attendre des... Enfin, ils peuvent rien. Il faut des années pour produire ce qu'ils produisent. Mais du coup, ils sont tellement attendus qu'en fait... tant pis, ils vont faire les ventes quand même, quoi. À un moment donné, même s'ils font de la merde. C'est important, ça, par contre, parce que c'est vrai qu'on a toujours eu cette tendance quand les jeux, tu le disais tout à l'heure, n'existaient pas. C'est que tu disais, putain, il y a ce jeu-là qui va sortir, je l'attends comme un dingue, tu le précommandais et t'attendais pendant des mois, tu voyais en plus les trailers. T'allais dans ton mammouth, tu le récupérais. Et le jour où t'allais chercher ton jeu et que tu l'avais en main, mais t'étais comme un dingue. GTA, elle y a ce hype, il y a ce truc magique qui va faire que les gens vont s'y jeter dessus. Alors que, imagine demain GTA te dit, ben, au final, on arrête ça, on fait un truc épisodique sur un abonnement. Ça sera plus pareil. Si tu bouffes des Mars tous les jours, t'en as ras-le-bol des Mars, quoi. C'est ça, peut-être ça aussi le souci. Le fait d'attendre, c'est peut-être quand même une bonne chose aussi. Bien. Bon, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question en digressant énormément. Ça faisait très longtemps qu'on n'était pas autant parti en couille. On est parti dans tous les semaines. Sens. 3 semaines. Voilà. Ensuite, Laurent, de quoi tu veux nous parler? Alors, je voulais parler quand même de cet article de IGN. C'est quand même c'est quand même de la presse très influençante. Tout à l'heure, c'était Eurogamer. Choisis bien tes mots. Vous avez parlé de Bloomberg. Ouais, on vous avait parlé de Bloomberg. Là, c'est IGN qui a fait un article salé. C'était la semaine dernière, ou il y a peut-être une dizaine de jours. On n'en a pas parlé parce qu'on avait une émission à la bourre. On déprimait. Voilà. Et donc, je voulais revenir sur cet article et puis savoir. Alors, je propose de vous dire les gros points de l'article et puis comme ça, chacun de vous dites ce que vous en pensez. Vous dites vrai, faux, pas d'accord, d'accord, et puis voilà. En gros, le titre, c'était un an après sa sortie, Sony semble avoir abandonné le PlayStation VR 2. Alors non, là je veux pas votre avis parce que sinon on va pas arriver à avancer. Alors qu'est-ce qu'ils disent ? En 2021, Sony a annoncé qu'il travaillait sur un casque de nouvelle génération qui est décrit comme un système VR de nouvelle génération qui améliore tout, de la résolution et du champ de vision au suivi et à la saisie. Environ un an plus tard, le PlayStation VR 2 a été officiellement dévoilé avec une date de sortie fixée à février 2023. Un peu plus d'un an après sa sortie, le PSVR 2 n'a pas encore atteint tout son potentiel entre son manque d'exclusivité propriétaire, son prix élevé, son manque de rétrocompatibilité et ses retards dans la vente au détail. Le PSVR 2 a à peine fait sensation sur le marché de la réalité virtuelle. Maintenant, au milieu de licenciements dévastateurs qui incluent la fermeture du fameux studio PlayStation London Studio, axé sur la VR, il semble que le PSVR 2 soit déjà à bout de souffle. Voici comment nous y sommes arrivés. Voici comment nous y sommes arrivés et ce que l'avenir pourrait réserver aux casques VR en difficulté de PlayStation. Alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ça ? Son prix élevé, son manque de rétrocompatibilité, ses retards dans les ventes au détail et son manque d'exclusivité. Vers Caviar, tu veux commencer ? D'accord, pas d'accord. C'est loin d'être faux, mais c'est pas tout à fait vrai non plus. Enfin, je pense qu'il faut relativiser, comme dirait un certain Philomène. En termes d'exclusivité, on a quand même eu des titres quand même qui sont loin d'être oubliables. Parce que ça aurait pu être aussi des exclusivités qui se foirent, hein. Ça existe, hein. Mais jusqu'à maintenant, c'est des exclusivités qui ont prouvé que ça faisait le taf. Ça peut être perfectible, hein, Horizon notamment, pourrait être mieux. Mais déjà très bien. Et après, pour son manque de compatibilité, ça, malheureusement, je pense que ça ne changera pas. Enfin, de rétro-compatibilité. On en parlait tout à l'heure. Ça ne changera pas. C'est vraiment, on aimerait avoir quelques jeux, en tout cas, quelques bons jeux qu'on a aimés sur PSVR. Au moins, que Sony puisse donner la possibilité aux nouveaux joueurs, ceux qui ne connaissaient pas ce casque-là, de redécouvrir ses pépites. Hein. Et même nous. Hein. Effectivement. Mmh. Effectivement, mais il y a quand même. Double taf, si je puis dire, au moins sur les contrôleurs. Ah oui, et oui. Après, oui, côté portage technique, et oui, c'est peut-être si ça simple, aussi qui donne pas. Ouais, c'est ça. On part quand même de contrôleurs complètement différents. Sinon, je suis assez d'accord avec le début de cet article. Après, je trouve qu'il est un petit peu trop vénère. C'est-à-dire qu'il est trop tranché. Trop tranché. Ouais. Gardez ça pour tout à l'heure, parce que c'est plus salé après. Et toi ? Mais voilà ce que j'en dis. Et toi, elle ? Ah, je rejoins un petit peu, mais l'article est trop tranché. Alors c'est sûr que de vendre un accessoire à 50€ plus cher que la console, c'est quand même un message fort. Risqué. C'est très risqué. Après, pour des profanes, bon, de dire oh, putain, c'est comme si j'achetais une manette, au prix de la console, voire même plus cher. Bon, après, ils achètent des manettes à 150 balles. Si on faisait le ratio, on pourrait dire que vous le faites déjà en fait. Hein. Donc d'acheter des trucs beaucoup trop chers. Après, le manque d'exclus. Wizard Parole, il disait que en fait c'est un argument sans être un argument, parce que quand la PlayStation 5 était sortie, il n'y avait pas énormément d'exclusivité non plus dessus. Quoi. T'avais le Demon's Souls qui était. Vrai. C'est le début, la première année en tout cas, elle était relativement pauvre. Nous, on a quand même eu. Horizon, on a quand même eu GT7 et on a eu Resident Evil Village. Après, on s'est tapé toutes les merdes et les moins merdes du Quest. Je dis les moins merdes, c'est-à-dire les trucs qui se respectaient un minimum comme Red Matter et Red Matter 2, tu vois. Donc, est-ce qu'on a eu une année épouvantable qui souligne que le PlayStation VR 2 était déjà abandonné ou quoi ? Moi, je dirais non. C'est peut-être un cycle normal. Je crois que ce qu'on disait avant, qu'on est dans une tendance, enfin que l'aspect tendance dans le domaine du JV fait énormément de tort, parce que c'est même une grosse production qui est hypée et tout, hop, ça redescend aussi vite. Et le problème sur un marché fragile comme la réalité virtuelle, c'est que ça lui fait beaucoup plus de tort que sur le marché plat. Donc je pense pas que ça soit une année si catastrophique que ça. Sachant qu'on avait quand même pas mal d'exclus et suffisamment, on va dire, de contenu pour contenter ceux qui découvraient la réalité virtuelle. Après, je pense que ça fait fausse route dans le sens où il faudrait séduire un jeune public. Moi, je pense pas, parce que on se rend parfaitement compte que le public de la réalité virtuelle, est vieux, enfin âgé, plus vieux. Et plus vieux, plus vieux, au moins 25 ans. Salariés, déjà. Et salariés, masculines, et, enfin masculins, et voilà. Non, pas toujours. Il y en a, il y a 0,01%. Il y a Terror Girl. Fierté. Mais non, mais voilà. Est-ce que c'est une année épouvantable pour un nervoir? Après, la communication, c'est certes, franchement, elle n'est pas là. Sony, mais après, j'ai envie de dire, la communication, c'est fidèle à Sony. Hein. Tu regardes la communication en plat, elle est d'autant plus catastrophique, mais on la subit plus sur notre marché à nous. Moi, j'ai encore. Moi, je trouve que même encore à l'heure actuelle, on peut convaincre aisément quelqu'un. T'aimes la bagnole, t'aimes les jeux de bagnole, tu prends un VR2, mais il faut investir. Tu prends un volant, mais tu vas redécouvrir les jeux de conduite. Tu aimes les survival, là, tu vas te régaler, parce que des survival, on en bouffe. Et puis, on va encore en bouffer. Alors, si t'aimes pas les survival, ça te coupe énormément de. Aimes le rétro gaming ? Non, il y a rétro gaming et puis il y a autre chose. Mais Les roguelites, d'horreur. Ah ça dépend aussi le roguelite que tu lui conseilles. Mais tu vois par exemple tu lui conseilles Synapse. Même si Synapse, tu l'aimes pas, Star Wars il est très très bien. Il est très bien Laurent. Tu l'as pas essayé, il est très bien. Tu rigoles, je l'ai pas essayé. Non mais putain si, je l'ai essayé. pour le descendre comme j'ai descendu, je l'ai essayé. Et t'aimes jouer avec tes potes, t'as du After the Fall, t'as du Legendary Tales si t'aimes un petit peu le côté Souls. Il y a pas mal de choses à faire, mais il manque des trucs. Il manque un soutien, on va dire, d'un point de vue déjà marketing, ça c'est sûr. Et aussi de la créativité dans les idées dans les jeux sur le PSVR, des trucs comme Static par exemple, des trucs comme ça qui étaient totalement des ovnis et qui étaient excellents. Et je trouve que là on tourne en rond avec on a déjà deux SimCity, on a déjà on tourne en rond, on gagne du temps. Ça c'est ça. Je sais pas, mais je me pose la question parce que avec ce que on nous promet. Il y a des fois tu dis encore. Moi ce que je vois là dans ce qui va bientôt sortir, je parle uniquement en termes de jeux là. T'as quand même des jeux où c'est marqué Steam PSVR 2. Donc t'as pas le Quest dedans, tu vois. C'est limite les mecs qui disent non mais excusez-nous mais est-ce qu'on oui, mais a envie de ça, faire ça veut pas dire que le jeu va pas sortir sur Quest après. OVR Dark, oui, Madison. Surtout que Meta refuse des trucs des fois, on ne sait pas pourquoi il les refuse, mais Cube. Des fois, il refuse totalement des aussi, positions. Oui. Alors là, lui, Cube, non, il sortira pas sur. J'aimerais voir la gueule du truc. Hein. Je crois que même Minecraft sur PSVR, il sortirait pas sur Quest, hein, il pourrait pas. Peut-être sur Quest 6. Non, mais, et puis 70 gigas, tu les installes pas sur un Quest déjà, donc c'est réglé. D'ailleurs, en parlant de ces deux derniers pourcents, ils sont téléchargés là. Ah bah là oui, est-ce que je suis fluide? Ça va, bon ça passe. Ah ouais, c'est bon. Donc c'est bon, c'est t'es en 15 FPS, tout va bien. Donc la première année, ouais, non, c'est un peu dur dans le discours. Le prix, on peut lui reprocher, il y a pas de souci. Après il y avait la rétrocompatibilité. Après c'est toujours pareil. Le prix élevé, son manque de rétrocompatibilité et ses retards dans les ventes au détail, ce qui n'est faux. Ce qui la rétrocompatibilité peut-être pas parce que ce serait un vrai casse-tête ce que disait Eric Chahi hein, par rapport à différents moteurs Unity que c'est pas si simple que ça. Et t'as aussi les DualSense hein, donc il faut un petit peu tout repenser. Je pense pas que ça soit juste un tracking optique qui passe à l'infrarouge. Enfin non, voilà. C'est super compliqué. Il y a des choses. Surtout tous les jeux PSVR, les PS Move, il n'y en avait pas un qui utilisait les mêmes boutons pour se déplacer. Il y en avait un, t'appuyais sur un bouton pour avancer, un autre pour. Il y en avait. Ouais, mais c'est parce qu'il manquait un stick ça. Du coup, c'est vraiment du cas par cas. Il faudrait vraiment y aller jeu par jeu pour les adapter, quoi. Donc, si c'est les développeurs ça, donc ont du pognon déjà, c'est cuit. Du pognon, de l'investissement, la rentabilité, le soutien de Sony. Sony, il donne des chèques pour faire Resident Evil. On voit que le 4, il est en train d'augmenter au fur et à mesure. On est bientôt, on est presque à 100 000. On n'est pas loin des 100 000. Ouais. Pas loin des 100 000. Et encore, ça reste une niche dans la niche parce que les survival horror, ils ont plus le vent en poupe depuis la PS4. Donc, mais il faut. Faut taper dedans. Et taper dedans, c'est de mettre ce mode VR, ce EUVR, mais de manière officielle, sur les jeux PlayStation, en tout cas les gros titres. mais qui pourrait lui sortir la tête. C'est encore un truc qui est incohérent par rapport à son prix élevé. C'est quand même Sony avait communiqué. Alors je sais pas si vous vous rappelez déjà, ils avaient parlé à la sortie du PSVR. Je sais plus qui avait pris la parole là-dessus, qui avait bien expliqué que le PSVR n'était pas vendu à perte et que justement la marge qui était générée par les ventes de PSVR était réutilisé pour financer justement ce genre de jeu. Et ils avaient annoncé exactement la même chose, parce que c'est vrai que quand ils nous ont annoncé le prix du PSVR 2, je pense qu'on a tous fait des yeux super ronds, on a dit non, Dieu. Bah surtout qu'on nous l'a pas offert. On nous l'a pas offert à nous, hein, donc. Ah bah non. et en même temps, tu te dis, alors bon, il y a une marge qui est faite sur ce PSVR 2, on le sait, mais est-ce qu'il y a d'autres jeux qui sont en cours ou est-ce qu'ils sont en train de totalement l'arrêter? Enfin, tu te dis, si vraiment ils veulent arrêter ce système-là, dans ce cas-là, ils ont qu'à baisser le prix du PSVR 2 pour en vendre plus, ce qu'ils ne font pas. Donc, ils ont encore cette politique de garder des ronds de côté pour investir ailleurs. Et puis, ça sera un aveu d'échec. J'espère que ces ronds-là partent pas pour financer encore une connerie de télécommande ou une autre babiole qu'on s'en fout. Qui ça reste quand même dans le truc de la VR. Mais en fait, oui. J'ai super ragé quand j'ai vu ce tarif de 600 euros. Après coup, quand j'ai vu le discours et je me suis dit, ah, il y a peut-être 200 balles qui partent sur chaque casque pour arriver à financer, parce que c'est quand même 5 millions d'euros, hein, juste pour financer Resident Evil 4 ou 8. Est-ce qu'ils vont continuer comme ça ou est-ce qu'il y a un moment où ils vont baisser les prix? Le savoir bientôt. Pour revenir à l'article, j'ai l'impression que c'est vraiment une intro histoire de réveiller un petit peu le lecteur, de balancer des choses qui sont pas toutes fausses. Sur le prix du casque, je mettrai un gros bémol parce que quel est le prix moyen d'un casque que tu branches sur un ordinateur à un casque filaire? Je parle pas du Quest 3 qui est un petit peu le casque hybride autonome et vendu à perte et que c'est tu peux 600, hein. et que c'est tu peux 600, brancher 700. Et que tu peux brancher sur ton PC. Mais sur les casques PC, c'est quoi le prix moyen? C'est pas 600 balles. Hein. Bah c'est 1000 balles le Vive Index. Maintenant, il a dû baisser quand même. C'est pas 600 balles. Non, il est toujours pareil, mais t'as le. Donc le prix d'un casque. Cosmo, c'était 800, je crois. 700 ou 800. Le prix d'un casque que tu branches sur un hardware, parce que le PSVR 2, c'est ce que c'est. Ouais, mais sur PC, c'est des Américains, les gens. Ils ont des sous. Le prix ne rentre pas en ligne de compte. Alors effectivement, c'est un peu plus cher qu'un PSVR, mais le PSVR 2 n'a pas la même technologie dedans, ça on le sait. Il y a le manque de rétrocompatibilité. Oui, moi personnellement qui joue sur PC, ça m'emmerde, et c'est pour ça que je suis plus PCiste que consoleux. C'est qu'il n'y a pas cette notion sur PC de génération, en fait. Tu changes un composant sur ton ordinateur, en fait, finalement, les jeux qui ont 20 ans, qui ont 4 générations, voire même qui datent de Mathusalem, en fait, tournent toujours dessus. Tu trouves toujours un moyen, en fait, de les faire tourner. Même si tu changes ton hardware, même si tu changes ton casque, tu branches, ça fonctionne. Donc ça, je peux le comprendre, mais après, on n'est pas sur PC, on est sur console. Si tu veux faire vendre des consoles, il faut faire des générations de jeux. Hein. La rétrocompatibilité, c'est un truc qui avait été mis en avant par Xbox, qui est très bien. Moi, je suis pour la rétrocompatibilité, même pour les jeux plats. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté une Xbox à l'époque. Comme ça, je pouvais jouer à des jeux Xbox 360 et puis et One. C'était cool. Quand la PS4 est sortie, elle n'était pas rétrocompatible. PS3, ça avait posé souci à absolument personne. Donc pourquoi est-ce que ça pose souci maintenant? Ça, je comprends pas. Je pense que c'est un faux sujet. C'est un faux sujet, en fait, maintenant. On sait de toute façon qu'un jeu tel quel peut pas être porté sur PSVR 2 à cause des contrôles, comme on l'a dit, parce que voilà, les jeux n'ont pas été pensés du tout de la même façon. Les tracking à la manette sont pas les mêmes non plus. Donc tu peux pas faire ça comme tu veux. Le manque d'exclusivité, non. On voit un petit peu justement les exclus qu'il y a sur PSVR 2, de qualité, hein, on parle uniquement de ça, qui sont incroyables et qui défoncent complètement la concurrence. Parce qu'il n'y a pas de concurrence, et ça, le plus gros problème justement du PSVR 2, c'est pas son prix, c'est pas le fait qu'il soit sur PS5 et soit paraître compatible ou n'importe quoi, c'est qu'il n'a pas de concurrence. La seule concurrence qu'il a maintenant, c'est pas le PC, parce que le PC est en train de se péter la gueule et il n'y a plus de production, ou très très très peu de production digne justement des configurations, c'est son seul concurrent, c'est l'autonome. Et forcément, les jeux autonomes, les développeurs qui ont envie de proposer ça à plus de plus grand marché possible, proposent les mêmes jeux sur PSVR 2. C'est ça le problème. C'est pas le problème des jeux exclusifs au PSVR 2. C'est l'ensemble du marché en fait. C'est que le tout les choses sont prises un petit peu dans le mauvais sens, j'ai l'impression. T'avais ça et t'avais quoi d'autre comme truc qui était avancé? Le prix. Donc il y avait le prix. Attends, je l'ai perdu. Non, c'est bon. Il y avait le prix, le manque de rétrocompatibilité, ces retards dans la vente au détail. Ah oui, ça par contre. Faire tester. Ça, faire tester. Ce n'est pas faux. Ça par contre, c'est pas faux du tout. Malheureusement, ça a toujours été une tannée pour c'est avoir. Pas, c'est pas faux, surtout avant les fêtes de Noël. Je pense qu'il y a certains parents qui auraient peut-être. Ah ouais, ça. Oui, c'est vrai. La période des scalpers. Tu te rappelles pas comment j'avais galéré pour avoir une PS5? Ouais, mais ça c'est vis-à-vis de notre point de vue à nous, vis-à-vis de Sony, ils s'en foutent, ils les vendent. Et après ils disent ils sont vendus quoi. En gros voilà, on est en train de chier en fait sur la qualité des productions qu'il y a sur PSVR 2 sans se rendre compte qu'il y a rien d'autre de mieux qui est proposé dans la concurrence, absolument rien. Mais alors là par contre c'est pas parce qu'il y a rien qu'il faut quand même sortir de la merde quoi. Non, mais d'accord, mais le truc, c'est pas les jeux de merde qui sortent sur le PSVR 2, ils sont pas exclusifs au PSVR 2. Ah non, oui. Et oui, voilà. Tout donc du coup, ce n'est pas la qualité justement des jeux qui ne sont pas exclusifs qui remet en cause justement la non-qualité ou la non-présence d'exclusivité sur le PSVR 2. Moi, en tout cas, il y a un truc auquel j'ai pensé là dernièrement quand il y a eu leur fameuse annonce pour les un an là pour l'anniversaire, donc leur fameux travail sur la compatibilité PC. Moi, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un truc spécifique. Je sais pas si c'était dans le même temps pour le PSVR 1 que c'est arrivé, mais c'est la possibilité pour des joueurs abonnés au PlayStation Plus Extra, j'imagine, et Premium, d'avoir un jeu gratuit en fait parmi un éventail de 30-40 jeux qui sont plutôt décents sur le PSVR 2. Ce serait pas ça, mal. On va l'avoir un jour ou pas? Parce que ça, c'est vendeur. Ça permet aussi de calmer les esprits des acquéreurs, des early adopters. Donc, enfin, ça, je l'attends personnellement. C'est vrai. Ouais, la PlayStation ont commencé à distribuer les cartes de vente de code de jeux PSVR 2 dans les magasins. Donc ce qui peut faire croire qu'ils vont pas laisser tomber et qu'ils ont peut-être pas encore lancé la machine. C'est ahurissant ce que je suis en train de dire. Ça fait un an qu'il est sorti, ils ont pas lancé la machine. Mais bon, bref. Bah non, mais avec ce qu'il y a même de qualité prochainement et même actuellement, t'es pas trop sur un abandon en fait. Moi ce qui est difficile, j'ai l'impression qu'ils veulent pas balancer la purée tout de suite. Et que tout ce qu'on se les retards qu'on se bouffe, c'est au goutte à goutte là. C'est que l'image du casque, il ramasse. Hein. Ouais. Ouais, mais est-ce que le casque, est-ce que son honneur, il est pas plus tard, tu vois? Mais le casque, il s'est pas exprimé pour moi. Enfin, il s'est pas totalement exprimé le casque. Et c'est ça en fait qui me fait garder l'excitation, c'est de me dire en fait, je sais qu'il est pas à 100% de sa capacité. Et la PS5 est plus loin de là. Oui, c'est clairement. Et donc du coup, j'ai besoin de voir ça en fait de mes yeux. 100%. Moi, c'est ce que j'espère. Oui, je suis sûr à 100% que Sony décide, te fait une annonce, mais qui tue, mais il t'ouvre le Bifrost, c'est Thor qui descend, et des boum. Là maintenant, et vous avez Last of Us, vous avez ci, vous avez ça. Moi, vous avez ça. Votre... il va falloir là, taper très fort, par contre. Et là, ils éclatent parce tout. Mais est-ce que c'est le moment que... Est-ce qu'ils peuvent le faire? Oui, mais s'ils le font, peut-être que c'est ça. Hein, peut-être qu'ils ont peut-être des soucis d'approvisionnement. Peut-être qu'il y a des soucis dans les usines de Gore-Tex en Chine. Peut-être que Meta, vu que c'est quand même fabriqué dans la même usine, ils ont commandé je sais pas combien de millions de Quest 3 et que du coup, l'usine, ils sont humains, ils sont pas extensibles. Donc du coup, ils ont dit, écoutez, on peut vous en livrer 2 millions tout de suite et puis les 2 autres millions, ils arriveront dans 10 mois. Et du coup, ils ont dit, merde, si on sort ces jeux-là, on n'aura pas le stock. Donc on peut pas les sortir, donc on attend. C'est possible ça. C'est une des possibilités. Maintenant, moi ce qui m'inquiète, c'est que cette première année, au niveau de la presse, elle a été plutôt. Alors la presse généraliste, elle a fracassé le PSVR 2. Les gens, ils étaient peut-être. La presse spécialisée aussi un petit peu. Enfin. C'est aussi. Pas du misérabilisme. Ça dépend lesquels. Ouais. Il y a d'autres. Le souci, c'est que un peu général, l'image du casque en a pris un coup. L'image de Sony en a pris un coup. Bien sûr, tous les opposants à Sony vont en profiter pour retaper dessus, parce que ça les éclate. Hein, quand il y a des articles comme ça qui sortent, c'est partagé. Hein. Et puis le souci, moi, c'est est-ce que tous les YouTubeurs ou tous les influenceurs ou tous les sites qui ont fait des articles en disant que c'était pas terrible. Derrière, est-ce que eux vont changer d'avis parce qu'ils vont dire putain, je suis décrédibilisé. Alors il y en a certains qui n'ont rien à foutre, ils changent d'idée jour au lendemain. J'ai bien peur que non. Mais il y en a d'autres. Oui. J'ai bien peur. Est-ce que l'image va changer? Ouais, ça me fait peur. Je suis un peu pessimiste là-dessus. Comme je disais sur le Discord, en fait, j'ai écouté le dernier épisode d'un podcast que je suis un petit peu qui parlait de Resident Evil 4, du remake et la partie VR, elle tient dans une heure et demie de podcast environ 15 secondes. Et l'échange, c'est... t'as essayé, toi, la version... Quelqu'un a essayé la version VR de Resident Evil 4? Non, personne? Ok. Ouais, non, il y en a un qui dit « Non, moi, j'aime pas la VR. » Et il y en a un qui dit « Ouais, moi, j'ai dû essayer Resident Evil 8 sur le PSVR 2 ou Resident Evil 7. » Et j'aime pas les brocolis. La réponse de son pote. Avec les mains. La réponse de son pote. T'as vomi? Non, j'ai pas vomi. Ah oui. Mais par contre, je me souviens qu'on pouvait charger les armes avec les mains. Alors peut-être que dans Resident Evil 4 en VR, tu peux le faire aussi. Ah d'accord. Et terminé. Voilà. Expédié. Voilà. Ils savent pas de quoi ils parlent. Un podcast plutôt de bonne qualité, mais représentative vraiment du je m'en foutisme total du grand public et des joueurs plats sur la VR. J'aime pas, ça fait vomir. Ouais, apparemment tu peux faire le con avec tes mains. Allez, très bien. Les trucs qui reviennent depuis 2016. Quand tu vois les gens justement, les expériences des gens sur le Discord, sur notre Discord, qui ont vécu Resident Evil 4 en réalité virtuelle et comment ça leur a éclaté la gueule. Je comprends pas vraiment en fait maintenant ce désintérêt. Quelqu'un en fait qui se dit aimer le jeu vidéo et qui dit ouais non moi la VR j'aime pas. Genre c'est VR. J'aime pas. Rien que ça déjà. Et ce genre de discours, j'arrive pas du tout à l'entendre. Et j'en ai en plus des... J'aime pas lire, j'aime pas le cinéma. Non mais. C'est ça. Hein. J'essaie de discuter aussi avec des gens qui jouent autour de moi. Et j'ai des discours qui me disent non, mais la VR, non, ça m'intéresse pas. T'as essayé? Ouais, j'ai essayé vite fait, mais non, j'aime pas. Mais c'est que t'as peut-être pas essayé les bons trucs, t'as peut-être pas essayé une licence qui te plaisait justement. Enfin, il y a rien pour le moment, en tout cas, dans la tête du grand public qui donne envie. D'y aller quoi, je trouve ça vraiment triste en fait. Et j'ai peur que justement dans la tête du grand public et des influenceurs, des influenceurs, j'aime pas trop ce terme là, mais en tout cas de ceux qui en parlent sur internet, ils se disent juste non, ça va pas marcher. De toute façon, j'ai vu à droite à gauche que ça avait pas marché. Tout le monde dit que ça marche pas, tout le monde dit que ça intéresse personne. Allez, c'est passé. Tendance, ce qu'on dit, phénomène de mode, tendance. Ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ça. Ça qui me fait peur. Ça fait flipper. Et ça serait. Et c'est comme ce qu'on disait cet après-midi, le nombre d'influenceurs qui ont reçu quand même des PSVR gratos, des PSVR 2 gratos, pour ne faire qu'une seule petite vidéo et dire ça y est, il est sorti, regardez, j'arrive pas à le mettre, je le mets en vrac. Ça fait loucher, ça donne mal à la tête. Et les types, ils les ont défoncés, ils ont eu le casque gratuit. On est vachement aigri ce soir, non? tu te dis putain, au niveau marketing, fais attention à qui tu l'envoies ton casque pour essayer d'avoir au moins une bonne petite com, parce que c'est quelque chose qui te suit. Et la VR, et toute la VR ramasse en plus, parce que c'est pas, si le Quest il y a un souci de jeux qui sont pas beaux, le mec qui est habitué à jouer sur gros PC ou de jouer sur une console, il va dire je vais pas jouer à ça, c'est moche, parce que lui il va pas voir ce qu'on voit dans le casque, il va voir que ce qu'on voit sur la vidéo YouTube. Donc ça aussi, ça fait, c'est la VR qui prend, parce que les jeux en VR, ils sont comme ça. Non, ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui sont différents. Tu fais un Horizon, tu fais un GT7 ou tu fais un Alix, tu vas voir, c'est pas ça. Et c'est tout. À chaque fois, on tape sur la VR en général. Donc, qu'on tape sur le Quest ou qu'on tape sur le PSVR 2 ou qu'on tape sur n'importe quel casque VR, c'est toute la VR qui ramasse. Et le souci, c'est que maintenant qu'il y a cette image de bien implanté, de la VR ça fait vomir, de la VR ça fait ça, de la VR c'est moche, de la VR. Si un jour, Sony balance un super triple A qui intéresse tout le monde, ils vont en vendre quelques-uns parce qu'ils balancent un Last of Us, c'est sûr que ça va cartonner. Par contre, à mon avis, il faudrait pour taper plus fort, il faudrait mieux qu'ils se préparent 5-6 gros trucs et qu'ils balancent tout dans la même soirée pour calmer tout le monde, quoi. Un seul, je suis pas sûr que. Alors, je me trompe peut-être, hein, parce que c'est sûr qu'un Fortnite en VR, peut-être que ça pourrait réveiller du monde. Mais à mon avis, il faudrait qu'il tape plus fort à cause de ça, à cause de ce silence et à cause d'avoir laissé implanter cette. Ouais, c'est ça. Mais ça, je sais. Des cartouches comme R4 ne sont plus suffisantes en fait. Et moi, ça me fait rager. Oui. Enfin, pour moi, c'est clairement une production qui met tout le monde d'accord. Et en fait, je me retrouve devant des mecs qui discutent encore et qui disent « Ouais, mais non, ils vont trouver des excuses en disant « De toute façon, c'est qu'un portage, c'est qu'un mode. » Mais d'accord, donc dans ces cas-là, aussi à Sony d'avoir été cohérent parce que, ils ont, comme tu le disais, ils ont envoyé le casque à tout le monde. Donc, ils ont envoyé le casque à des gens, même carrément lambda, ce qui démontre bien qu'ils visaient le grand public de base. Pourquoi ne pas être resté dans cette optique en faisant justement le flat to VR à fond de balle et à considérer leur accessoire comme un accessoire, parce que ça en est un. Et c'est qui ? C'est Eric Lampel qui disait la VR est un moyen différent de jouer aux jeux vidéo. Donc en fait, ça sous-entend que en fait, en gros, c'est un accessoire au même titre qu'une manette. Donc laisse-nous jouer à nos jeux classiques, effectivement, avec ce casque comme un accessoire. Et là, ça va se vendre, je pense. Parce que le côté hype des accessoires, ça marche, on le sait. Hein. C'est sûr. On l'a vu avec la... Clairement. Tu adores un jeu, tu fais « Ah, je vais le tester quand même, machin, truc et tout, juste pour voir. » Voilà, par curiosité. Là, non, mais tu te prends une baffe. Profitez justement des succès surprises comme Helldivers 2. Foutez-le en TPS VR. Là, déjà que c'est la guerre en plat, sous le PSVR 2, ça doit être... c'est une dinguerie, quoi. Vraiment, total. D'ailleurs, attention à toi à la prochaine partie, Say. Je t'attends. Oui, bah, à ce sujet d'ailleurs, est-ce que la force de Alix, c'était quand même de sortir un Half-Life qui était que VR, et là il s'était fait insulter comme c'est normal parce que Alex 3, on l'attend toujours. Et ce qui est arrivé aussi pour Metro, quand Metro a été annoncé en VR, les mecs ils ont dit mais moi j'attendais Metro 4, c'est quoi cette merde. Mais en VR, il y en a un paquet sur les commentaires qui ont hurlé scandale, merde. Moi je veux payer pour un Metro 4, je veux pas payer pour un truc en VR. Alors moi je suis très content qu'il y ait eu Alix justement qui se sortir exclusivement sur en VR, mais je me demande effectivement si il n'aurait pas été plus judicieux, histoire de pas frustrer toute la communauté des gens qui attendaient Half-Life 3 ou la suite d'Half-Life 2, de proposer un remake, tu vois, de Half-Life 2 par exemple en VR. Il est sorti ensuite en modé un petit peu upscalé. Oui, mais alors ça c'est la grande question, parce que je suis pas sûr qu'il aurait fait le carton qu'il a fait, parce qu'il a fait vendre des casques quand même. Alix. À 1500 balles. Hein. J'en sais rien. Ouais, mais je pense que, si. Ah si, c'est pas la courbe de Steam de connexion quand elle est sortie. C'est pas j'en sais rien qui l'a fait des ventes peut-être, mais dans la télé, histoire de pas frustrer la communauté qui du coup sachant qu'ils ne pourront pas parce qu'ils aiment pas la VR, parce que ça les intéresse pas à jouer à Half-Life Alyx, dire non, la VR non jamais. Je sais pas. Oui, mais alors inversement, dans le on a fait un sondage sur Twitter pour savoir si des joueurs PS5, on leur proposait 10 AAA déjà connus, déjà sortis, et qui sortaient en mode VR, donc patché VR. Est-ce que le PSVR 2 les intéresserait? On a eu 420 ou 430 votes, et sur les 430 votes, il y a 83% qui disent oui, ça m'intéresserait. Mais il y a quand même, par exemple, Mr. Pixel qui a donné son opinion aussi, qui a dit, eh ben moi, ça m'intéresserait pas parce que c'est tous des jeux que j'ai déjà fait et j'en ai encore plein à faire. Et si les jeux ils sortent 6 mois en VR alors que je les ai déjà fait, ben moi je préfère faire ceux qui vont sortir plus tard. Donc du coup, ils se délaissent de la VR aussi. Ils laissent tomber la VR à cause de ça. Il se contredit un peu, parce qu'en fait il dit qu'il en a justement plein à faire. On en retombe sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on consomme de fou et qu'on n'a pas le temps de profiter de nos jeux. Et en fait dans le lot tu vas avoir des jeux justement que tu vas pouvoir faire en VR que t'as pas fait en fait. Donc c'est un peu une réponse moyenne, c'est un peu la réponse qu'on disait tout à l'heure, un peu refus catégorique quoi. Ça dépend, c'est possible, mais venant de cette partie de joueurs là, je pense que pour eux un jeu VR ils attendent un jeu connu déjà. Donc par exemple, je sais pas moi, demain ils sortent The Last of Us 3 en VR et en plat le même jour, ces gens-là ils vont le faire en plat. mais si par exemple ils sortent The Last of Us 3 qu'en VR et pas en plat, et que la version plate sort plus tard, ils vont hurler. Mais ouais, au final, je sais pas. Est-ce que quelqu'un qui a déjà fini un Resident Evil 8 va vouloir acheter un casque à 600 balles pour refaire Resident Evil 8 en VR? Ou un Resident Evil 9, 8,5 qui ne connaît pas? Non, on l'a bien vu. On a bien vu avec tous ceux qui ont attendu que le 4 sorte en VR pour pouvoir. Bon, après, c'est des consommateurs de VR de base, mais on a tous été comme ça, ouais. Mais du coup, ça, moi, je pense que ça peut vraiment être à contre-courant. Moi, je serais pour que les versions sortent le même jour. Bah oui, ça serait. Parce que déjà, ça laisse le choix, en fait. Ça serait parfait, ça. Ça laisse le choix. Après, c'est peut-être le choix de l'épisode hein, pour Resident Evil. Hein. Tu sors le 2, ils vont le refaire. Ça, je mets ma main à couper. Tu sors le 2, il est emblématique. Sur la masse, je sais pas. Il est emblématique. C'est celui qui fait le plus Resident Evil avec le plus de contenu. C'est vrai que Resident Evil 8, je l'ai acheté. Il était sous cellophane. Je l'ai déballé que quand il y a eu la version VR. Et le 4, je l'ai acheté aussi. Parce que t'es un joueur VR. Ouais. Et je les ai achetés parce que quand j'ai su qu'ils allaient arriver en VR, je les ai achetés tout de suite. Donc, ouais. Donc après, qu'est-ce qu'ils disaient ces braves gens de chez IGN? On va peut-être avancer un peu. Il est indéniable que le matériel du PSVR 2 est fantastique. Des écrans OLED, d'excellents contrôleurs avec prise en charge haptique et un suivi oculaire, pour n'en nommer que quelques-uns. Pourtant, comme je l'ai souligné avant sa sortie l'année dernière, l'une des principales mesures de succès du PSVR 2 est une forte diffusion de contenu exclusif, et cette partie ne s'est généralement pas matérialisée au cours de l'année qui a suivi sa sortie. Prenez la gamme de lancement du PSVR 2 qui comprenait plus de 40 jeux. C'est un nombre impressionnant, mais en regardant de plus près, seuls 3 de ces jeux étaient de véritables exclusivités PSVR 2, et un seul de ces jeux, Horizon Call of the Mountain, allait au-delà d'un mode VR optionnel. Alors là, vous avez des choses à dire. Un mode VR optionnel, il parle de GT7, non ? Non, je pense qu'il parle de. En fait, c'était que des modes VR sur les quelques exclusivités. Seul Horizon Call of the Mountain était vraiment un jeu VR pensé pour la VR natif. Ça veut dire que Resident Evil 8, c'est pas un vrai jeu VR. Mode VR officiel que tu pourrais vendre en tant que. C'est ce que je comprends un peu. Ouais. Seuls 3 de ces jeux étaient de véritables exclusivités, et un seul de ces jeux, Horizon Call of the Mountain, allait au-delà d'un mode VR optionnel. Donc GT7, c'est un mode VR optionnel, Resident Evil 8 aussi. Voilà. Donc c'est ça, pas vraiment une fois, ça démontre, c'est les idées reçues. Ça démontre encore une fois la méconnaissance du marché sur ce qu'est la VR. J'en ai discuté il y a pas longtemps avec un gars qui me disait ouais, mais non, c'est juste un mode, encore une fois. Ouais, mais non, parce que je lui dis, mais tu peux t'arrêter sur un détail. Il me dit, je peux le faire sur PC. Ok. Sauf que bouger avec un joystick ta caméra et te retourner physiquement et anticiper un danger, c'est pas du tout la même expérience. Donc pour moi, c'est des jeux complètement différents en fait. Clairement, en fait, tu joues à Resident Evil en plat ou tu joues à Resident Evil en VR, ce n'est pas le même jeu. Mais il faut que les gens comprennent ça. Parce que, enfin, on en revient toujours. Après, c'est. On se répète parce que ça fait des années et des années et des années qu'on le dit, mais il y a des choses dont tu te rends compte sous le casque grâce justement à l'effet de 3D, de volume que tu as dans les jeux de bagnole, dans les jeux d'aventure, même dans les TPS, dont tu ne te rends absolument pas compte et tu ne peux pas t'en rendre compte sur un écran plat, c'est impossible. Mais comment expliquer ça aux gens en fait? Parce que la seule façon de leur expliquer, c'est de leur foutre le casque sur le crâne. Et ça aussi, c'est pareil, c'est un truc qu'on dit et qu'on répète. C'est d'aller à la PGW. Ouais, d'aller à la PGW voilà. Et puis faire autre chose. Et de foutre des PSVR et de mettre sur le des PSV. Games de 8 ans avec Resident Evil 8, ça c'est sûr. Bah, c'est la bonne sans idée, les écouteurs, sans les scènes, sans le casque. Allez, voilà. Et sans l'expliquer. Non mais tu vois, enfin. À chaque fois, ce genre de discours, ce sont des gens qui n'ont tout simplement pas essayé un casque VR, et c'est même pas que le PSVR 2, ils n'ont pas essayé la VR. Les gens, pareil, qui disent ouais, mais les TPS, ça n'a aucun intérêt, mais putain, mais essaye. Le nombre de détails, et justement, quand tu vois des anomalies, comme je parlais en début d'émission, le rapport des volumes, des productions qui ont été complètement des anomalies totales dans le jeu vidéo, comme Red Dead Redemption 2, et que tu fais la version VR et que tu vois le souci du détail que tu ne peux pas voir en plat, c'est impossible. C'est des détails que tu vois pendant des scènes que tu peux voir qu'en te retournant, et c'est hors cadre dans le jeu, c'est inconnu des joueurs plats. Quand tu vois des trous qui sont dans des mitaines enfin dans des vestes de personnages où les trous dans les corps des zombies de Resident Evil 2 en réalité virtuelle. Tu dis mitaine, toi. Tu ne peux pas. Je suis vieux. Tu peux pas avoir ça en place. C'est pas possible. C'est impossible. Ça ramène de la vie, de l'immersion. C'est ça aussi l'immersion. C'est quelque chose que tu peux pas retrouver en place. C'est pour ça que les textures aussi sont, les textures et la qualité graphique sont très importantes dans la VR et que les gens ont raison de se battre avec ça. Oui. C'est que j'en attends beaucoup du prochain Madison, mais j'espère qu'il aura la même ambiance rappelez-vous, Paranormal Activity sur PSVR1. Oh, c'était vraiment la qualité de ces textures qui faisait que ça me rendait complètement parano. Des fois, il se passait rien, mais je devenais parano parce que tout craquait. Parce que tu le vis. T'aimes pas les trucs qui craquent? Oh là là. Je sais pas, mais j'en ai encore des sueurs froides. Enfin, les films d'Ora, ça me fait plus rien. Ah. VR Caviar sur Madison. On veut des vidéos. Oui, bah c'est prévu. Bien sûr. Ton aura. Ah, tu vas voir déjà toute la première partie. Hein. Tu vas te régaler. Non, mais Gamergen qui a eu le jeu, il parle d'un jeu qualitativement, enfin graphiquement, de la même qualité que Resident Evil Village. Il a dit que d'un point de vue graphique, la barre qualité haute, visuelle et tout, on est la barre est haute, mais cool. Il faut. Mm. Oui. Attends. Mais je veux bien croire. Je veux petit bien aparté. Croire. Attends. Ah. Bah, je prends la suite alors. Non, c'est bon. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'en VR, c'est pour ça que je rage souvent là-dessus, c'est que tu es vraiment dans le jeu et y a des trucs. Quand t'es à la manette, le jeu, tu vas te dire bon, mais il est chouette à l'écran. Quand t'es en VR, tu vas t'approcher d'un tronc d'arbre, tu vas regarder le tronc d'arbre de près, tu vas regarder les détails, tu vas regarder tout de suite qu'il y a un truc qui merde parce que il y a un bug ou une connerie. Mm. Ça va te sauter à la figure comme si t'étais dans la réalité. Tu te dis putain, il y a un truc. Mais c'est pour ça que c'est aussi. C'est super important. Enfin, pour moi personnellement, c'est des trucs que donc oui, il y a un intérêt à le refaire le jeu. J'étais déjà chiant sur le PSVR. D'ailleurs, j'avais bien assez ragé quand les premiers jeux Quest 1 sont arrivés sur PSVR, et je continue à rager parce que là, maintenant PSVR 2, quand j'ai vu ce qu'il avait dans le bide, est-ce que la PS5 pouvait nous sortir ? Ça ne s'est jamais arrêté. Ouais. Et pour moi, c'est un truc super important parce que c'est de la réalité virtuelle. Mais en tout cas, je serais certainement moins chiant sur du plat. Mais en tout cas, pour revenir à ce que tu disais, Caviar, c'est vrai que maintenant ce genre de discours, c'est juste un mode, et puis ça a aucun intérêt de le refaire ou quoi que ce soit, je peux plus l'entendre en fait, c'est pas possible. C'est juste que, t'as juste envie de répondre à ces gens-là, mais c'est que t'as pas compris en fait. C'est pas que t'es con, hein. C'est juste que tu n'as pas compris. Juste que t'as pas mis le casque. C'est que t'as pas mis de casque, tout simplement, c'est que tu ne sais pas. Surtout que, moi, une observation personnelle, je sais pas vous, mais les gens, quand t'invites des amis et tout, de ta tranche d'âge, tout ça, tu les avertis, tu leur dis oh, tiens, je vais te faire essayer 2-3 jeux VR et tout. Ces personnes-là sont les premières, les plus imprévisibles en VR, tu vois, parce qu'elles sont immergées, mais à 1000%. J'ai eu un collègue sur VR, sur Super Hot. Il a complètement oublié qu'il fallait rester statique. Lui, il a voulu esquiver des balles, des trucs comme ça et tout. Il était entre le canapé et la table basse. Il a failli s'éclater le tibia. Il y en a une, elle a fini à plat ventre pour esquiver des balles parce qu'elle était tordue, elle tordait. Et au bout d'un moment, elle a fini par terre, elle a rampé. Mais je fais, tu te rends compte de ce que tu fais? Attends, mais c'est les personnes les plus influençables en fait. C'est pas forcément des joueurs. La plupart sont des joueurs plats. La plupart sont des joueurs plats, d'autres pas du tout. Femmes de joueurs plats. Ouais, faut briefer quoi. Parce que après, tu te retrouves dans une compilation de vidéos sur TikTok ou sur YouTube, justement. Des gens qui se mangent des murs et qui. Se mangent des télés et tout. Mais franchement, je me disais, ouais, non, il force. Non, dur, mais non, quoi. Trop non, pas. Non, mais en fait, non. Trop pas. Non, c'est juste que le gars, vas-y, saute. Ah ouais, t'es sûr? Ouais. Non, mais t'as des scènes de fou. D'où l'intérêt justement du Flat 2VR, où tu as des jeux comme des jeux TPS que tu joues dans ton canapé, sur ton cul avec ta manette. T'es dans ton environnement statique, ça se passe autour de toi, tu peux bouger la tête, t'as pas à bouger ton corps, tu déplaces ton personnage avec qui tu apportes une certaine distance, contrairement au FPS. C'est la technique du chausse-pied. Ça aussi, c'est un truc que je dis souvent. La VR a besoin un petit peu d'avoir des chausse-pieds comme ça, des jeux qui sont transposés en TPS, en VR. Les joueurs qui ont l'habitude de jouer comme ça, en plat, ont besoin un petit peu d'avoir cette, cette transition vers la VR. Ils vous pourront se rendre compte. Et par défaut, tu bloques tout. Ouais. Tu bloques ta caméra, tu bloques tout, et puis tu laisses dans les options la possibilité de zoomer à fond sur ton personnage si tu veux mater ses textures et compagnie. Ouais, ouais. Ouais. Mais clairement. Et pourquoi est-ce que Fast VR va susciter la curiosité? Ça va susciter la curiosité. Et pourquoi un Astrobot a cartonné? C'est justement parce qu'il proposait ça, un jeu de plateforme en TPS dans lequel tu restes statique sur un siège, t'as pas besoin d'y jouer debout, tu te retournes pour choper des petits robots et ça fonctionne très bien. C'est friendly. T'as pas besoin d'avoir forcément Dimitri Chkou en FPS qui te course dans les escaliers, quoi. ou un super hot, justement. Laisse-la tranquille. Elle est belle. Laisse-la tranquille. Elle est belle. D'accord. Non, mais tu vois, dans le. Non, juste ce qu'il faut. Enfin, proportionné, bon, moi, j'ai envie de dire. Je vous propose, les gars, de recentrer un petit peu le débat parce que là, on n'a toujours pas fini, en fait, la news là, oui, sur. Et puis, il est. Bon, oui, allez, sur l'article. On va essayer d'y aller. Cette partie-là va vous plaire. Allez, c'est chouchou, c'est parti. En comparaison, Meta a dominé le marché de la réalité virtuelle au cours des 5 dernières années. Suceur de Quest. Au cours des 5 dernières années. Okay. Non seulement parce qu'il n'a pas besoin d'être connecté à un autre appareil pour fonctionner, mais aussi parce qu'il propose des exclusivités souhaitables comme Resident Evil 4 VR et Asgard Wars 2. Faux. Non. Ouais, ça me fait mal au cul. La première, j'entends ça. Contrairement à la version PSVR 2, est basée sur le jeu original de 2005, refait de A à Z en réalité virtuelle. Donc déjà, le mec, il sait même pas qu'il y a Resident Evil 4 aussi sur le PSVR 2, parce que s'il balance ça. Puis c'est une exclu Resident Evil 4 du coup, parce que c'est sorti sur GameCube et sur PS2, il me semble. Aussi. Oui. Ouais, mais la version VR est exclusive. Ouais, bah comme la version VR sur Resident Evil 4 Remake, c'est exclusif sur Resident PSVR 2. Evil 4, tu sais, ça joue sur les mots. Non, ça joue sur les mots. Voilà, bon, bref, ça a pas grand intérêt, bon. Ça. C'est... Non, là c'est n'importe quoi. Et puis Asgard Wars 2, je suis désolé par rapport au 1. Des exclusivités qui sont réclamées, acclamées, tout ça. Bah, tu vois Nexus, hein. Ce qu'il appelle exclusivité pour Asgard Wars 2, moi j'appelle ça un gâchis. Mais après voilà, chacun son. Enfin, quand je dis sous merde, je parle pas du jeu, je parle de quand t'attends un 2, c'est un petit peu comme quand tu vas voir le chapeau T3 et que tu t'aperçois que c'est pas le même traitement graphique que le 2 et le 1. Tu te dis merde, t'attendais quelque chose qui soit au moins équivalent au 1 et peut-être un peu mieux. Là, c'est. Je l'ai toujours pas continué d'ailleurs. Le jeu en lui-même est certainement bon, mais pour moi, c'est pas Asgard de Wars 2. Voilà. Ensuite, on continue. Ailleurs, le support tiers pour PSVR 2 s'est généralement bien déroulé. Des jeux comme The Dark Picture Switchback VR de Supermassive et Firewall Ultra de First Contact, aujourd'hui disparus, ont rencontré des accueils mitigés. Il veut qu'on rappelle pourquoi il y a eu des accueils mitigés quand même. C'est pire en pire, l'article là. Ouais. Dark Picture, notre tout premier test, c'était pas top, hein, c'était même fou. Plutôt catastrophique. Firewall, c'était pareil. Donc bon, accueil mitigé, mais les jeux étaient pas finis, donc forcément. C'est ça. Donc après, il rajoute Synapse et C-Smash VRS ont été mieux accueillis et sont devenus deux de ces jeux les plus populaires, bien que ce dernier devienne une version multiplateforme en avril. Alors là aussi, Synapse, je pense qu'il était quand même populaire. Par contre, je pense qu'il y a d'autres jeux qui ont été plus populaires que ces Smash, quoi. Ouais, c'est vrai que. Ah bah, tu vas sur le Discord, c'est le désert. Hein. Bah oui, voilà. Je suis passé faire un tour, il se passe rien. Donc, le jeu a l'air très bon, par contre. Hein. En tout cas. Ouais, c'est très cool. C'est très cool, mais juste les gens veulent pas ça, c'est tout. Voilà. Bizarre. Disons trois petits points. Aphasie. Bien qu'il présente le PSVR 2 comme une plateforme AAA VR, Sony ne semble pas intéressé à ce que ses studios propriétaires travaillent sur des jeux VR. Donc ça, pour l'instant... En expérience on peut pas lui donner tort. On ne sait pas. Spéculation. Outre plusieurs jeux inopinés annulés par la société, certains des studios concernés par la récente réduction de personnel incluent le London Studio susmentionné qui a travaillé sur deux jeux PSVR dont Blood and Truth en 2019, tandis que Firesprite qui développait les jeux PSVR Air Force Special Ops Nightfall, donc ça c'était quand on se jetait en parachute avec un truc de l'armée américaine, c'était un simulateur de l'armée américaine, il fallait se jeter en parachute dans le vide. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est sur PSVR. Mmh. The Persistence, qui était excellent. Dommage. Plus récemment, Horizon Call of the Mountain, a également perdu du personnel. Bon, ben ça, oui. Comme partout. Surtout que Persistence, ouais, il avait eu une Enhanced Edition et que. Une version plate. Il était sacrément, ouais, il était sacrément bien. Alors là, tu vois, je ne comprends pas pourquoi The Persistence n'est pas sur PSVR 2. S'ils n'ont pas de jeu, ben ils balancent ça et putain, il y en a plein qui vont. Et moi, je serais le premier à le refaire, quoi. Alors que il avait marché à l'époque. Il avait fonctionné parce qu'il est sorti, un peu tard, je crois, sur PSVR. Ouais, hein, il avait eu un très très grand succès d'estime, en tout cas, critique. Ouais. Il y avait en plus des idées de gameplay qui étaient super sympas. Par exemple, avec ton téléphone portable, tu pouvais jouer en fait en multi. Toi, t'étais sous le casque et ton pote avait son téléphone portable. Il pouvait ouvrir des pièges, ouvrir des portes pour que des ennemis puissent te sauter dessus. J'ai trop envie de tester du coup. Ouais, mais je suis pas sûr que l'option fonctionne encore. Mais par contre, ça te donnait des situations qui étaient vraiment géniales. Mais je pense qu'il était un petit peu trop en avance sur son temps, en tout cas. Et il avait eu le souci de lancement que, en fait, ils avaient fait une démo gratuite et la démo était vraiment pas terrible, ouais, même très floue. Elle était floue. Et du coup, les gens avaient énormément critiqué la démo, sauf que le jeu, quand il est sorti, il était superbe. Et ils ont fait un truc aussi qui est pas commun, c'est-à-dire que le jeu est sorti déjà en exclusivité sur PSVR en VR, et la version qui est sortie un petit peu plus tard était la version plate. C'est un petit peu comme le jeu de Eric Chahi, Paper Beast aussi, qui est sorti au départ en VR et ensuite qui a eu une adaptation plate. Je pense que c'est une solution pour essayer d'éviter la casse face à des ventes un petit peu. Et elle avait été rendue disponible sur le PlayStation Plus, je crois, mais je l'avais pas fait pour autant. Mmh. Mais il était disponible pendant un moment. Il était bon, mais c'était du rogue encore. Voilà. Oui. Ceux qui connaissent l'écosystème matériel de jeux de Sony se rendent probablement compte des similitudes entre le PlayStation VR 2 et la PlayStation Vita. Tiens, celle-là, on nous la sort souvent. L'ordinateur de poche de jeux de Sony sorti pour la première fois en 2011. À l'époque, la Vita était conçue comme un ordinateur de poche de jeux à gros budget, mais un manque de support et d'autres problèmes l'ont rendu sous-performant par rapport à la PlayStation portable. Il semble désormais que le PSVR 2 subisse le même sort. C'est ce qu'on veut pas. C'est ce qu'on veut pas. C'est exactement ce qu'on veut pas. Alors, effectivement, de toute façon, nous, la comparaison avec la PS Vita, avec le PSVR 2, et puis l'abandon d'un hardware prometteur par PlayStation, on en a déjà parlé ici aussi. Donc, c'est le premier exemple qui te vient à l'esprit quand tu dis hardware de fou, possibilité de dingue, gâchis total. Donc, forcément, oui, c'est normal qu'il termine par là. On peut pas vraiment leur en vouloir, en fait. Je pense. Ouais. Même si ça fait mal. C'est un peu facile quand même, mais. Bah. Je trouve que c'est un peu rapide de le mettre à côté de la PlayStation Vita. On cloue le cercueil, en fait. Ouais, mais c'est complètement ça. C'est un article, de toute façon, qui est un petit peu à charge. Enfin, quoi qu'il en soit. Ça sera peut-être le cas, hein. Ce sera peut-être le cas plus tard. Le Quest 3 a cartonné, c'est trop bien les exclusivités Asgard Wars 2, vive le Quest 3. Et puis à côté, le PSVR 2, souvenez-vous de la Vita, hein, parce que PlayStation vous a déjà fait le coup, les fanboys. Donc, c'est ça. De toute façon, quand Meta ne fera plus que de l'AR et puis ira à fond dans l'IA et arrêtera de faire du gaming. Ils font ce qu'ils veulent, Meta, quoi qu'il en soit, tant que tu pourras le brancher à un PC. Ils sont tranquilles, ils continueront de vendre. Mais voilà. Mais donc, on s'en rappellera plus de la VR Gaming à ce moment-là, quoi. On n'en aura plus rien à foutre, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est tout pour cet article-là, du coup. Non, c'est pas tout. Il est long encore, l'article. Ah d'accord. Non, on va peut-être abréger parce qu'il est beaucoup trop long. Un an plus tard, blablabla, Horizon. Donc après, il parle du prix, un thème récurrent sur Twitter. Donc il parle de pas mal de personnes qui. Et ça, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui commencent à râler sur les réseaux sociaux en disant, ils ont des attentes et ils ont pas ce qu'ils attendaient. Alors il y a un pourcentage sur notre Discord, y compris dans notre équipe. D'ailleurs, on n'est pas tous d'accord sur pas mal de trucs, ce qui veut dire quand même que la niche est en train de se diviser entre les gens qui sont toujours contents, les gens qui sont, c'est pour ça que pour le Discord on a fait un salon, les gens contents, les gens pas contents, parce que on s'aperçoit que même au sein de la niche, ou à l'époque même sur le PSVR, on était tous à fond, on était tous PSVR, putain il y a un nouveau jeu, on était tous axés, et là aujourd'hui on se dit putain, il y en a qui dit, moi j'en fais un peu partie, j'ai l'impression de faire marche arrière bien souvent. Y en a d'autres qui sont super contents de tout ce qui tombe, et tant mieux pour eux. Mais le problème, il est pas là. Le problème, c'est que la niche se divise et qu'on touche pas les 98, les fameux 98% des autres joueurs. Pendant que c'est là que c'est pas sain. Que la VR peut régresser à cause de ça et être abandonnée à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il en va aussi de la responsabilité des constructeurs et des développeurs de faire que cette niche soit enfin super satisfaite de ce qu'elle a pour aller de l'avant et pour commencer à toucher les autres joueurs. Donc après, qu'est-ce qu'ils disent d'autre ? Je vais vous dire les gros titres. Nous constatons que les joueurs demandent des titres AAA exclusifs au PSVR 2. Non. Que Sony pourrait prendre davantage en charge. Donc ça, c'est un des titres. Non, c'est pas des titres exclusifs au PSVR 2 que les gens veulent en AAA. C'est des jeux, des adaptations AAA. À succès. Des succès. Même un double A. Même un. Faut arrêter avec cette exclusivité. Tu mets un Robocop. Enfin, tu mets un Robocop, un Avatar, je suis super content. Moi, ce que je veux, c'est pas que les jeux soient exclusifs. Je veux que Xbox rentre dans la course. Que ça leur donne envie, ouais. Que ça leur donne envie. Eux, c'est mort. Qui branchent un casque sur leur putain de console et pas qu'il y ait des exclusivités, mais que la VR devienne Nintendo, une norme, une possibilité de jouer différente qu'en plat. Faut arrêter avec ces exclusivités à la con, quoi. C'est pas un gage de qualité, une excluant. Xbox, ils auraient pu y aller, ils y sont pas allés, ils viendront plus. Enfin, ils iront peut-être, mais dans 10 ans. Exclus par rapport à quoi Nintendo, par contre, moi je les verrais bien arriver. Alors, ce qui serait très très drôle, c'est que Nintendo arrive avec son casque et qu'il fasse un carton plein. Et là, ça serait très très drôle. Qu'il fasse justement ce qu'il faut faire. Et en plus, ils en sont capables de faire un carton avec ça. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Juste pour rebondir, ils font un casque autonome. Ils font un Mario Kart en VR sur un casque autonome Nintendo. Ils vont tout péter. Bah, attends, déjà qu'ils font de l'AR, un petit peu. Hein. Ils ont titillé un peu l'AR avec faire des circuits dans son salon et tout. En vendant des petites miniatures, tout ça. De toute façon, en termes de technologie, ils ont toujours été dans... toucher l'innovation, ouais. Hein, Nintendo, ils se sont jamais privés de tenter des choses, donc c'est impossible, ouais. Donc, c'est-à-dire que c'est notre seul espoir, ouais, c'est chaud, quoi. Non, quand même pas. Allez, non. Non, mais bon, je vais vous lire bon, le dernier passage bon qui est pas mal. Alors, comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, entre mars 2020 et décembre 2023, la part des casques VR sur Steam montre que les utilisateurs Steam qui possèdent un casque VR oscillent entre 1,5% et 2,5%. Alors, une petite parenthèse là-dessus, c'est que déjà en 2017-2018, on était déjà à 1,5% et 2%. Ce qui veut dire que le marché n'a pas vraiment décollé, en fait. Il y a un nom qui est imprononçable. JJA déduit que le nombre de casques VR, les propriétaires de PC de jeux utilisant Steam ne suivent pas la croissance rapide des nouveaux utilisateurs de Steam. Ce qui n'est pas faux. Parce que c'est vrai que on est toujours. Alors, si, ça veut dire qu'il y a peut-être plus d'utilisateurs de Steam, parce que vu que c'est un pourcentage. Si il y a je sais pas combien de millions de nouveaux abonnés sur Steam et que tu restes à 1,5, ça veut dire que ta masse de casques augmente aussi. Bah oui, c'est donc ça, il oublie de le dire. Ouais. En revanche, Harding Rolls estime que l'ajout du support PCVR par PSVR 2 a le potentiel d'être bénéfique. Son positionnement constitue une opportunité commerciale supplémentaire pour Sony et fait partie de sa stratégie écosystémique visant à soutenir l'activité PS5, a expliqué Harding Rolls. En tant que tel, il est moins difficile de vendre rapidement de nombreux casques. La prise en charge future des jeux PCVR la rendra plus comparable aux autres casques du marché et élargira probablement son attrait dans une certaine mesure. Alors ça, je veux bien m'y arrêter dessus pour avoir déjà l'avis de VR Caviar. Est-ce que tu peux juste redire la dernière phrase ? Alors, en tant que tel, il est moins difficile de vendre rapidement de nombreux casques. La prise en charge future des jeux PCVR le rendra plus comparable aux autres casques du marché et élargira probablement son attrait dans une certaine mesure. Oui, ton avis sur l'arrivée, ton avis sur le PC, l'arrivée du PSVR 2 sur ouais. PCVR. Voilà. Je me sens pas concerné, en fait. Je sens pas qu'on s'adresse à moi, donc c'est problématique parce que c'est quand même, comme tu le répètes souvent, la cible, c'est le joueur qui a une PlayStation 5 qui est déjà pas facile à attraper puisque tout le monde en avait pas il y a encore quelques mois. Et là, on te dit, c'est cool, tu vas pouvoir jouer à des jeux PC, mais ouais, mais dans quelle mesure? C'est exactement ce que dit l'article à la fin, et justement, moi, c'est ça qui me fait rigoler. Dans quelle mesure? Moi, j'ai besoin qu'on m'éclaire plus sur ça, parce que je suis pas prêt à acheter un PC à 2000 euros, parce que j'ai pas les moyens, et c'est surtout que... Bah, en fait, c'est pas pour ça que je suis venu. Bah, en fait. C'est ça, c'est pas pour ça que t'as acheté un PSVR 2, c'est pas pour jouer sur un PC. T'as joué pour jouer sur une PS5. J'attends parce que c'est pas assez clair pour moi, en fait, cette histoire. Il y a un truc, moi, qui m'embête toujours. Enfin, c'est pas. Je suis très curieux de voir ce que le PSVR 2 donnera sur un PC. Parce que je suis déjà équipé PC. Mais ça sera quoi l'intérêt de brancher un PSVR 2 plus qu'un autre casque que déjà les gens qui auraient déjà une grosse configuration PC et qui seraient déjà intéressés par la VR? Ça serait quoi, en fait, la valeur ajoutée de ce PSVR 2? Un PSVR 2, ça, c'est uniquement un écran, en fait, finalement, un tracking. Oui. Et finalement, les contrôles et le fait de se poser un casque sur la tête, d'avoir une 3D stéréoscopique et puis de pouvoir se déplacer en room scale, c'est commun à absolument tous les casques. Ça sera quoi la... Je vois pas ce qui justifie justement le fait de trouver que le PSVR 2 sur un PC, ce soit une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle économique pour Sony parce qu'ils vont vendre du hardware. Après, est-ce que ce serait pas le casque PCVR le moins cher avec Non, ça sera toujours le Quest 3. Avec la meilleure technologie dedans. Mais ça sera toujours le Quest 3. Ouais, du coup, c'est ça, la technologie DFR, elle est envoyée par la PS5 ou c'est le casque qui l'a produit? La technologie de Sony. Bah, c'est bien envoyé par la PS5. Ah oui, c'est la PS5 qui envoie les. Mais c'est pour ça, à mon avis, que Toby Abe sont dans la boucle. C'est pour créer les drivers pour. Par contre, là où je trouve peut-être que c'est peut-être l'objectif du truc, c'est si Sony, par exemple, balance un Horizon Call of the Mountain sur PC, bien sûr, tu auras le rendu fovéal, l'eye tracking. Qui tu pourras pas faire marcher sur un Quest 3. Donc, est-ce que c'est pas un moyen de verrouiller ces jeux-là sur le PSVR 2 et finalement, si tu les essayes avec un autre casque, et donc de fragmenter encore tout ce qui se passe sur PC avec toutes les plateformes et perdre encore plus l'utilisateur, parce que moi, c'est ce qui m'embête déjà sur la VR sur PC. Les gens sont perdus. À raison, il y a tellement d'offres de casques. C'est génial de vendre des casques, de sortir des nouveaux casques, c'est super, mais le problème, c'est que lequel est compatible cible, lequel est compatible Oculus, les contrôles sont pas les mêmes, faut que ça s'adapte d'une plateforme à l'autre. Tu branches un Pico 4 qui est un super casque, t'as plein de trucs qui fonctionnent pas sur PC. T'as plein de trucs qui marchent pas. Et quoi qu'on dise. Mais de notre côté, est-ce que ça va pas inciter Sony à sortir plein de jeux qui seront tous en rendu fovéal, en eye tracking et avec des traitements haptiques dans tous les sens dans le casque et tout, justement pour verrouiller sur PC. Et du coup, ces jeux, moi, tout ce qui m'intéresse, c'est que ces jeux, de toute façon, il faut qu'ils sortent sur PS5. Ça, clairement. Il faut qu'ils sortent sur PS5. Ce qui fait l'intérêt, justement, d'un hardware, c'est pas la technologie qu'il y a dedans, et ça, j'en suis persuadé. C'est les jeux qui proposent. Un casque de plus sur un PC, en fait, les jeux PC seront les mêmes. Le marché va pas repartir renaître de ses cendres uniquement parce qu'il y a le PSVR 2 qui sort dessus, enfin qui peut se brancher dessus. L'état du jeu qui est porté vers le bas à cause des développements sur autonome, ça sera exactement le même. Ça sera exactement le même. Ah bah oui, ça va changer. Et si en plus ce n'est pas développé sur PS5, et s'ils mettent un petit peu de côté justement les productions PS5 VR pour aller sur PC, c'est uniquement reculer pour mieux sauter. Ça va durer quoi? Ça va faire des adaptations de jeux comme Call of the Mountain. Ça va faire une annonce. Ça va faire une annonce. Ça va durer 6 mois, 1 an. Mm. Et puis, on va être dans la même situation. Mm. Je comprends pas trop, en fait. Je vois pas en quoi c'est une super bonne nouvelle, en fait. Je suis curieux, hein. J'essaierai. Mais en quoi c'est une bonne nouvelle? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse pas aux joueurs PS5. C'est que ce soit pour écouler le stock et puis bye bye. Ouais. Ben ouais. On a l'impression qu'ils servent leur portefeuille, mais ils servent toujours pas les joueurs là. Donc ouais, c'est ça. Donc, En tout cas, j'ai fini l'article. En fait, j'ai zappé plein de chapitres, en fait. Mais c'est bien. Voilà, c'est en gros de quoi il parle. Ouais. Parce que sinon, il y avait plus de fin. Il y a beaucoup de choses. Mais moi, je serais intéressé aussi de savoir un petit peu ce que les gens pensent, parce que lors de la dernière émission, on avait commencé déjà à évoquer l'annonce du PSVR 2 vis-à-vis du PC. L'annonce était très floue à l'époque où on avait fait, donc il y a 3 semaines, où on avait fait l'émission. On a eu plus de précisions depuis, voire même très peu de temps après l'apparition de l'émission. On pensait à peut-être un système de jeux Steam, enfin de mise à disposition des jeux Steam sur PS5. Bon, bah voilà, c'était absolument pas ça, malheureusement. Et du coup, ça va plus vers un portage directement du PSVR 2 sur le PC. On a déjà eu quand même pas mal de retours de la part des auditeurs. Ouais. Et certains trouvaient que c'était une très très bonne nouvelle, que c'était bien, c'était tout ce qui manquait en fait au PSVR 2. Et d'autres qui étaient un petit peu plus mitigés en se disant, comme Caviar, c'est pas à moi que ça s'adresse du coup, parce que moi je suis joueur PS5. Ce qui m'intéressait quand j'ai acheté le PSVR 2, c'est de jouer avec mon PSVR 2 sur ma PS5 et basta. Et j'ai pas de config PC tout simplement. Et du coup, maintenant qu'on est un peu plus sûr de notre coup, c'est quoi votre avis à vous là-dessus? Donc voilà, on va essayer de prendre un petit peu la température à ce niveau-là. Les commentaires du genre chez Sony, cassez-vous la gueule, ça nous intéresse pas des masses. Hein. On a eu quelques petits commentaires qui étaient pas très très constructifs, et même un petit peu à côté de la plaque. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas quand même à nous dire ce que vous en pensez là-dessus. Laurent, est-ce qu'on a fait le tour là-dessus ou est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Il y avait juste, c'est comme d'habitude, vite fait, comme pour Bloomberg, quand il commence à y avoir ce genre d'article, c'est viral. Donc, bien sûr, il y a jeuxvideo.com qui ont fait un article PS5, 5 éléments qui nous font dire que ça sent vraiment le roussi pour le PSVR 2 de Sony. Qu'ils aillent finir les jeux avant cela. Voilà, tort ou raison, moi perso je suis sur un fil, je sais pas trop si je dois pencher sur le côté, je vais être super optimiste parce que j'ai été beaucoup optimiste là ces temps-ci, j'attends quand même d'en savoir plus parce que je sais pas trop où on va. Pour cette histoire de PC, PSVR 2, j'ai pendant longtemps, avant même que le PSVR 2 sorte, on a fait des articles, j'ai rédigé des articles en disant qu'il était possible qu'il soit porté sur PC. Mais dans mon esprit, c'était que le casque à sa sortie soit compatible à la fois PC et PSVR 2, mais qui n'arrive pas comme ça quand on sent que ça commence à baisser de vitesse, voilà, et que là tu as plus l'impression que c'est pas calculé en fait. Et c'est ça qui me dérange. C'est pour ça qu'au début j'étais optimiste et que maintenant je dis putain pourquoi il me balance ça sur PC maintenant alors qu'on sent que c'est en train de couler un peu quoi. Donc on verra ce qui se passe. À la fin du mois, il y aura quand même la réunion des investisseurs et le bilan financier de PlayStation. Donc, à mon avis, il risque d'y avoir des chiffres qui vont sortir. À ce sujet, il y a eu des petits chiffres qui sont sortis. Ça ne nous apprend pas grand-chose parce qu'on pense avoir un scoop, mais en fait, on n'en a pas du tout parce qu'ils parlent de pourcentage par rapport à tous les casques VR sortis. Et on s'aperçoit donc bien sûr que premier trimestre 2023, le casque Sony représentait 33% des ventes de tous les casques de ce trimestre-là. Deuxième trimestre, 29%, petite baisse. Troisième trimestre, ça se tient quand même, 30%. Par contre, le quatrième trimestre qui était sur la période de Noël, il n'y a que 15%. Du casque de Sony, mais en même temps il y a le Quest 3 qui est arrivé, donc on ne sait pas si les ventes ont été énormes sur le Quest 3 et le Quest 2, et du coup ça pourrait justifier ce 15%. Donc au final on ne peut pas dire c'est des bons chiffres ou des mauvais chiffres, on n'en sait rien clairement. Donc il va vraiment falloir attendre d'avoir les vrais chiffres. Certains disent que les 2 millions seront écoulés. Je vous rappelle que le 30 mars par rapport aux ventes de PSVR, le PSVR à la même période était à 2 millions. Donc si le 30 mars on est en dessous de 2 millions, c'est que le PSVR 2 s'est moins bien vendu que le PSVR, et puis inversement aussi. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y avait en news. Mais parfait, merci Laurent en tout cas. Ça va, ça n'a pas duré trop longtemps, j'espère. Parce que 1h38 quand même d'émission déjà uniquement sur tout ça. Bon, c'est vrai, on a beaucoup digressé, on est parti un petit peu dans tous les sens. Encore une fois, n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis là-dessus. Et maintenant, si vous le voulez, messieurs, on va passer au test, ou en tout cas au preview pour certains jeux qu'on va vous présenter ici. sur les jeux qui sont sortis dernièrement sur PSVR 2, sur PS5. C'est un truc qui va être chiant maintenant, on va dire qu'ils sont sortis sur PSVR 2, sur PS5. Attention, pas sur PC. Donc on va commencer par quoi? Tiens, on va commencer par un test que tu as déjà publié, El Rocco. C'est Opération Serpent. Serpents. Qui c'est? On commence par le meilleur, à ce que je vois. Bon, bah alors c'est un petit jeu. Tu l'as voulu, tu le fais. Tu l'as eu à grand coup dans ton cul. Merci. Les anciens. Oui, Laurent, on n'a pas de code pour Operation Serpents. Ah, bah, d'accord. Il m'intéresse celui-là. Non, mais quand même, tu peux pas nier que je ne sois pas t'en sois peu curieux, tu vois. Ouais, Mazo, ouais. Mais tu es méga Mazo. Motivé. Et c'est vrai que faut c'est appréciable. C'est beau, c'est beau, ça ne sert à rien, mais c'est bon. Non, mais au final, en fin de compte, oui, c'est un petit jeu, voilà, donc développé par une petite équipe, Ginratech et Mikiwi, pour une 20aine d'euros et une petite édition physique publiée par Pear Games, comme toujours. Donc, c'est un wave shooter très low poly, qui est donc en vue FPS. Wave shooter qui est où tu peux te déplacer voilà au stick mais dans une zone assez restreinte et il y a pas grand chose vraiment à dire enfin c'est voilà c'est low poly c'est très quest tu me fais rêver Rocco là franchement c'est low poly tu c'est me l'as vendu quest. D'un point de vue scénar, si ce n'est qu'il y en ait un, ben on fait partie en fait d'une escouade. Donc les serpents, en fait, on fait partie des cobras. Donc on est un petit peu la jeune recrue qui va devoir, au fil d'une dizaine de niveaux, capturer ou voilà exfiltrer un terroriste ou un chef de gang d'une organisation rivale, adverse. Et ça se présente, les niveaux se présentent toujours de la même manière. On est positionné soit dans un mètre carré ou un petit peu plus grand. Par exemple, il y a un niveau où on est dans un couloir et puis on nettoie des chambres d'hôtel blindées de terroristes et puis de bombes C4 collées un petit peu partout. Donc il faut bourriner sans trop bourriner. Le jeu, les personnages, ils sont assez, on va dire, très caricaturaux. C'est des gros corps, des grosses têtes. Côté définition, c'est pas top parce que c'est. Alors, le jeu est très net. Ça, faut le souligner. Le jeu est très net, de près ou de loin. Donc, contrairement à des chiasses comme El Sweeper où là, ça te crame les yeux. Là, en l'occurrence, ça, c'est, on va dire, agréable à l'œil. Ça t'agresse pas. Sauf les tiens, hein, Laurent. Mais en termes de définition, oui, c'est pas top. Ça aurait pu être un petit peu plus. Ça me fait saigner les yeux, moi, ce truc. Ouais, mais là, ça va. On va dire, je dis pas que c'est agréable, mais ça t'agresse pas. Et bon, voilà, c'est un jeu. Il faut. Que de docilité. T'as différentes armes. On te propose voilà des flingues, des snipers, des mitrailleuses. Des grenades à fragmentation, des flashbangs. Original. Des flashbangs qui te font un petit effet bullet time encore plus prononcé que d'habitude parce que voilà, les ennemis te tirent dessus, mais tu peux, on va dire, physiquement esquiver les balles. Voilà, ils te visent la tête à chaque fois et puis tu esquives les petites, on va dire, des petites knacky balls jaunes, tu vois, qui t'arrivent en pleine face et puis tu dois les esquiver. Voilà, à coup de tête. Donc c'est un peu à la façon de Pistol Whipped où tu dois en permanence bouger, on va dire, ton corps et la tête, sinon bah tu te fais défoncer. Et voilà, hein, faut nettoyer une zone, tu passes à la suivante, etc., etc. Il y a quand même un petit côté satisfaisant où quand tu mets des têtes, et ben il y a la tête qui se décroche et puis tu entends un petit headshot. Donc c'est toujours, on va dire, satisfaisant à la base. Il y a différents modes de jeu, donc il y a 10 missions que tu peux faire en solo ou en coop, ce qui est, on va dire, un point de positif pour le jeu, parce que moi, je persiste à se dire que même si un jeu est pourri, si tu le fais en coop, il y a tellement moyen de se taper des barres qu'au final, le jeu, eh ben, il en ressort que plus positif. Tu as un mode zombie original. qui, bah voilà, hein, c'est par wave, hein, t'es dans un bus complètement dégueulasse, à l'échelle de proportion complètement fuckée. Hein, c'est-à-dire que bah, les chaises, c'est limite voilà, des murs de 2 mètres, enfin, j'exagère à peine, mais ouais. Voilà. Et bah, les zombies sont tout autour, alors ils viennent soit ils viennent te bouffer le cul, ou alors bah, ils te tirent dessus à la Kalachnikov. Donc bah, c'est pan, pan, pan, wave 1, jusqu'à ce que c'est du scoring, c'est du scoring. Et ton score finit voilà, sur un tableau, sur Internet. Et un dernier mode qui, là, pour le coup... personnellement j'adhère pas, à part juste pour c'est drôle, mais je dois être trop vieux là. C'est tu shootes des petites poupées comme des pops d'Opération Serpent, et donc des petits soldats, tu peux leur mettre des headshots, elles sortent un petit peu de partout, t'es derrière un comptoir de bar, et puis ça sort de partout. Ah, c'est un tap top. C'est un tap top en fait. Ah, le truc avec des pistolets, ouais. Avec des pistolets, ouais. Avec un flingue, ouais. Et puis bah voilà, tu tires, headshot, headshot, headshot, jusqu'à un certain temps, et puis tu affiches ton score, voilà, pour te la péter devant le monde entier. Bon, tu aimais combien de headshots sur 10 En solo, vu qu'il y a des niveaux, j'ai eu l'impression que ça se prêtait plus au multi, à la coop, que en solo, notamment un où tu te fais mais agresser à 360. Mmh. Bon, même si tu peux voilà, te déplacer, regarder et tourner assez facilement, c'est chaud. Si t'es tout seul, c'est chaud. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu, vas-y, on met tout ça et puis eh ben, ils se débrouilleront. En solo, je lui mettrais entre 5 et 6. Mmh. Ouais, plutôt 5. 6 en coop. 6 en coop. Mais quand même 5. Mmh. Ouais, quand même 5. Ouais, prenez plutôt After the Fall, quoi, si vous ne l'avez pas déjà fait. Apprenez carrément After the Fall si vous l'avez pas déjà fait. Ouais. Ok. Dans le même registre, t'as 15 fois mieux. Ouais. Mmh. Et Caviar, ouais, toi, tu l'as testé aussi. Je l'ai fait, ouais. Je l'ai fait. Pas très longtemps. Ouais. Parce qu'il m'a insupporté. Ah, carrément. Non, clairement. Ah ouais, non. Je suis pas du tout réfractaire pourtant, hein, à ce genre de production. Mais pour faire rapidos, je ne dirais qu'un mot. VR Kiwi. Mmh. Cet éditeur qui a cette fâcheuse tendance à sélectionner, j'ai l'impression, les pires productions possibles. On a eu récemment Survivor Man The Descent, qui aurait pu être bien, qui n'est pas bien. Et on a eu d'autres Verpigeons et consorts. Et dernièrement, on a eu Stilt, c'est cool. Stilt, c'est très cool. Là, ils ont pris un petit peu de galon. Mais à part ça, ouais, non. Il y a d'autres jeux mieux que ça. Crisis Brigade, notamment. Opération Wolf, qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui est quand même cool dans le côté rétro. C'est vrai que Crisis Brigade, celui-là, il m'a insupporté, tu vois. Je l'ai trouvé, mais... Opération Wolf, ouais, ce que tu disais, ouais. Ouais, c'est le fait... que, bon, c'est pas le côté ride shooter ou quoi, mais c'est le fait que c'est moche, qu'il y a du bug de partout à en péter. Bah, c'est pas plus très une visible. Texture bande dessinée. C'est plus une texture bande dessinée, mais c'est plus assumé pour le coup. Là, c'est clairement du polygone, quoi. Mm. Ah oui, là, c'est... comme si, en gros, t'étais en texture, t'étais en première année d'école de développement de codage, quoi. Enfin, désolé, hein. Mais je suis un peu dur généralement quand je dis ça, mais j'ai repris des études il y a pas très longtemps. On m'a demandé avant même de rentrer en classe de coder mon CV en regardant 3 vidéos. Mon CV était plus beau. Mmh. Voilà, tu vois. Enfin, il y a un moment donné, j'imagine que ça demande des compétences, mais il y a un moment donné aussi, c'est à Sony de, j'en parlais déjà, je sais plus qui d'ailleurs sur le Discord, de mettre des stops à certaines productions artistiques. Il y a un certain standard de qualité à avoir, je pense. Même si c'est très cool, hein, faut laisser la place à l'art à tout le monde, hein. Mais je pense qu'il y a des trucs, c'est trop bof, quoi. Mmh. Ouais. Après, le gameplay est très cool, mais visuellement, c'est pas le tout de maintenir en fait justement des FPS à 60. Faut un certificat. Ah non, mais la résolution, elle est high grade, y a aucun problème. Peut-être un petit certificat de qualité comme à l'époque avec Nintendo, quoi. Ça pourrait être pas mal, effectivement. Ouais, même s'il y a un petit côté, on voit quand même qu'il y a un truc, un petit côté genre on se prend pas au sérieux, un petit côté humour. Alors, t'as le chef. Non mais voilà. Non mais il y a un truc qui se dit en cinéma, c'est pas parce que t'es conscient que tu fais de la merde que forcément. C'est pas parce que tu dis ouais, inquiétez pas, c'est pour rigoler, je fais de la merde et puis voilà. C'est pas forcément pour ça que ton œuvre en fait, elle est crédible, quoi. Enfin, c'est juste de la merde en fait. Même si tu dis oh, c'est de la merde. Ça reste de la merde, tu vois, même si c'est assumé. C'est sûr que pour reprendre un peu la référence ciné, je le mettrai pas au niveau d'un nanar. On va dire ça gratte le nanar, mais c'est de la demi-merde. Ça peut, moi je dis quand même que ça peut satisfaire certaines personnes. Est-ce que c'est ce que j'attends Est-ce que ça, c'est ce que j'attends? Non, clairement pas. Mais on va dire que le temps de l'essai, après l'essai est à 20 euros quand même. Voilà, faut se le dire que c'est un peu cher quand même. C'est un peu cher. Je le mettrai plus voilà, dans le 9,99 pour ce qu'il représente. Je crois que la version d'ailleurs physique, elle est plus chère, hein, c'est que 20 euros. Mais voilà, si, c'est pareil, c'est toujours ouais, aussi en termes de prix. Qu'est-ce qu'on te propose en termes de prix? Et oui, c'est vrai que la blague est un peu trop cher payée. Mais ouais. Bon, voilà. Y a... Dans le même registre, t'en as un que qu'on en parlera sûrement ensuite, qui fait mieux justement. Oui, oui, oui. Dans le registre, je suis j'ai un graphisme cartoon, je l'assume, et mon gameplay est irréprochable. Parce que en fait, c'est ça. En fait, c'est que comme t'es un peu moyen sur plein de choses, bah du coup, tu acceptes beaucoup moins d'autres. Tilt, pour en parler de lui rapidement, mais je crois qu'on va en parler aussi. Il est excellent dans plein de trucs. Très bonne transition, merci Caviar. Quel grand professionnel. Parfait. On fait la passe. On va passer au test de Tilt. Donc du coup, alors qu'est-ce qui veut s'y coller Tilt, est-ce que bah, Caviar, t'étais parti dessus. Vas-y, je te laisse voilà. La primeur. Ouais, bah je crois que c'est Laurent qui a fait le test. Non, du tout. J'ai pas fait. Pour l'instant, je l'ai juste survolé. Donc c'est pour ça que si tu l'as avancé mieux que moi, je préfère que moi je te dirais juste que survoler au sens littéral parce que t'avais un mode développeur qui te permettait de survoler d'ailleurs. Ah non, je l'ai pas vu. Non, j'ai... Ok. Non là j'ai joué 30 minutes. Pour l'instant j'ai pas assez de temps dessus pour. Ok. Alors Kezako. Ok. Vas-y. Bah Stilt. Je donnerai pas de notes. Développé par une seule personne et édité encore par Everkiwi. Mais justement, qui redorent leur blason. Pourquoi ? Parce qu'on a un jeu qui est extrêmement fluide, haute résolution, avec des features hyper intéressantes comme une caméra type streaming qui nous permet d'avoir un plus grand angle de vue pour les spectateurs. Donc en gros, Stilt, c'est quoi ? C'est un jeu type cartoon où on va avoir, en fait, on va incarner un personnage qui ressemble à mi-chemin entre un renard, je ne sais pas trop quoi. Voilà, qui aura à la place des mains des objets qui s'apparentent à des ressorts de forme phallique. Et qui n'a pas de jambes. Pas de jambes, pas de pieds. Et qui n'a pas de jambes. Exactement. Les parents n'ont pas été très sympas avec lui. Et à la place de ses bras, il a des ressorts. C'est ça. Et du coup, tout le gameplay va s'articuler autour de ces ressorts. On va se déplacer et rebondir en fait pour progresser dans le niveau. Et on va devoir récupérer des cadeaux. Donc on est vraiment dans une ambiance bon enfant, un peu à la Nintendo pour le coup. On est vraiment dans l'inspiration Nintendo. Et on est avec des textures qui sont pas moches, qui sont cartoon mais pas moches. Je trouve même plutôt jolies. Alors, mais voilà, à mon avis, ça va mieux rendre sous le casque du coup que dans le trailer hein, qu'on va mettre là, parce que. Ouais, je suis assez d'accord. Mais le trailer m'a pas forcément non plus fait mal aux yeux. Il y a des trucs qu'on a eu en trailer pire que ça. Mais effectivement, une fois que t'es dedans, c'est là où je mets l'accent souvent sur les jeux un peu à haute résolution. C'est pour ça que la définition c'est cool, mais la résolution c'est encore mieux parce que ça participe vraiment à l'immersion et ça donne ce côté chaleureux. Tu te sens enveloppé dans le jeu, t'es dedans. Et vraiment, du coup, tu te prêtes au jeu, tu vois. Après, évidemment, si c'est pas ta tasse de thé, ça te fera pas kiffer pour autant d'avoir des bêtes de graphisme. Mais en tout cas, voilà, il a cette particularité. Et pour en revenir à son gameplay, du coup, on va devoir progresser de niveau en niveau jusqu'à aller taper une espèce de grosse pieuvre qui nous a attrapé notre bateau. C'est un peu le scénario qui est très rapide. Hein, ouais. En gros, on était sur notre bateau et puis une pieuvre est venue nous la piquer, jouer avec. Et puis nous, on progresse de niveau en niveau en tournant tout autour de l'île pour aller récupérer notre bateau. Il y a un côté assez dramatique, j'ai l'impression, justement, dans ce scénario. Il y a une grosse implication du joueur et du personnage principal, j'imagine. Ouais, pas vraiment. Non, mais on se prend pas la tête, hein. Je pense que oui, je préfère préciser. T'es pas bon en sarcasme. C'est une habitude à prendre. Hein, mais en tout cas, non, voilà. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Mais c'est un jeu à patoune. Multijoueur. En fait, c'est un jeu à patoune. T'as un niveau, tu dois progresser sur un chemin qui est. Ouais. Et tu récupères des petits timbres, des petits machins. C'est Mario 64 en fait. Étoiles. C'est Mario 64. C'est-à-dire qu'il te faut suffisamment de cadeaux. Il y a plusieurs manières de récupérer des cadeaux dans un niveau. Il t'en faut suffisamment pour pouvoir passer au prochain palier de niveau en fait. C'est genre t'as 15-20 niveaux répartis en 4 quartiers de niveau, tu vois. Ou t'as 4-5 niveaux par quartier. Et en fait, bah, une fois que c'est moi, pour moi, c'est le genre de jeu, une fois que t'es dedans, bah, tu vois pas le temps passer. Moi, mais tu jutes. J'ai une question. Tu jutes bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que le flow du jeu est bon au niveau du gameplay? Quand je dis flow, par exemple, tu prends un jeu comme Jupiter Grad, les graphismes étaient dégueux, le scénario anecdotique, mais même s'il était un petit peu, c'était un petit peu parodique. Mais le flow du jeu, les sensations que t'avais quand pour te déplacer, en fait, te donnait vraiment envie d'avancer. Mais en gros, tu commençais le jeu, tu bouffais le jeu. T'avais pas envie de retirer ton casque, alors qu'il était moche. Et c'est le même principe. Ouais, et en plus de ça, je vais même rajouter ça, il est challengeant. C'est-à-dire que t'arrives sur les niveau 3, 4, 5, 6, tu commences à bégayer parce que c'est très dur. Tu vas te retrouver avec des espèces de... En fait, t'as l'impression de faire un Ninja Warrior un peu. Tu vois. Et c'est Die and Retry un petit peu, genre tu te fais toucher par exemple par un obstacle, en fait tu recommences à un checkpoint. Tu dépenses des timbres, les fameux timbres que tu ramasses te permettent de dépenser pour faire du retry. Après t'as aussi le choix de retourner au monde principal, mais voilà, après t'as aussi des power-ups au niveau du gameplay, donc en gros qui vont se mettre sur le ressort que tu vas toucher. Donc si tu prends le ressort de droite, tu touches un power-up, ce qui va te permettre de tirer sur les ennemis. Un autre qui va te permettre de faire un grappin, une espèce d'hélice qui te maintient en l'air. Un autre qui va te permettre d'attirer automatiquement les timbres. Donc t'as pas mal de petits power-ups comme ça qui agrémentent le gameplay, qui rendent ça encore plus fun. Moi, le seul truc qui a fini par me saouler, c'est qu'à un moment donné, bon, j'ai pas été totalement sur tous les niveaux, j'ai activé le mode développeur pour pouvoir aller voir vraiment jusqu'à la fin. Et à la fin, t'as une espèce de, en gros, la grosse grimpée d'avant-boss qui est insupportable. Parce que du coup, dès que tu approches, en fait, le jeu, il va vraiment être méchant avec toi si tu fais pas attention, si tu t'oublies que t'as des ressorts dans les mains. Si tu commences à taper dans un mur, il va t'envoyer dans le décor et ça va te faire rager. Et ça va te faire retomber tout en bas et puis tu vas devoir tout recommencer, quoi. Ouais. Ouais. En tout cas, moi, je le vois comme un jeu vraiment. On dit souvent que la VR est quelque chose de très fermé, une expérience très cloisonnante. Bah, c'est typiquement le jeu à faire dans ton salon avec tes gosses et avec tes amis. Tu tapes de bonnes barres. Tout le monde peut essayer. Après, moi, je suis habitué à la VR, donc. Ça m'a pas mis le vertige, mais il y a des chutes. Je pense que ça peut être. C'est hardcore. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté jumping flash hein, quand même dedans, sur certaines gamelles. Ça peut être physique aussi. Ouais, c'est très physique, ouais. J'en pouvais plus. Au bout d'une heure et demie, j'en pouvais plus. C'est le truc qui m'a frappé juste en le démarrant. J'ai dit putain, mais au bout de 3-4 heures là-dessus, je pense que t'as les bras. Eh ben, la grande question, tu mets combien de lapins robots sur 10? Du coup, à ce jeu-là, 7,5. Ah ouais, c'est généreux quand même. Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Ah ouais. Pourtant, c'est pas du tout ma tasse de thé. Moi, j'aime les beaux graphismes bien réalistes. C'est sur ça que je m'éclate et c'est pour ça que j'ai acheté un casque. Mais en fait, le problème qu'il va avoir encore avec ce jeu-là, c'est qu'il sort en fait au milieu d'une ribambelle de clowns. Et le truc, c'est que t'en as un ou deux comme ça de temps en temps, ça le fait en fait. Ça le fait. En termes de proposition, parce que ça agrémente et puis que c'est pas too much et qu'en plus c'est propre. Donc bravo vers Kiwi, parce que c'est peut-être la première production qu'ils font convenablement. Enfin, qu'ils éditent convenablement, du moins. Une merde, un truc de bien. Voilà, c'est bon. D'accord. Le karma est restauré. La bonne surprise, en tout cas. Et du coup, toi, Laurent, non. Moi, non. Les 30 minutes. comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, à se faire un avis difficile, mais c'est vrai que premier abord. T'as dit tout à l'heure Nintendo 64, pas c'est exactement cible. Ça. C'est exactement ça et je suis pas la cible. Non, ça. Mais c'est propre en fait. Bah c'est net, c'est net, c'est. Mais. Ouais. Et puis ces ressorts là déjà. Bah voilà la première prise en main. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc déjà que tu vois que t'as ta tête qui a ras du sol. Tu te dis mais. Comment je suis foutu? Alors, au début, je croyais qu'il fallait être assis ou debout. Je dis, mais j'avais même pas fait gaffe dans la glace que j'étais une bestiole qui ressemblait avec une tête avec deux ressorts de chaque côté. Je dis, mais au début, je croyais qu'il déconnait le truc. Donc après, je le lance. Après, je commence à comprendre. Je dis, putain, ouais, j'ai pas de jambes. Déjà, c'est moi, je suis mal barré, j'ai pas de jambes. Après, tu commences à essayer de comprendre comment ces ressorts, ils fonctionnent et tout. Mais t'as pas regardé le trailer? Ben non, je l'ai lancé comme ça. Je l'avais vu le trailer, mais j'avais pas fait gaffe qu'on ressemblait à une tête pleine de poils avec deux ressorts sur le côté à la place des bras. Mais au final, je me dis, à mon avis, ceux qui sont sensibles au motion sickness, il va peut-être pas falloir commencer par celui-là. Je suis pas sûr. Bon, il y a tous les trucs d'usage. Il y a les œillères, il y a tout le tralala pour pas être malade. Après. moi ce sera pas forcément ma tasse de thé ce truc là, je serai plus du côté d'Astrobot ou des jeux comme ça que... mais bon pourquoi pas, c'est une proposition dans le platforming quoi. Mm-hmm. C'est une proposition dans le platforming. Il y a pas d'aliasing, c'est net, c'est propre, ouais, c'est vrai que c'est propre. J'attends autre chose que ça, donc je dois pas être le public, mais je vais y retourner quand même. Je vais, parce que là j'en ai pas assez fait pour donner un avis tranché. Très bien. Bon, en tout cas voilà. Durée de vie à peu près, on l'a dit, non? À vue de pif. Durée de vie sans le mode développeur. Je crois qu'il faut 6-7 heures. 6-7 heures. Ouais, quand même. Sans le mode développeur, et après, ouais, il y a pas mal de niveaux, il y a 20, entre 20 et 25 niveaux, mais c'est surtout que, bah après, c'est du scoring, quoi. Tu veux tous les cadeaux de chaque niveau, découvrir des secrets que t'avais pas fait attention, ouais, voilà, ça. Ça marche, bah en tout cas, voilà, les premiers avis sur Stilt, la bonne petite surprise, en tout cas, si vous êtes, si le gameplay pour vous, en tout cas, est la chose la plus importante, et le bon flow, et puis le bon challenge, il y a de quoi se faire plaisir. Ensuite, on va passer sur un truc un peu plus statique. Laurent, on va faire un jeu Little Cities qui utilise un petit peu notre matière grise et notre esprit de gestion. Little Cities Bigger. Alors, bigger, faster, stronger. Bigger. Voilà. Donc, c'est un SimCity-like. Hein, on va pas les présenter. On en a déjà un. Je sais même plus comment il s'appelle, le deuxième. Et on a déjà fait le coup il y a 3 semaines. Caviar, t'es jeune, t'as de la mémoire, toi. C'est quoi déjà ce jeu? Le jeu, de quoi on parle, de quoi? Little Cities Builder. Le Cities Builder. L'autre SimCity. L'autre SimCity qui existait déjà sur le PSVR. Oui. Ah, c'est Cities VR. Tout simplement. Cities VR, Onset Edition. Alors, c'est le même principe, sauf que ça se déroule sur des îles. Donc là, c'est un SimCity. Hein. Les amoureux de SimCity, ils vont retrouver. Alors au début, tu commences, tu dis putain, il n'y a pas grand chose. Donc tu dis putain, il va être moins bien. Mais quand tu commences à avancer, tu t'aperçois qu'il y a tout un tas de trucs qui arrivent, comme tous les SimCity. Donc t'as la caserne des pompiers, la caserne de police, les commerces, les zones industrielles, les zones résidentielles. Les petits parcs, les petites plages, parce que tu es sur une île, donc il faut faire attention à mettre tes résidences au bord de l'eau, sinon tu as tes habitants qui vont gueuler parce qu'ils ont un immeuble devant eux ou une usine qui leur gâche la vue. Et bien sûr, c'est là que tu t'aperçois que l'être humain, et quoi que tu fasses, ça ne va jamais. Donc c'est ça qui est intéressant dans ce genre de jeu. Donc tu balances les CRS, voilà. Voilà, par exemple. Mais bon, globalement, alors déjà, le look. Alors le look, c'est plutôt simplé. Mais alors curieusement, en fait, il n'y a pas vraiment de grosses textures hein, sur les bâtiments, tout ça. C'est quand même des aplats. Par contre, curieusement, j'avais critiqué Cities parce que quand tu t'approchais, ça pixelisait grave sur les bâtiments et c'était très vilain. Là, le fait qu'il n'y ait pas de texture, tu peux t'approcher, c'est propre. Et globalement, je le trouve, il est vraiment très très net, fluidité, netteté, il n'y a rien à dire. Après c'est le principe des SimCity, hein, donc il y a pas grand chose qui va être en plus. T'as des petits trucs sympas, des fois t'as des montgolfières qui vont te passer à côté de l'oreille avec des petits bonhommes qui sont en montgolfière, ça peut être marrant. Le côté maison de poupée fonctionne bien d'ailleurs dans ce jeu-là. Ouais, ça pourrait être plus poussé, c'est sûr. Surtout quand tu vois les SimCity qui sont sortis, les derniers SimCity qui étaient absolument magnifiques. Donc là, c'est sûr que tu te dis, putain, ils auraient pu un peu plus pousser. Est-ce que après, le monde il fait quand même vivant? Tu sais, quand tu es dedans, est-ce que ça grouille? Ça grouille. T'as des petits bonhommes style les Sims. T'as des petits bonhommes qui se baladent dans tes rues, mais ils sont pas très nombreux. T'as des oiseaux, t'as l'océan autour, t'as des bateaux qui passent sur l'océan, t'as des oiseaux, t'as des montgolfières, t'as des avions qui te passent au-dessus de la tête. Ça, c'est bien déjà. Oui, mais... Disons que les gros habitués, les gros amoureux des SimCity en version plate, c'est vrai qu'ils étaient arrivés à des niveaux de dingue, où tu avais carrément les reflets dans les immeubles, tu avais des trucs de malade. Là, on en est très, très, très loin. Alors, le souci qui se pose, c'est est-ce que ce Little Cities Bigger est bon? Oui, pour ceux qui aiment le genre, ils vont pas être déçus. Par contre, est-ce que si par exemple on mettait un 8 sur 10 à Little Cities Bigger et que derrière ils nous sortent un Sim City comme je l'entends, celui-là il tomberait à 5 quoi, ou à 4. Est-ce que tu as un système de topographie? C'est toujours le souci. Il y a une map. Alors non, est-ce que tu as un système de topographie parce que j'ai l'impression que tu peux rajouter en fait des montagnes ou alors des éléments mais sans pouvoir construire dessus, ou alors ça n'a pas d'incidence. Par exemple, tu peux pas rajouter une source d'une rivière qui pourrait descendre je sais pas jusqu'à un petit peu plus bas. Non, c'est en gros c'est un terrain plat et tu balances, tu mets des éléments. Un terrain plat et tu balances, voilà, et tu balances. Après, avec toute la problématique que t'as sur toutes les villes, mais c'est justement, par exemple, dans SimCity, oui, tu pouvais creuser, tu pouvais augmenter les niveaux. T'avais une topographie. Tu pouvais faire tout ça. T'imagines là, c'est plutôt une île. Laurent, t'imagines le moteur de Paper Beast. Eh ben, c'est exactement ce que j'allais dire. Sur un City Builder. Tu lis dans mes pensées. C'est clair. C'est clair. Ah oui. Là, laisse tomber. Imagine. La folie. Et je suis bon public avec les parce que les SimCity, j'y ai passé une paire d'heures parce que j'adorais ça. Donc c'est peut-être pour ça que quand je vois un SimCity, je dis putain, mais c'est vrai que quand tu as connu les vrais SimCity, tu te dis merde, c'est bien parce que c'est bien, mais c'est très léger quoi. C'est très léger. C'est le truc qui saute aux yeux. En fait, il convertira pas le jeu. Il convertira pas. Non. C'est-à-dire qu'un un habitué ne convertit pas, en fait. C'est ça le problème. Non. Par contre, si t'aimes vraiment la VR et que t'aimes ce type de jeu, oui, tu peux trouver, je pense, un petit peu ton compte. Mais le truc qui saute aux yeux directement, c'est que c'est super plat, quoi. Bah, c'est ça. Plat, c'est carré. C'est le genre de truc, tu vois pas le temps passer, par contre. Tu démarres, tu poses ta première maison, tu poses le casque, t'as passé 2h30, t'as rien fait, quoi. C'est bon comme un paquet de chips, quoi. C'est pas. Il y a un truc qui m'a dérangé sur ce jeu, c'est. Comparé justement à Cities on Set, lui est plus moche sur les textures. Au moins, on pouvait zoomer à fond. Oui, ça, exact. Moi, je suis pas client de SimCity, mais du coup, je me suis pris au jeu parce que ergonomiquement, Little Cities Bigger, il est incroyable. Ça a été vraiment pensé pour la VR. On sent un peu l'expertise de Endreams à ce niveau-là. Mais par contre, j'ai pas pu m'immerger dans une ruelle pour en ressentir l'activité. Tu cherches ça. Je voulais voir ce que faisaient les gens. Ouais, tu te rapproches de l'action. Tu as bien le zoom, hein. Tu peux dézoomer, tu peux zoomer avec toujours le principe à la Paper Beast où tu vas choper le truc des deux côtés et puis tu en bougeant, tu vas pouvoir zoomer, grossir ou avec la molette, tu peux grossir ou réduire. Mais c'est vrai que j'ai fait exactement la même chose. C'est qu'il y a un moment, tu te dis, je vais me foutre dans la rue au niveau de l'échelle des personnages et tu peux pas. Tu vas pouvoir t'approcher d'eux, mais tu vas les voir toujours dessus comme si t'étais au moins 15 mètres au-dessus d'eux, quoi. Tu vas pas pouvoir te mettre au niveau du regard humain et de voir ce que tu as fait. Et heureusement, je dirais, parce que quand tu vois la gueule des bagnoles, c'est des cubes. Ouais. Ouais. Tu te dis, bon. C'est peut-être un choix, justement, à ce niveau-là. De... C'est cohérent avec le reste, à la limite. C'est pas plus choquant. Oui, quoi. Je dirais que ça ressemblerait plus à, pour un débutant assez jeune qui veut découvrir SimCity, c'est un bon début, quoi. C'est un bon truc. Voilà. Ouais. Mais si demain ils me sortent les barres au bowling, quoi. Le SimCity que je connais, ils me le sortent en VR, mais tu vois, typiquement, dégage, quoi. J'ai le choix. J'ai le Quest 3, j'ai un PSVR 2, je pourrais jouer sur PC. Quoique, je sais même pas s'il va sortir sur PC. Non, je pense pas. J'ai le choix, je le prends sur Quest 1. C'est un jeu que je prends sur Quest 1. Ah oui, ouais, oui. Bah oui. Oui. Ouais. Il n'aura pas de problème. Il pèse rien. Il n'a pas de problème à tourner sur n'importe quelle machine. Ça, c'est sûr. Même quand une maison s'enflamme, et ben le feu, ben c'est pas. C'est des triangles les uns sur les autres. C'est des, voilà. Ah oui, puis les personnages, ils restent sur la terrasse, sur leur chaise, ils ne bougent pas, même s'il y a le feu derrière. Ils sont chill. Oui, puis c'est bon. Et puis c'est pareil. Alors là, oui, le bel exemple, c'est que au début, tu commences à vouloir te rapprocher pour voir, tiens, putain, ça y est, j'ai des habitants, donc t'es content, t'as des habitants. Tu vas te rapprocher un maximum, et tu dis, ils sont en train de faire un petit barbecue, donc il y a toute la famille, il y a les filles, elles sont sur un bain de soleil. Et puis d'un coup, t'as la maison qui crame, mais l'autre, il continue à faire son barbecue, et puis t'as toutes les filles qui restent sur leur bain de soleil, il n'y en a pas un qui bouge, quoi. Donc tu dis, voilà. Les renforts vont arriver, ils vont arriver. C'est bon. C'est tout un tas de petites choses. Par contre, pour t'engueuler, ils sont champions. Hein. Ouais, il nous manque une caserne. Ouais, j'ai plus d'électricité. Ouais, y a le voisin, il cache ma vue. Donc ils sont jamais contents. Puis, le maire, ça fait des mois qu'il est parvenu. Il est où Voilà, on n'a pas la fibre. y en a marre, quoi. Tu vois, t'es l'un de ces petits personnages. Exactement. Mais c'est sympa. Il est à 25 euros. Ça, c'est presque un petit peu cher, mais je veux dire, quelqu'un qui aime ce genre de jeu, ou même des jeunes, des plus jeunes qui veulent découvrir la VR sans être malade, parce que finalement, ouais, t'es fixe, à 12, 13 ans, ça peut être super sympa aussi. Donc, Oui, c'est clair. J'y crache pas dessus. C'est vrai. Mais ça pourrait être tellement mieux. Mais bon, puis j'aime bien Endreams aussi. Bon. D'accord. Bon, bah, en tout cas, voilà. Deuxième proposition, en tout cas, de City Builder sur PSVR 2. Faites votre choix. Il a l'air sympa. Enfin, ouais, à tester, ouais. Je sais pas si j'y passerai beaucoup de temps, surtout avec le passif dans ce style de jeu que j'ai, quoi, où j'ai déjà eu l'impression d'avoir passé beaucoup trop de temps sur les City Builder. Mais en tout cas, il a l'air. Je pense que celui-ci, je vais avancer et puis continuer ferai une vidéo plus complète. Ferai une vidéo plus complète sur celui-là, parce que j'ai beaucoup de questions sans réponse pour l'instant, savoir justement jusqu'où ça va. À mesure que tu avances, tu as des éléments supplémentaires, mais je sais pas jusqu'où ça s'arrête. Est-ce qu'il va y avoir, il y avait tout un tas de choses de gestion avec SimCity. Là, à mon avis, je les aurais pas. Mais je suis curieux de savoir jusqu'où on va. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vont être ajoutées? Le métro, par exemple? Est-ce qu'il y a Godzilla? Je suis pas sûr qu'il soit. Par exemple. Ok, ça marche. Bon, bah voilà, c'était tout pour Little City Bigger. Ensuite, on va passer. Et ben, on va repasser à toi, El Rocco, avec System Critical 2. Operation Serpent 2. Non. Non, System Critical 2, un jeu qui est sorti il y a 25 ans à peu près, je crois. C'était sur Voodoo 3D, les premières cartes graphiques sur PC, c'est ça? 30. Il me semble. Attends. Alors, 95. Ouais. Vu la gueule que ça a, en tout cas. Vas-y, rebondis là-dessus, débrouille-toi. Comme tu veux, tu te démerdes. Comme il y en a certains qui voilà persistent à le dire, il n'y a pas que les graphismes, mais non. c'est chaud. Ça vole là. C'est chaud. Hein. Alors, System Critical 2, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce n'est pas un mauvais jeu. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, c'est un FPS, un jeu de shoot plateforme. Comme on pourrait le décrire, comme ce qu'on pourrait avoir dans un mode de, comme dans Garry's Quest, mode, en fait. Non, parce que graphiquement, le Quest, il le fait pas tourner. Je ne pense pas. Non. Je te jure. Sérieux? Je te jure. Si peu puissant que ça. Et le jeu n'est pas moche. On va avoir des emmerdes encore. Du tout. Le jeu, alors on voit très bien les. Alors le mec, le développeur, il est tout seul. Il a fait ça pendant son temps libre. Et il a mis beaucoup d'investissement personnel pour nous pondre quand même une version, on va dire, digne du PlayStation VR 2. Je sais que ça peut faire sourire Laurent ou Save, dire ouais, cette merde-là. Mais non, franchement, le jeu, déjà, d'un point de vue résolution, et je le trouve net. C'est pas le plus net. Il y a des niveaux... je l'ai fini. Il y a des niveaux qui sont plus jolis que d'autres. Nettement plus jolis. Mais en tout cas... Mais en tout cas, on va dire que dans l'ensemble... On va dire qu'il est net à 90%. Voilà. En tout cas, il est net pour tout ce qui est le personnage qui a un petit côté très Megaman. Alors, on contrôle une cyborg type féminin, bien féminisé, féminin. Cyborg 17. Tout ce que t'aimes, quoi. Ce que j'aime. Ben, à titre de comparaison, je pensais un petit peu à la gonzesse de Ghost in the Shell, tu vois. On va dire quelque chose de très sexy et de genre Voilà. Et tu la vois quand? Ah, tu la vois dans les vidéos, dans la série, en fait, le scénario qui t'est craché comme ça, avec une voix un petit peu genre Google Translate, et qui t'explique en gros qu'il y a, voilà, il y a un grand ennemi, voilà, extraterrestre qui arrive, qui fait partie genre d'une organisation, le Evil Eye. L'œil diabolique et qui va détruire la Terre et que les gentils ils ont fait original. Du cyborg et le cyborg qui a la grâce d'une danseuse et le côté mortel de je ne sais quoi va devoir sauver la Terre, tu vois. Donc ça se présente comme ça pour le scénarium, hein. 20 cc de scénarium, allez on est parti. Et en vrai, qu'est-ce que c'est? Alors bah, on enchaîne avec un niveau, enfin un tuto qui ressemble à un niveau et qui ressemble à tous les autres. Donc on a un personnage qui est donc qui a deux armes qui peuvent être stockées au niveau de la ceinture. Une arme, c'est typiquement Megaman. Donc t'as un genre de d'énorme canon que t'envoies des boules. Ah oui, c'est le lance-boulette là. Le lance-boulette où tu peux faire une charge. Les impacts, on va dire en termes de les tirs, sont très convaincants d'un point de vue audio. Sauf les piou piou piou des ennemis, les trucs comme ça. En fait, c'est voilà, il faut relativiser. Il y a pas tout qui est super, tout qui est acheté. Donc d'un point de vue, on va dire graphique au niveau des armes, tout c'est super net. Il y a d'excellents reflets. Tu vois, tu peux avoir genre une lune rouge ou voilà un environnement qui est très désertique, qui va t'envoyer un éclairage assez jaune, voilà. Ben ça va se refléter plutôt bien, c'est plutôt joli en fait. Donc t'as un canon et un flingue, et c'est surtout le canon, on va dire, qui est mis en avant, parce que à chaque fois que tu vas accomplir des niveaux, enfin des paires de niveaux, il y en a à peu près une dizaine. Et t'as des paires de niveaux qui vont ensemble, genre deux niveaux qui représentent X, deux niveaux qui représentent rond et tout. Si tu fais la paire de niveaux, tu vas débloquer une nouvelle arme. Et la nouvelle arme, ça peut être sympa, ça va être un truc qui va lancer des boules bleues qui vont être beaucoup plus rapides mais qui ne vont pas charger. Une où tu vas en balancer trois d'un seul coup, qui est, ben, ça va être top pour shooter les ennemis qui ont le plus voilà, d'HP. Et t'as un lance-grenade, une boule qui va te créer un dôme de protection. Donc il y a quand même quelque chose qui est assez réfléchi, et surtout que esthétiquement c'est pas mal, c'est franchement pas mal. Après les niveaux, c'est là que ça va se compliquer. Alors, la construction au départ, voilà, c'est là que ça se vaut pas forcément pour les 10. La construction est à peu près la même, c'est-à-dire que ce sont des t'as un décor, on va dire, à 360, qui est pas terrible graphiquement, qui aurait mérité d'être un petit peu plus boosté d'un point de vue définition. Donc c'est un JPEG 360, qui soit c'est de la neige, soit c'est voilà, de l'espace, ou alors l'univers des pyramides, le désert. Et tu vas en fait progresser sur des plateformes volantes. Voilà. Donc ça va être un peu en serpentard, tu vois ce que je veux dire. Avec pas mal de plateformes à sauter dessus. Et c'est là aussi où le jeu a un côté, alors c'est soit si tu aimes ça dans les anciens jeux où tu as un niveau d'expérience dans le platforming qui est millimétré, genre la plateforme qui arrive vers toi et qui s'éloigne et que tu dois ressauter sur une autre, les plateformes inclinées où tu glisses, timing, où il va falloir le timing, si tu as ça dans le sang, si tu kiffes ce truc là, et ben là le jeu prend un intérêt, mais il prend 5 points d'un coup, quoi. Parce que le côté plateforme, il est vraiment top. En fait, ce jeu-là, il est très, on va dire, comment dire, généreux dans sa proposition. Compétitif d'un point de vue, on va dire. Il te demande franchement d'être performant. Faut c'est du skill, vraiment quoi. C'est du skill. C'est vraiment. Il te demande du skill. C'est la conversion parfaite entre la 2D et la 3D, en fait, selon moi. Ouais. C'est ouais. Justement ce on aurait été en droit de s'imaginer à l'époque quand on voyait nos jeux 2D. Si ça devait être mis en 3D, je trouve que la conversion était bien faite, en fait. Très bien faite, et franchement toutes les textures, quasiment, enfin tout ce qui est métallique, il y a du reflet, il y a du travail. Voilà. Après tout ce qui est sol un peu plus, c'est très en fait c'est très inégal. Le reflet, c'est pas du travail. Hein. Non mais on va dire que d'un point de vue de l'œil, tactile. D'un point de vue de l'œil, le reflet. Ah ouais, oui. Mais au niveau voilà visuel, ça marche bien. Après c'est sûr que quand t'as un mur qui est à côté qui est franchement dégueulasse, là c'est En fait, j'entends. En fait, le jeu est inégal. Il est inégal. Très inégal. Et j'entends ce que tu dis, Elroco. Alors, tu parles justement en mettant en avant l'aspect graphique qui t'a plu, la direction artistique aussi a priori qui t'a plu. Quand tu regardes le truc en plat. Pas surtout. Ça doit vraiment. Ça donne. Enfin, moi, ça me donne envie en tout cas de l'essayer vraiment sous le casque, parce que quand tu regardes la vidéo même que t'as fait sur ton test. Putain, mais alors, j'imagine, je vois bien justement la corrélation que vous faites avec Mario. Moi, je vois Mario 64 là, les niveaux de Bowser en fait, les niveaux de Bowser justement où t'as juste des plateformes surtout qui sont au-dessus du vide et que tu dois essayer d'atteindre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est ouais. En fait, c'est ça. Dans le game design, c'est Mario, c'est Megaman, c'est des plateformes que tu dois, voilà, tu dois atteindre un boss au bout. Et c'est que ça, c'est un jeu 2D qui a été porté en 3D. Mais moi, ça me fait vraiment penser à ça. Quoi. Autour. Mais tu vois, avec des textures autour, qui n'ont pas d'envie mais, de. Mais il fait partie. Ouais. Et ça fait partie de ces jeux qui, malheureusement, ont rendu plat. Il y a plein de jeux comme ça. J'arrive du mal à expliquer. Qui ne rendent pas bien. Non. Sur écran plat, c'est incroyable. Parce que franchement, pour moi, le jeu là, tel quel, en plat, il est dégueulasse. Hein. Ça me donne pas envie du tout d'y aller. Mais vraiment. Non, mais. Les animations des personnages. Alors, aussi, ça craint, les personnages sont juste là, on va dire. C'est pareil, ils sont là. Alors, ça aurait mérité. Il y en a certains, c'est des Playmobil. Hein. Mais c'est grave ça, en fait. C'est vraiment comme si les personnages ils étaient sur 2-3 frames, comme dans un jeu 2D. Mmh. Ils avancent et tout, ils sont juste là pour. Mais tu crains pas les personnages, tu crains les tirs. Tu crains les tirs, en fait. Ouais. Tu te bats contre les tirs. Mmh. Eux, c'est juste des bonhommes de paille, quoi. Ouais, donc c'est ça. Ils ont tant d'HP en fonction de l'arme que tu utilises, et ils vont en bouffer plus ou moins. Mais on peut le comprendre. Mais le truc, c'est que moi, perso, quand je l'ai lancé, déjà le trailer qui nous a été donné sur PlayStation, c'est pas vraiment le rendu qu'on a dans le casque. Il est beaucoup plus beau dans le casque, mais c'est bizarre à dire, si tu veux, mais l'intérêt. J'irai faire un tour par. Il y a un aspect. Il est suffisamment beau pour que ça te plaise, et je te dis dans ce sens-là, le côté skill du genre, ok, je vais aller jusqu'au bout, je vais esquiver tous ces petits bâtards, je vais les enchaîner, je vais sauter toutes les plateformes et tout. Des fois, tu peux te faire des raccourcis, mais d'enfoiré, si tu gères le double saut, les wall jump, les trucs comme ça. Il y a quand même. Sachant que les armes de mêlée one shot. Hein. Et les armes, tu l'as dit tout à l'heure. Non, en plus, oui, exactement. T'as bien fait de le dire. T'as quand même des bonhommes qui se déplacent sur des lignes sans bouger les jambes. Oui. C'est fou. Enfin, mais ça, c'est l'hommage. En fait, c'est voulu. Ça a été pensé ah bon comme ça. Ah, bon, si c'est voulu. Bah, oui. Oui, non, mais c'est assumé, en fait. Enfin, clairement, en fait. Non, mais là. Le gars t'a transposé un gameplay, en fait, en te mettant un action man tout coincé. Ouais, le rétro gaming, c'est pas pour moi. Non, mais vas-y, va essayer de faire comprendre ça à Laurent. C'est pas possible. Oui, mais après, c'est Laurent ou même n'importe qui d'autre. C'est ça qu'il faut se dire aussi, c'est que la cible. Moi, j'ai discuté un peu avec le développeur et il m'a dit, mais c'est marrant, il y a autant de personnes qui l'aiment qu'il aime pas le jeu. Ah, mais c'est ça. Le gars m'a sorti ça. Et en gros, c'est encore un truc niché. Le logo, alors je parle même pas du jeu là, le logo du trailer, le premier logo du système Critical 2 qui s'affiche, il est pixelisé sur le trailer. Non mais. Pas possible. C'est rien ça. Ouais, t'achètes pas un jeu sur le logo non plus. Et c'est un logo, c'est pas la question. Mais si par contre un développeur, il est pas foutu de mettre un logo net avec tu te dis putain, ça va être quoi le jeu quoi. Essaye. Après là où il y a des défauts, je vais essayer. Moi ça m'intrigue justement. Prochaine émission, j'en parle. Ouais, justement par rapport à ce que je vois sur le trailer, la preview que t'as fait El Rocco, et ce que tu me dis justement graphiquement sur ce que t'as ressenti sous le casque, je suis vraiment très très intrigué quand je vois les textures. Encore les reflets, je veux bien qu'ils soient un peu plus saisissants sous le casque que sur une vidéo plate, mais quand tu vois les textures qui ont l'air d'être mais t'as la sensation d'immensité allongée. C'est-à-dire qu'en fait, le fameux JPEG qui est au fond, il est très loin. Et ça joue beaucoup sur les perspectives. Ouais. En VR, je trouve ça intéressant. T'es pas cloisonné, tu te sens pas trop à l'étroit dans le jeu. Parce que là, ce qui saute aux yeux, vraiment, c'est les textures JPEG qui ne se. Il n'y a pas de transition, je veux dire, elles sont collées l'une à côté de l'autre. En fait, toi, tu vois qu'il y a un truc qui ne va pas. Les trucs sont étendus, distendus. L'effet tapisserie. C'est exactement l'effet tapisserie, mais la tapisserie qui a pas été, il y a pas de raccord quoi entre les mais bandes. encore là, on va dire c'est très bizarre en fait. Je dirais que c'est un point qui aurait été ça aurait été encore un petit plus. Tu te serais dit ouais bon ça va, c'est joli et tout machin, on va voir un petit peu. Le jeu il cherche pas de cohérence en fait graphique. Ça aurait débloqué quelque chose, tu vois, et ça t'aurait pas freiné. C'est vrai que quand tu regardes ça, en fait au départ tu t'en rends pas tout de suite compte parce que tu vois les armes, tu fais ah mais c'est quand même joli, tu vois les murs, tu fais ah c'est texture bof. Après tu vois une paroi métallique, tu fais quand même. T'as une genre de tour mais diabolique en face de toi, tu fais oh putain c'est énorme. Tu penses que tu vas aller à l'intérieur mais t'y vas pas. Mais voilà, enfin je veux dire t'as un petit côté du genre ah, allez c'est ok, il est pas parfait, on va voir. On encore une fois l'intérêt il est pas là. C'est vraiment le côté oui des des anciens jeux 2D où il fallait du skill, il fallait esquiver énormément de projectiles ennemis, faire énormément de sauts parfois, mais vraiment millimétrés. Et plus tu avances, on va dire, enfin tu avances pas, tu les sélectionnes les niveaux, parce que quand tu termines le tuto, t'as un choix de 9 niveaux. Et tu peux les faire dans l'ordre que tu veux. Et les 9 niveaux vont te débloquer un 10e qui est, mais pour le coup, vachement plus corsé, travaillé. Et là, limite, c'est un viol intégral, quoi. Mais et c'est très physique aussi, non ? Il est physique comme jeu ? T'as mal au bras. Il est physique pour ton cerveau. Ouais, eux aussi. Pour moi, il est physique pour ton cerveau. Parce que, comme on l'a dit, c'est transposer le jeu 2D au 3D. Et en fait. Tu peux parer, par exemple, avec tes armes de mêlée, tu peux parer, tu ressens pas d'impact ni rien, et d'ailleurs, il y a un peu un manque d'impact dans le jeu de manière générale, notamment sur la mêlée, mais avec tes armes, si tu veux, tu peux arrêter les tirs des ennemis, et en fait, tu vas vraiment t'amuser à faire des pas chassés à la Mbappé, quoi, enfin, faut vraiment esquiver les tirs, comme tu le faisais à l'époque, sauter en même temps, donc en fait, c'est, comme il l'a dit Elroco, très millimétré, et c'est là, en fait, où ça va faire une gymnastique de ton cerveau, parce que chaque tir, c'est 100% dans ta tête. Chaque tir. Ouais. Donc, et quand toi, pour mettre les tirs dans la tête des autres, vas-y, lève-toi. Ah oui, c'est, ouais, c'est compliqué. Surtout la charge, il faut être pas trop non plus, pas trop j'ai loin, tout mis à côté, même de près. Putain, c'est pas évident. Mais tu jubiles hein, quand tu en mets un. Mais comment dire, là où vraiment où j'ai un énorme regret, c'est que à partir de genre 4-5 niveaux, tu vois quand même que l'architecture des niveaux, c'est toujours la même. T'as toujours le même couloir, t'as toujours le même truc, et c'est un petit peu ça que ce que je reproche, c'est que j'ai l'impression qu'il y a énormément de remplissage, et que là où il a vraiment mis l'accent, c'est peut-être sur un ou deux niveaux, et surtout le dernier, mais c'est même un crash test pour le motion sickness. Hein. Vraiment, il y a un moment donné, t'as des plateformes, tu sais, genre des poteaux. Et t'as la plateforme qui tourne. Ah oui, d'accord. Okay. et c'est ça, c'est poteau, et les plateformes tac qui se croisent comme ça, et à plus ou moins à grande vitesse, tu dois anticiper. Bon, t'as quand même un double jump et l'accélération qui peut te permet de soit de sauter loin ou alors avec le sprint beaucoup plus loin. Mais c'est pareil, tout ça, ça se gère. Et t'as des niveaux comme ça, mais t'en as un, le dernier. T'as une roue de hamster. Tu vois, avec genre les plateformes où alors tu dois rentrer dedans, prendre la roue qui va ultra vite, et t'as des petits rebords en fait qui se créent à partir d'un moment où la roue arrive, où tu arrives un petit peu à 90 degrés, et tu dois ressauter sur quelque chose, rattraper une autre roue. Avec l'inertie un peu du saut en plus, j'imagine. Ah mais c'est du hardcore. À un moment, j'ai dit le développeur, il m'a dit attends de voir le dernier niveau, tu vas me dire ce que t'en penses. J'ai fait putain, enfoiré. mais limite, je voulais lui dire mais t'es conscient que on n'est pas tous comme moi, vers caviar ou quoi, que genre notre cerveau il comprend très très bien que voilà ce qu'on voit, et que un dernier niveau à essayer à la PGW sur des gens qui n'ont pas l'habitude de la VR. Ah non, mais ça, c'est un tueur. Et le truc où là, je regrette aussi, c'est la facilité pour vaincre les boss. Parce que à partir du moment où tu te déplaces, ils ne te touchent pas. Mais vraiment, même ceux qui changent de position sur toute l'arène, parce que t'en as certains, ils vont être plus au sol, ça va être des robots lambda et tout. Il y en a d'autres, ça va être des vaisseaux qui vont bouger, aller d'un point à un autre et tout, et puis te balancer tout ce qu'ils ont. Avec quelques ennemis qui grouillent au sol, mais bon, voilà, tu anticipes un petit peu tout ça. D'abord les ennemis au sol, ensuite le mec au-dessus. Mais à partir du moment où tu es en mouvement constant, il ne touche plus. Bah, on te touche pas. Parce que tu vois le tir en fait qui arrive vers toi et t'as le temps de l'esquiver en gros. Il tire sur ta position, il n'y a pas d'anticipation en fait. D'accord, ouais. C'est pas du genre ah bah tiens, tu vas aller là-bas, je vais t'envoyer une saucée, et non, ils sont toujours sur ta tête. Sur ta position. Voilà, toujours. Okay. Donc c'est un petit peu le regret, parce que bah du coup tu te contorsionnes et tout dans tous les sens, ouais. T'essayes de tirer et puis de t'orienter à chaque fois. Ça le rend encore moins accessible du coup. Ça le rend encore moins accessible de par son gameplay énervé. Ouais, c'est pas pour tout le monde, mais il est pas inintéressant pour autant. Il est à 19,99€. Faut aimer la techno. Ah oui, la musique. La musique. Il est super content de sa musique, moi, j'aime bien. Parce que c'est lui qui l'a faite. Il est super content. Mais à un moment donné, tu sais, je posais la question au développeur, est-ce que j'ai raté un bouton pour pas pour mute, hein, tu vois, mais pour baisser légèrement au minimum. Ah non, mais peut-être que je devrais en mettre un. Bah, je lui dis, ouais, peut-être, c'est, sûrement, ouais, ça serait peut-être pas mal. Mais ouais, il me disait, bah, tu peux baisser le volume dans le général avec la console, quoi. Mais je fais, bah oui, mais bon, je baisse tout dans ces cas-là. Donc, ouais, c'est. Il est encore. Il est encore incomplet. Donc, ouais, c'est un donc, jeu pas qui est pas si mal. Pas inintéressant, il n'est malheureusement pas pour tout le monde. J'ai pris du plaisir à le faire, mais est-ce que j'y retournerai? Non, je l'ai platiné, tu le platines. Enfin, voilà, mais c'est un jeu moyen bien. Entre 6 et 7. C'est pas très cher en plus. 19,99€. Ouais, c'est tout juste. Entre 6 et 7, voilà, sur 10. Si je devais lui mettre une note. Donc, Je m'inquiète pour Sei. Ah! Bah ouais, moi il est bloqué pour moi là. Tu crois? Il regarde le trailer en fait. Il est sans voix. Attends. On l'entend même plus là en fait. Non, non, là il a totalement bloqué là. Ah, c'est bon. Ah, il est revenu. Rebonjour. J'adore. Alors ce trailer? Ah, t'adores? Bah, tu parfait. Bah, je sais pas, vous aviez arrêté sur la musique, non? Vous aviez. Que en gros je lui mettais une note entre 6 et 7 voilà, sur, et puis, que, oui, sur la musique. Que tu pouvais que la baisser et baisser le son général, tu vois. Ok, t'as porté une conclusion à ton test? Oui. Que, parfait. Parfait. Oh non, mais très voilà. Bien. Ok. Bon. Petite parenthèse entre deux tests, il y a Legendary Tales qui arrive en 6 nouvelles langues: italien, français, portugais, brésilien, spanish, espagnol, polonais. Et tchèque. Bah ça, donc en français, enfin, très bonne nouvelle. En français, voilà. Très bonne nouvelle. Oui. J'ai testé tout à l'heure, c'est plutôt cool. D'ailleurs, tiens, j'en profite pour remercier VR Caviar qui nous a fait un tuto justement sur Legendary Tales que vous pouvez retrouver sur Vrac. N'hésitez surtout pas à y aller. C'est un tuto assez succinct hein, parce que la vidéo dure une heure et demie à peu près. Lol. Voilà, mais vous allez en tout cas pouvoir tout apprendre pour pouvoir complètement rouler sur le pourquoi, jeu. Hein, je pense pourquoi tu l'as dire. Pas mis sur TikTok? Ouais, bah ça aurait fait 14 000 parties. À peu près. À peu près. Mais en tout cas, voilà, c'est ultra complet et c'est vrai que ça montre un petit peu la profondeur et les subtilités un petit peu de, bah, du jeu, quoi. Et ils en ont rajouté d'ailleurs avec la mise à jour des langues. Ils oui, ont rajouté y a plein un, de trucs, un arbre ouais. de compétences qui permet en fait de jouer un peu plus hybride. Parce que ce que j'expliquais rapidement dans le build, c'est que pour pouvoir maximiser ton arbre, il faut vraiment se concentrer que sur un arbre à la fois. Il ne faut pas trop se disperser. Et là, ils ont donné la possibilité aux joueurs de faire des personnages un petit peu plus hybrides. Donc c'est cool. Ok. Donc en tout cas, n'hésitez surtout pas à aller la voir. Et ben, on va passer au prochain test. Cube que tu as légèrement effleuré, Elroco. Légèrement. J'ai voulu lancer pour 10 minutes et je me suis arrêté au bout d'une heure. Bon. Au final. Mais là, ça va être juste un premier aperçu un petit peu. On va faire très raccourci. On ira plus dans le détail plus tard. Ouais. Voilà. Juste histoire, voilà. Bon, alors, ça claque graphiquement ou pas? Alors, oyez, nous sommes sur le dernier jeu où on peut l'appeler un jeu PlayStation VR 2. Complètement. Yes. Voilà. Complètement. Il claque graphiquement. C'est Minecraft avec des textures réalistes en haute def, mais comme c'est pas permis, avec un éclairage dynamique où même t'as certains détails où quand tu t'as les rayons du soleil sur ta gueule, tu peux voilà, tu les vois, tu vois les rayons du soleil passer quand tu te protèges les mains, le visage, et bah tu les vois passer entre tes doigts. C'est hallucinant en fait. On le voit un petit peu sur le trailer et c'est vraiment ça dans le jeu. La map, bon, c'est une seule map, elle est assez grande. C'est l'univers de la forêt, donc t'as les arbres et les choses comme ça. Tu vois assez loin, il y a un peu de clipping. Assez grande, ça veut dire qu'elle n'est pas procédurale. Ça a l'air, en tout cas, c'est dit que c'est procédural. Quand tu vas sur le site. Pour le moment, on le rappelle, c'est juste un aperçu. Tu as lancé le jeu une fois, juste pour voir si ça claquait. Juste pour voir si ça claquait. On va pas pouvoir en parler bien plus que ça, en fait. Je pense. Bah, en tout cas, que moi, je suis pas Minecraft, mais tu me dis après, voilà, quand j'ai commencé un petit peu à progresser dans le jeu est en français. Déjà d'une part. Bien. Tout est net, c'est-à-dire que tu ouvres. Le gars est tout seul, hein, c'est ça. Le gars est tout seul, ouais. Tu ouvres ta mallette, t'as ton inventaire, t'as les tutos, les tutos interactifs. Donc dès que tu veux faire quelque chose et tout, le mec il t'explique dans une vidéo, tac tac, tu reproduis. Tu trouves des plans, alors c'est surtout ça, tu trouves des plans un petit peu partout, quoi, comme des parchemins qui vont te donner, voilà, la possibilité ensuite de crafter une pioche ou des choses comme ça. Et même le système de craft, il est plutôt bien foutu. Tu chopes les éléments dans ton inventaire, donc le bois, la pierre et tout, et puis tu te craftes tes armes comme ça, en mettant cube sur cube. C'est genre, par exemple, pour donner un exemple, une pelle, ça va être 4 cubes de bois que tu récupères en tapant avec ton bâton contre les arbres et tout. Et 4 cubes de bois et de la pierre. Tac, hop, t'as une pelle. Et là, tu vas pouvoir creuser beaucoup plus fort. Tu te fais des pioches. Et bah, tu vas pouvoir attaquer d'autres cubes, des minerais comme du charbon, du métal, des choses principe comme ça. Principe Minecraft, quoi. C'est Minecraft. Pardon. Tout est bien pensé dans ce jeu-là. Je crois qu'il y a. Tu fais tes constructions, tu déplaces. Si tu te plantes, tu déplaces les cubes de manière très instinctive. Franchement, c'est étonnant. Je n'ai jamais été intéressé par Minecraft. Mais le jeu a l'air, mais vraiment complet, et le fait qu'il soit et super. Par le building de manière générale, c'est quelque chose que t'aimes, toi, le building, enfin le house building du moins. Alors j'en ai fait beaucoup dans d'autres jeux comme Rust et compagnie, j'ai farmé pendant des heures, donc je comprends que c'est le genre de jeu, tu mets le doigt dedans, là tu peux être happé pendant des heures. Je voulais juste tester, voir la gueule que ça avait, et au fur et à mesure, bah, t'as un cycle jour-nuit et tac, tu sors ta torche, tu commences à explorer, tu chopes, tu vois des minerais, hop, tu commences à taper les minerais qui te manquent. Tu vois que tu peux faire une pioche en métal, une pioche en pierre. Et t'as une progression, mais facilitée par le chaperonnage du mec, voilà, qui t'explique tout ce que tu dois, comment le faire et tout ce que tu dois avoir pour progresser, on va dire, pendant les premières minutes du jeu ou les premières heures. Et puis et après ça y va tout chousse, hein. On a vu des bien beaux animaux dans le trailer. Ouais. Est-ce qu'il faut manger des lapins. Tu peux mourir de faim, c'est ça? Non. Pour l'instant, les animaux, quand tu les shootes, donc ils arc. Servent à rien, les animaux. T'as pas de mode survie encore. Okay. Ouais. Je ne sais pas. Ouais, certainement qu'ils doivent avoir une fonction plus tard. Pour l'instant, tu shootes ils en avaient dessus avec un arc. Coupes des arbres. Tu coupes des arbres, donc tu peux utiliser le bois, donc je pense que tu peux utiliser la peau aussi des animaux, probablement, pour crafter. En tout cas, tu peux choper Pampan avec le même système de Calyx, tu sais, le petit système canne à pêche. Hop, tu chopes comme ça, tac, et puis tu le sens dans le sense qui se met à vibrer comme pas possible, et t'as le lapin qui essaye de se barrer, et qui est plutôt bien rendu techniquement. Graphiquement, il est plutôt pas mal. Le cerf aussi, c'est plutôt donc, pas mal. Globalement, ça reste un Minecraft, mais juste au niveau bac à sable construction. Pour le moment, ouais. Pour le moment, ouais. Et tout ce avec, que tu peux faire, c'est. Et avec un moteur. Et avec un moteur physique aussi. Avec un moteur physique que Minecraft n'a pas, et oui. Je crois que c'est. Ah oui, une vraie physique. Ouais. Et je crois que c'est un système de voxel, en fait. C'est-à-dire que chaque élément a sa propre physique qui est calculée. Ça a l'air quand même. Mais bien du coup, pas de mode survival, ça, on l'avait dit. Mais, c'est dommage. Moi, ce que j'attends d'un jeu comme ça, c'est. Le multijoueur un peu asynchrone, enfin en quelque sorte, même pas, c'est juste de pouvoir avoir le potentiel de charger les niveaux des créations d'autres joueurs. Je trouve que là, ça en fait un jeu infini. Tu veux dire récupérer des assets de construction d'autres joueurs pour pouvoir les intégrer sur ta carte ou Ou en mode multi. Soit l'un soit l'autre, ou en fait. Mode multi pour que les gens viennent. La possibilité d'aller chez quelqu'un d'autre, pas forcément être avec lui, mais pouvoir. Télécharger la map. Sa carte. Ouais, la D'accord. map, tout simplement. Oui, comme Minecraft, ça, justement, il le faisait. Là, tu téléchargeais les maps et justement, voilà. T'allais directement sur la map des gens, même s'ils n'étaient pas là, quoi. Bah après, je pense que moi, c'est le genre de jeu qu'il va avoir une base solide et qu'au fur et à mesure, comme Legendary Tales, hein, il va voilà être complété au fur et à mesure avec des mages et puis il va y avoir le mode survie. Alors le mode survie est prévu, hein. Il en a déjà parlé plusieurs fois. Oui, d'accord. Ah, ça, okay, ça m'étonne ça, pas, hein, parce que avec en plus le cycle jour-nuit, là par contre l'écran OLED, aux petits oignons, hein, le noir c'est noir. Bon, après tu peux augmenter si vraiment ça te casse les pieds, tu vois, que de ne rien voir. Ouais, d'être toujours la torche, quoi. Bah ouais, et encore la torche, elle, sauf si tu la poses quelque part, elle éclaire pas spécialement bien, hein, tu vois, c'est vraiment. Mais elle est très très bien rendue. Hein. Meilleur effet de torche que j'ai vu avec Resident Evil 8, hein. Honnêtement. Et c'est cool. Très top. Et oui, vu qu'il y a un cycle jour-nuit avec des aurores boréales et tout. Et c'est vivant, hein. Franchement, tout est vivant. Il y a des oiseaux, la musique qui est très chill. Et t'as l'impression d'être en forêt. Non, il n'y a pas de mode survie. Il n'y a pas de mode survie. Que dalle pour l'instant. T'as juste. En tout cas, c'est juste tu farmes et tu crafts, tu construis. Et okay. t'as quand en même tout cas, pas mal de blueprints. Succès. Un jeu de Lego. Le succès de son trailer, c'est une chose. Moi, j'ai regardé les commentaires, j'ai vu des mecs écrire « Ce jeu me donne envie d'acheter un PSVR 2. » Ouais, j'avais la banane. Ah bah oui. Je suis OK. Bah, OK, ça, c'est, ça bah, c'est, bon. C'est possible, en fait. On dit que la VR ne peut pas être portée que par les productions indépendantes. Bah, regardez. Ouh. Regardez ce qui se passe, quoi. Mais... Ouais, mais alors tiré mais d'une idée quand même très, très, très pompée sur Minecraft, quoi, et qui est un jeu... Un jeu, c'est plus qu'un ouais, succès. Tant pis pour eux, ils nous l'ont pas sorti le Minecraft du PSVR 1, ils nous l'ont pas mis. Tant pis. Il s'est jamais démonté. Pour lui. Ouais, mais parce que tant mieux pour lui, mais oui. Il a l'air efficace en tout cas. Il a l'air très très efficace, très complet. Mais ça fait plaisir, effectivement. Ah oui, clairement. Ah ouais. Mais de ce que j'ai remarqué là, avec la flopée de tests qu'on a fait, même sur Stilt, hein, il faudra que j'aille voir. Mais les jeux sont de plus en plus nets oui. Par rapport. C'est une tendance, enfin, effectivement. Les jeux ne là, sont pas flous. Par rapport au premier mois, oui. Ouais, il y a une tendance, là, en ce moment, ouais. Qui est en train de se tracer, là. Mais qui fait plaisir. Ça fait plaisir de me dire, putain, c'est bah, attention. Il y a Hellsweeper aussi qui pas arrive. Pas tous. Sur nous. Pas tous. On parlera peut-être après. Pas tous. Et ben justement, bon, je pense que, du coup, de ce qu'on pouvait dire sur Cube, ça a l'air plutôt, en tout cas, positif, et puis ça donne envie, clairement, parce que... C'est un peu trop tôt pour dire foncer, mais franchement, en l'état de ce que j'ai vu... Bah, si tu veux voir à peu près ce que c'est qu'un jeu qui claque aussi graphiquement et qui te donne des possibilités de construction qui sont énormes avec une bonne ambiance, parce qu'à mon avis, l'ambiance aussi doit être vraiment pas mal dans ce jeu-là. Franchement, il n'y a rien qui... C'est prometteur, dénote, en tout cas. Il n'y a rien qui dénote. Hein. Et puis, il y a l'air d'y avoir quand même beaucoup de contenu, parce que de tous les blueprints que j'ai chopés, t'as de tout, hein. T'as des cheminées, t'as des tables, t'as des chaises, t'as l'air d'avoir quand même un truc bien complet pour te faire une petite baraque assez complexe, tu vois. D'accord. Bon, et en tout cas, voilà, c'est à faire, je pense, à tester. On vous en reparle une fois que voilà, on aura un petit peu plus plongé notre nez dedans. On va parler maintenant, mon bon caviar, de Paint the Town Red. On peut commencer par celui-là ? Paint the Town Red VR, exact. Allez. Bah, c'est une excellente transition puisque. On parlait des jeux qui étaient. En fait, on est net. Sur. On parlait de Minecraft avec des gens à tête carrée. Exactement, voilà, c'est ça. en fait, j'ai juste une première question quand je joue à ce jeu-là, quand je le découvre pour la première fois, je me dis est-ce qu'un jeu peut être cartoon et gore ? La réponse est oui. C'est possible, surtout quand t'as une physique assez incroyable, et c'est un peu le cas de ce jeu. En gros, qu'est-ce que c'est Paint the Town Red ? C'est un jeu qui a fait un gros succès sur Steam, qui est sorti en 2021, si je dis pas de bêtises, et qui a énormément fonctionné, notamment même en plat, qui est disponible aussi sur PlayStation 4 et PlayStation 5, où en fait on va pouvoir faire du Kill Bill avec des personnages à la Minecraft. Donc typiquement... c'est un mode plus survival de Minecraft en plus où le but, s'il y en a un, c'est de tuer tout le monde. Donc tu évolues de niveau en niveau et donc il n'y a pas de scénario, hein. Tu vas être soit dans un bar, dans une prison, etc. Et puis en gros tu vas commencer à taper quelqu'un et puis après tout le monde va se mettre sur la tronche. Et le but c'est de t'amuser à prendre en fait tout ce que tu as sous la main, ce que tu vas trouver pour enchaîner les kills. Donc tu dégommes tout le monde, ça donne vraiment des scènes un peu de film. Et du coup, t'as même des power-ups, donc des pouvoirs à force de tuer qui vont se débloquer, comme un mode berserk qui va te permettre de tuer tout le monde en un coup, une onde de choc qui va faire voler tout le monde. Donc pour parler de la physique, ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est assez déconcertant parce que tu vas par exemple prendre un katana et couper le bras d'un petit bonhomme en mode Minecraft, et en fait il va gicler de sang, mais en cube en fait, c'est assez impressionnant. Le voxel. Ouais, c'est le voxel, tout à fait. C'est, en termes de résolution, c'est très net. Par contre, j'ai eu des grosses baisses de framerate par moment, donc c'est pas la PS5 qui bug, je pense que c'est clairement le jeu. La parce que c'est fait. Extrêmement gourmand ce genre de jeu en fait. Vu que chaque petit cube en fait que tu vois, par exemple quand tu coupes une tête ou quand tu coupes un bras, en fait chaque petit cube a sa propre physique qui est calculée par la machine. Donc ce serait ça. Et alors, dès que tu commences à mettre tu rajoutes justement les cubes qui correspondent au sang, à l'os, dans le crâne, parce que j'ai l'impression que quand tu mets un coup de oui. katana en travers le crâne, en fait il y a plusieurs couches, c'est pas uniquement un truc plein. Et en fait, voilà, chaque petit cube en fait a sa propre physique qui va réagir par rapport aux autres petits cubes et qui vont réagir entre eux. Tu rajoutes à ça aussi une physique de la flotte, des décors. Au bout d'un moment, la machine elle. Ok. C'est ça. Donc, si vous voulez faire planter une PS5, vous mettez Teardown, le jeu Teardown sur PS5, et vous faites tout péter avec des. Et je sais pas combien de dynamite. Et à un moment, la PS5 en peut plus. Et là, c'est ça le même principe. À 10 images secondes. Et là, c'est exactement le même principe. Donc, du coup, un jeu très axé scoring, puisqu'on pourra refaire ces fameux niveaux. Donc, il y a plusieurs modes. Hein. Ça, c'est le premier mode, le mode scénario, où tu évolues donc dans plusieurs salles, comme je l'expliquais. Mais tu pourras pouvoir les refaire avec des tonnes de modificateurs. Donc, ceux qui sont friands de ce qu'on peut trouver sur PC et qu'on manque cruellement sur PlayStation vont pouvoir se faire plaisir. Il y a plusieurs modes, comme un mode zombie où ça transforme tous les ennemis en zombies, un mode qui te baisse ta vie, qui te l'augmente, qui te permet de tuer en un coup, où tu peux utiliser des classes aussi, où tu es un mage, tu vas lancer des boules de feu. Et il y a même un mode super hot, je crois, qui est du coup en hommage à super hot, où tous les ennemis, où tu es dans un univers un peu blanc avec des ennemis en rouge, et je pense que le temps est ralenti aussi. T'as aussi d'autres modes, t'as un mode profondeur qui de facto m'avait fait penser à un mode roguelite, mais c'était pas du tout le cas. C'est plus un mode aventure où tu vas progresser dans une espèce de grotte et où tu vas devoir enchaîner les ennemis et les boss, et tu as le choix de prendre des classes au préalable. Donc t'as plusieurs classes, t'as une classe plus bagarreur qui va pouvoir mettre un coup de pied avec une touche, tu peux aussi sauter avec une autre touche, j'ai oublié de le préciser. T'as aussi une classe mage comme je le disais tout à l'heure, ou une classe un petit peu plus on va dire supplie quoi, enfin qui fait un peu le tout, mais qui a des attaques un peu différentes et des pouvoirs différents. Est un troisième mode qui est le mode arène, que j'ai plutôt bien aimé parce que ça m'a vraiment, je me suis cru dans Gladiator où t'es vraiment dans un espèce de colisée et où il va te balancer, par exemple il va te mettre au milieu de 10 ennemis, 10 mini boss boxeurs qui prennent énormément de coups. Il va falloir les enchaîner, donc ça va passer comme ça de plusieurs niveaux en plusieurs niveaux jusqu'à la fin en fait, où il doit y avoir 10 niveaux d'arène en tout. Moi ce que je disais tout à l'heure en off, c'est que pour moi tu prends ce jeu, tu le mets avec Cube, ah oui tu couches ensemble, ça fait le meilleur bébé au monde quoi. C'est le très beau métissage quoi. Et donc la question c'est combien de temps ce jeu va occuper les gens jusqu'à ce qu'ils commencent à s'ennuyer, parce que c'est clairement très fun en fait, mais on jute quoi. Au bout d'un moment t'es fatigué et puis je pense que t'as vite fait le tour, mais c'est vraiment défoulant et j'ai vraiment eu la banane pendant que je jouais quoi. Enfin c'est vraiment tripant quoi, tu peux vraiment faire n'importe quoi. C'est un jeu défouloir en fait, et c'est un style de jeu quasiment à part entière, parce que c'est pas le seul jeu justement qui propose ce genre de choses là. Le fait que ce soit en voxel dans un style graphique un peu minimaliste, c'est nouveau. Enfin, c'est le côté voxel surtout qui ça te rapporte justement du ragdoll dans les personnages quand tu les fracasses, quand ils tombent. Il y a jamais deux réactions qui est pareille en fait. Exactement. Parce qu'en fait, tu peux te protéger, ça j'ai oublié de le préciser. Et en fait, quand tu mets une patate, donc au début, tu vas vraiment te servir de tes mains. En fait, ouais, suivant là où tu les frappes, déjà ils ont des visages, donc c'est très drôle et tout. Donc en gros, tu leur mets un coup. Comme tu disais, tu vas avoir le trou. Avec la surcouche, et puis il va se tenir comme ça. Enfin, autant les impacts m'ont pas forcément hyper convaincu, autant les réactions des ennemis, c'est là où ça m'a convaincu en fait. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, c'est un jeu cacahuète quoi. Tu pourras refaire exactement commencer la même partie 10 fois et t'auras pas 10 fois les mêmes actions qui vont arriver. Un jeu à stream. Voilà. Et c'est un jeu à YouTuber, clairement. Clair et net. Et il y a aussi, c'était quoi le jeu là qui se passait dans une arène déjà? On avait déjà parlé plusieurs fois dans l'émission. Gorn, voilà, Gorn, exactement. Ouais. Il y a un public aussi pour ce genre. C'est un jeu qui a eu une très très bonne réputation. Ah bah les jeunes, hein. Hein? Les jeunes à fond de balle. Ouais. Les jeunes. Oui, oui. Là justement, c'est des jeux comme ça qu'ils vont acheter. C'est pas. Tu rigoles. Nous, on demande. Tu rigoles. T'as pas de scénario. Tu t'en fous. Tu te défoules. Et tu te défoules. Genre, tu fais ton sport en même temps. Tu vas dans les commentaires de Steam, il y a un mec littéralement qui avait mis, je regardais donc du coup, des visualisations hyper positives, on est à 95% je crois, et dans le commentaire t'as un mec qui avait mis mort sans, comme ça en boucle, choqué. Ouais. Ah oui, oh, mais c'est ça, c'est, hein, voilà. il y a vraiment un public. Tu exprimes tout ton côté psychopathe, quoi. Ouais. C'est, j'ai culpabilisé de certaines actions, en fait, quand j'étais en train de jouer, je me suis dit, putain, mais c'est mon côté fou, ça. Je peux le faire ou pas? Oh là là. Vaut mieux que tu jamais faire ça en vrai. Vaut mieux que tu le fasses. Et pourquoi j'ai pensé à faire ça? Je voulais voir si ça fonctionnait. Apparemment, oui. Non, puis il y a une certaine magie. Enfin, ça, j'en ai déjà parlé aussi dans les jeux en voxel. C'est que justement ce système de physique en fait qui fonctionne. Ça peut être vite très impressionnant. Un élément par rapport à un autre, ça te donne des réactions ultra réalistes. Un peu grossière mais ultra réaliste, qui sont assez hypnotiques, quoi. Là c'est en fracassant, ouais, ça doit jouer sur le cerveau, c'est en fracassant des crânes. Dans Teardown, moi je passe des soirées à cramer des immeubles entiers, parce que juste pour voir le feu et la physique, et puis voir les châteaux de cartes qui sont en train de s'écrouler comme ça. Toi aussi t'es un psychopathe alors. Et non, je trouve ça apaisant, en fait. Je trouve ça apaisant, et c'est vrai que c'est un truc. On a deux psychopathes. Forcément que tu vas pas faire. C'est de la SMR. Comme dit Caviar, en fait, tu te dis, putain, je suis bizarre ou. C'est un exutoire, tu vois. C'est normal. C'est pour un petit peu évacuer toute une mauvaise journée. Pendant que je me fais chier à construire des immeubles dans Little Cities Bigger, lui, il casse tout. Voilà, c'est ça. Mais d'ailleurs, Little Cities Bigger, ça aurait eu un meilleur impact, un intérêt en plus si tu pouvais, mais tout défoncer, en fait. Alors c'est pour ça que je vais attendre de tout débloquer. Il y a des événements. Si ça se trouve, il y a peut-être des tornades, il y a peut-être des conneries comme ça. Il y a des événements. À mon avis, il y en a. C'est ce que vendait le trailer, en tout cas. Ce que vendait le trailer, c'est qu'il y avait des événements un peu loufoques. Des ovnis. Donc, vu qu'on a déjà passé le construit le test tout autour du volcan de Bigger City, je sais pas quoi là. Si vous avez pas de questions, en vrai, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Hein, ouais. Ça se prend pas la tête. C'est clairement Kill Bill. Le mode Berserk, il est impressionnant quand tu exploses les crânes, ouais. Et que tu vois vraiment que cool. T'as la couche de peau qui se barre, que t'as le crâne qui se fracasse, la tête. Je mets juste un tout petit bémol sur le style graphique. Apparemment, ça a peur de choquer Caviar, mais le style graphique des personnages, je le trouve un peu pas ultra inspiré. Bon, ça fait un peu. Encore un jeu qui va avoir un souci sur YouTube, quoi. Ah mais sais ce que les personnages, ils me font penser aux personnages de South Park au Canada. Tu sais, où ils ont tous des têtes carrées, tu vois, et puis avec une expression du visage posée dessus. Ouais. T'as vraiment en fait cette impression là d'être dans South Park au Canada. Et ouais, c'est ça. Où tout est c'est carré ça, en fait. La tasse est carrée, tout est carré, ça fonctionne bien, quoi. Tu sais, t'as un petit côté comme ça qui est plaisant, tu vois. Il y a un truc qui m'a refroidi après ma première demi-heure de jeu, c'est quand je suis passé sur le mode profondeur, en fait, qui pose directement le ton beaucoup plus calme et tout, et en fait beaucoup plus ennuyant, beaucoup plus trop facile même, parce qu'en fait les ennemis en fait sont dispatchés à la manière d'un Legendary Tales, et donc du coup en fait t'as l'impression de rouler sur le jeu, et on retrouve pas la dynamique du mode scénario où t'as vraiment 79 personnes dans un bar et le but c'est que tu sois le dernier en vie, quoi. Mmh. Donc je suis pas certain que tous les modes convertiront, mais en tout cas vendu pas très cher, je crois 20€ si je dis pas de bêtises, mais en sorti du coup quel jour on sera quand tu publieras? Samedi je pense, ouais, samedi. Du coup il est sorti mercredi dernier. Et un jeu qui a pas plus de prétention que tu passes une journée de merde au boulot, t'es énervé, t'es resté dans les bouchons. C'est ça, mais du coup, je préfère celui-là à Operation Serpents. Ouais. Tu vois, si je devais mettre 20 euros. Ah oui, non, mais là, dans l'échelle. Clairement. Oui, à comparer. Il a l'air bien plus fun en tout cas. Ok, bah merci Caviar. Et on va finir sur le dernier jeu à tester, à savoir Teen Hearts. Et je crois que c'est encore toi qui t'y colle. Ouais. C'est encore moi, mais de toute façon, ça va être très rapide. Parce que nous, on invite des gens et on fait bosser. C'est dégueulasse. J'ai reçu la clé vraiment récemment, et très récemment. Et j'ai pu vraiment m'essayer qu'au 6 premiers niveaux qui constituent, en fait, je crois, le tutoriel qui était déjà disponible dans la démo à l'époque. Aperçu, du coup. Que je n'ai pas testé. Est-ce que vous l'avez testé, cette démo? Bah non, parce qu'elle a jamais bien marché, je crois, de mémoire. Elle était non testable, d'accord. Okay. Elle marchait pas, je crois, oui. Ouais. Ah, elle marchait pas. Ben, j'ai ouï dire que c'était très aliasé. Il y a eu des soucis avec cette démo. Et c'est toujours très aliasé. Et c'est très compliqué. C'est pour ça tout à l'heure que je disais à Rocco, pas tous les jeux. Hein, la netteté, alors là, on en est très loin. Là. Et c'est dommage parce que pour moi, ça, c'est un jeu en fait, qui peut rafler des awards. En fait. De par sa bande-son, son univers, ce qui t'envoie, en fait, c'est magique. Je me suis posé, en fait, j'ai quand même réussi à m'immerger et à me sentir en mode cocooning parce que c'est un jeu très cocooning. Teen Hearts, c'est quoi en fait? C'est des petits soldats, donc calqués sur le modèle des Lemmings, où en gros, donc c'est un puzzle game très clairement, où il va falloir en fait aider les petits soldats à parcourir un chemin en plaçant des blocs de manière à les faire aller où on veut qu'ils aillent en fait. Donc en gros, on a par exemple pour commencer un premier soldat tout seul et la porte qui marque 0 sur 1 qui constitue la fin du niveau. Et on va pouvoir en fait avec nos mains, donc on est vraiment devant une table, on est statique, hein. On va pouvoir avec notre main aller chercher un bloc et le positionner pour qu'il ricoche en quelque sorte sur son trajet et aille dans la bonne direction. Donc c'est que ça le gameplay et ça se complexifie au fur et à mesure en fait que tu continues les niveaux. Donc c'est un jeu qui est très apprécié déjà sur écran plat, qui a eu un bon succès et qui malheureusement est très mal porté en VR et je pense que les jours de sursis qu'il a eu, moi même que dis-je, où il demandait carrément des testeurs sur Steam et compagnie, n'ont pas servi à grand chose parce que c'est aliasé, mais c'est vraiment ça aliase à tous les plans et c'est dommage parce que ça sort quand même de l'immersion. Les contrôles sont catastrophiques, enfin je comprends pas les studios qui veulent toujours faire leur contrôle à leur sauce, au lieu de bouger avec le joystick pour tourner la caméra, donc on peut faire en rotation fluide ou angulaire, ça se passe avec comme si on avait des moves comme à l'époque en fait. En gros, c'est rond et enfin triangle et pour tourner. C'est lequel celui à gauche? Ouais. Non mais c'est pas ouais. Non, c'est ça existe plus, ça c'est plus possible ça. C'est pas normal ça. Mais, et ben voilà. Et en fait, dans les options, t'as pas moyen de changer ça et de repasser sur le joystick. Donc c'est hyper. C'est une balle dans le pied ça. Ça te bloque. Non, mais comment niquer son jeu mais d'office. Enfin c'est après incroyable. Pour ceux qui n'ont pas connu les PS Move, voilà, il y a un sacré traumatisme voilà sur ces sur ces styles de rotation. Mais à la limite qu'il soit un petit peu aliasé, qu'il soit un petit peu flou, bon, on peut se dire que c'est quelque chose que les développeurs ça vont pas mal à la tête pour vont pouvoir retravailler dessus. Et au pire, c'est pas quelque chose qui est trop rédhibitoire. Quand il faut VR. Ouais. Si t'as le rendu Fovel, c'est bon, le jeu il est magnifique. Hein. Mais c'est tout ce qui manque là. Par contre, ces problèmes de contrôle et comme tu dis, hein, pourquoi est-ce que les développeurs utilisent pas des choses qui ont été testées, approuvées sur d'autres jeux? Ça complètement incompréhensible quoi. Et j'imagine que aussi, apparemment dans le trailer, tu vois que tu peux interagir avec certains éléments comme ça en mode motion gaming. Et ça au moins ça fonctionne ou est-ce que aussi il y a un petit dérèglement dans ce genre de choses. Dans les 6 premiers niveaux, en fait, tu vois pas grand chose. Et puis, j'ai vu qu'en fait, tu pouvais te déplacer. Parce qu'en fait, t'as des blocs que tu vas pouvoir aller chercher dans un autre endroit de la pièce. Et donc, j'ai en fait arrivé au 3ème niveau, il m'a débloqué. Donc, j'étais plus statique. Et là, j'ai pu commencer à bouger. J'en ai vu que trop peu pour vraiment juger. Mais ça va vraiment être rédhibitoire pour beaucoup de monde visuellement, en fait. Et ça, c'est un problème. Parce que du coup, tu joues à sans mentir, hein, 70% ou 80% du catalogue qui est beaucoup plus net. Et tu te retrouves sur ça, même si le jeu il est génial, tu pètes un plomb en fait. Tu crois que c'est un problème d'optimisation? Tu penses que le jeu, il est possible que le jeu soit trop gourmand pour la machine? Non. Ça m'a pas donné cette sensation quand j'étais dedans. Ouais. C'est dommage. Il y a des beaux effets de lumière et compagnie. Hein. On se retrouve vraiment. T'as la table qui est éclairée et t'as vraiment l'impression d'être dans un truc très cocooning. Mais vraiment, ça scintille en fait. Ça scintille partout. Quoi. Et c'est gênant. Dommage. Acte manqué. Bon, en tout cas, voilà. Pareil, on va essayer d'insister un petit peu sur le jeu là et puis voir ce qu'il donne dans. Mise à jour gratuite. Hein. Ouais. Pour ceux qui ont déjà la version de Blast Plate. D'accord. S'il y en a qui veulent aller voir. D'ailleurs, est-ce que tu peux commencer une partie en jouant en VR et puis continuer en plat sur les mêmes tableaux, ou est-ce que ce sont des tableaux dédiés? C'est une excellente question. Il me semble que ça doit être lié, parce que quand j'ai téléchargé le jeu, ça me disait version PS5. Mmh. Mais j'ai un doute quand même. Parce que bien souvent, les versions VR, tu sais, c'est séparé. Est-ce, donc, j'ai pas est-ce que c'est un projet Wingman, ou est-ce que c'est exactement le même jeu, ou c'est un No Man's Sky? En gros, c'est ça la question. Ah, c'est ça, ouais. La question. Ah, ok, je crois que tu me demandais si on pouvait switcher dans ta partie dans les deux modes. Non, c'est le même jeu a priori. C'est le même jeu, c'est les mêmes niveaux avec. A priori, oui. Après, j'en sais pas plus, donc je m'avance pas, mais normalement, c'est le même jeu. Ça marche. Ouais. Donc, mise à jour gratuite alors. Ouais. Version VR gratuite. Et d'ailleurs, il est en boîte, hein, celui-là. Donc vous pouvez l'avoir, ça, en boîte. Notamment dans une édition bundle chez Wired Production, qui comprend Teen Hearts et The Last Worker. Également sur PSVR 2. C'est très bon. Donc il y a un bundle qui est... Voilà, si vous aimez les histoires. Ah bah pour le coup, oui. Vous aimez les critiques coup, De petits jeux scénar qui peuvent être pas mal, mais voilà. Bah, du coup, ça avait été très inégal, parce que The Last Worker était plutôt joli. Ah oui. Mm. Bah, il est cel-shadé, mais cel-shadé propre, ouais. En fait. Mm. Ah, ouais, c'est celui-là. Tout. Bon, on va dire qu'il risque de progresser. Oui, il aura des mages. Ouais. Espérons, parce que dans les menus, carrément, tu vois pas, tu n'arrives pas à lire quoi. Les commandes, t'as les commandes avec les PS. Ouais. T'arrives même pas à lire ça, c'est galère. Tu n'arrives pas à lire ça. C'est ouf. Hein. C'est galère parce que on va se faire No Man's Sky, on va se faire Hellsweeper, on va se faire tout ça maintenant en fait. Mm. C'est maintenant. Tiens, ben voilà. Tu vois, No Man's Sky, il alias comme No Man's Sky à l'époque en fait. Mm. Ah ouais, c'est chaud. Si tu lances Cube, tu regardes, tu le mets proche ou tu le mets éloigné, t'arrives à lire, mais c'est net. C'est net de chez net. Et puis on n'est pas sur un même niveau de graphisme quoi. Donc il y a pas vraiment d'excuses. Mm. Ouais. Non, moi je pense que c'est leur moteur qui a eu. Qui est pas vraiment adapté pour la base. C'est Unity, non? Ouais, je pense. Je sais pas. J'ai même pas. Je vais vérifier, mais checker, je sais pas. Je crois que oui. Ah bah voilà. Cherchez pas. Malheureusement. Oui, non, parce que je voyais passer sur le Discord tout à l'heure quelqu'un qui disait là avec la mise à jour qu'on a eue, c'est marrant, il y a des jeux qui devaient sortir qui sortent. Mais en fait, non, ça ne veut pas dire qu'ils ont débloqué quoi que ce soit, parce que là, je ne le vois pas dans Teen Hearts, quoi. Ok, et ben. Unity, ouais. Unity, bah voilà. C'est encore la même merde, quoi. Il y a des frais. Donc ça veut dire que, à la limite, s'il y a une optimisation, ça arrivera un petit peu plus tard, une fois que les développeurs auront trouvé l'astuce, quoi. Moi, après, pour ceux qui étaient quand même attirés pour le jeu, moi le jeu je vais y jouer parce que le jeu il m'intéresse, parce que tout le reste est parfait en fait, il a une bande son de fou, il a un charme et donc du coup je vais y aller, mais voilà, il faut savoir que ça pourrait être mieux en fait, clairement. Et il y a une histoire en plus, il me semble, il y a l'air d'y avoir un bon petit scénario, et ça m'a l'air d'être pas forcément agréable, il y a l'air d'y avoir des petits événements tristes dedans. Bah en fait t'as des personnages qui apparaissent sous forme de fantômes, on comprend des choses au fur et à mesure, mais moi comme je t'ai dit j'étais vraiment qu'au début, et ouais ça a l'air hyper intéressant en fait, c'est pas juste le lemming, c'est pas juste les niveaux, il y a un truc tout autour qui gravite. Ouais. Mais comme on disait, il y a de plus en plus de jeux qui arrivent à sortir net, il a typiquement le syndrome des jeux du début du PSVR 2 qu'on a. C'est ça, il devait sortir en 2022 je crois, à la base. Mais qui ça surtout... m'a fait penser à un jeu PSVR 1. Ouais. Surtout qu'il a été largement repoussé quoi. Mais ce que je veux dire, c'est des jeux du coup que les joueurs qui sont un petit peu curieux de ce type de propositions, parce que c'est vrai que des jeux là, Lemmings, ça marche super bien en VR, et voilà, c'est le premier qui sort sur PSVR 2, ils vont le prendre direct, ils vont l'essayer direct dans des conditions downgradées, et quand ils l'auront terminé, il y aura le patch pour le rendre net qui va arriver quoi, donc faut faire quoi, parce que si le jeu se vend pas maintenant, les développeurs vont peut-être pas prendre la peine justement de l'améliorer, donc c'est un jeu encore qui a le cul un petit peu entre deux chaises techniquement, et c'est un peu dommage quoi. C'est un petit peu un acte manqué. Bon. Et puis je te dis, t'as une Humanity à côté, hein, qui lui est net, propre, hein, tu vois, dans un délire différent, mais c'est un joli mix aussi. Mm. Ouais, qui est très bien. J'ai bien aimé lui. C'est ça. Gestion de foule. Plus assumé sur sa patte graphique. Ouais. Ouais. Ok, très bien. Et ben, merci messieurs, en tout cas pour cette émission. Je pense qu'on a bien fait le tour. Merci Vert Caviar, vraiment un gros plaisir de t'accueillir. Avec plaisir, vas-y partager. Et puis bah, je pense que ton siège est chaud hein, et que si tu veux revenir, il y a pas de souci. Exactement. Mmh. T'as été adoubé par non, Laurent, t'as vu. Je sais pas si tu te rends compte un petit peu de l'honneur que t'as là. mais en tout cas, c'est cool. Les dieux de VR me sourient. Je casse un peu plus tard, t'inquiète. Ouais. C'est vu, il est con en fait. Hein. Oui, puis il y avait pas Majo aussi aujourd'hui. Il y avait pas Majo. Pas trop de... Un petit match VR caviar Majo, c'est vrai que ça m'intéresserait de voir ça. Yes, oui, voilà. Je pense qu'on l'aurait bien entendu, Majo, pendant les tests, hein, à mon avis. Hein. Il aurait eu son mot à dire. Vu la sélection là. Oui, la sélection. Tant qu'il n'y aura pas Madison VR ou des jeux comme ça en VR Dark, c'est vrai qu'on arrive, on était très bienveillants quand même. Très très bienveillants pendant cette émission et je suis assez content de nous. Sauf toi, hein, System Critical, vas-y, parle-moi de ton jeu de merde là. Ah d'accord, oui. Bah, parce que mais du coup, tu m'as rendu curieux parce que comme je te dis, en fait, quand tu regardes les vidéos en plat et que on écoute ta description sous le casque, ouais, c'est intrigant. T'es pas un bon vendeur, Elroco, c'est ça qu'il est en train de te dire. Ça dépend. Si, ça dépend. C'est un bon vendeur, c'est un très bon vendeur. Il y en a, ils me font confiance. Vous remarquerez quand même que j'ai rien dit. Hein. J'ai pas dit grand chose sur System Critical. Et je dis pas que c'est le Organ Quarter du FPS, mais regarde Organ Quarter, je t'ai dit qu'il y avait des boîtes de nuit avec des gloréoles, tu vois. T'y allais direct. Et t'as aimé. Ah. Attends, moi? Non, c'est pas ça qui m'a donné envie. Hein. Pourquoi tu me fais passer, toi? Mais Organ Quarter, mais. Bon, bref, on va pas refaire le débat. on va clôturer. En tout cas, Vert Caviar, on va mettre le lien du coup de ta chaîne TikTok sur la description du coup du podcast. Merci Laurent. Abonnez-vous. Et abonnez-vous, bien entendu. À la chaîne TikTok. Pas à nous, hein. Nous on est des cons, mais sur Vert Caviar, vous pouvez y aller. Merci. Ouais, nous, faut plutôt dire, ne partez pas. Restez, non, mais restez sur le PSVR2. Ça va s'arranger. Elroco, merci. Bon, là, on devrait arriver sur des jours meilleurs là. Oui. J'ai confiance là. On y croit. Madison. Ça sent bon. Comme on dit, nous, on tient la barre en tout cas, et puis on espère que PlayStation fera de même. On vous fait de gros bisous. On vous dit à dans 2-3 semaines. Et puis. Promis. Et puis à bientôt. Hein, kiffez la VR. Et rester citoyen démocratique et prêt pour la liberté aussi, c'est important. Faire comme tout ça. Cramé. Yes. Ouais. Allez, bisous. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. C'était nul à chier. Comme final. C'est quoi ce délire avec la démocratie là? J'ai rien compris. Mais Helldivers 2. Ah point, putain, d'accord. Je dis putain, ça y est, ils commencent à faire la politique, ils s'en foutent. jamais. Bah on t'attend, hein. On t'attend, Lolo. Moi, la politique, c'est bon que quand il y a Helldivers. Alors, moi, j'aime beaucoup Starship Trooper. Il m'avait fait de l'œil. Moi, je résiste. Mais tu sais, les trucs où tu peux jouer qu'à plusieurs, là, j'ai pas envie de tomber dans un truc ou faire que ça encore. Je sais pas, j'ai autre chose à faire peut-être. Là, j'ai FF7, toujours pas, j'ai pas fini Hogwarts. Faut que je finisse Hogwarts. Oui, je serais plus FF7. Tu pars de loin. Quel rabat-joie. Bon bah on démocratisera. On va démocratiser sans toi. De l'autre côté. Mais il m'intrigue hein, ce jeu. Un jour si je le vois passer pas cher, je vais le prendre. Ouais. Mais il est déjà pas cher. Laurent, juste pour te dire, moi j'avais zéro hype pendant le State of Play sur ce jeu-là. Vraiment, je l'ai pris parce que Elroco et Majo et Gantz m'ont dit qu'ils allaient le prendre. Je l'ai pris uniquement pour ça. J'ai commencé le tuto, je me suis fait fais chier. Tu mets le doigt dedans, t'as le bras qui part. Direct, c'est fini. Ouais, mais c'est ça qui craint, parce que derrière, c'est une saloperie. Tes soirées là-dessus, quoi. C'est une saloperie. Bah, ça va. Tu délires un bon coup. On a fait une partie avec. Pute, on a fait une partie avec Elroco hier, mais des barres, vraiment. Ah ouais. J'en pouvais plus. Ouais, mais je veux bien le croire, hein, mais. Essaye. J'ai testé sur lui le coup de crosse alors qu'il était au bord d'une falaise en train de. de mitrailler de l'insecte. Je fais, oh, non, tu les touches pas assez bien. Allez, attends, je peux te toucher un peu. Pouf! Il a fait un de ses bons, un vol plané, mon gars. Il s'est retrouvé parmi les insectes. C'était génial, quoi. Et puis la violence du jeu, quoi. C'est énorme. Ton corps, il part, mais en miettes, parfois. C'est hallucinant, quoi. Ah ouais, c'est ça. Ah oui. Bah, tu peux poser des tourelles et tout. Tu poses des grosses tourelles. Et si tu passes dans la ligne de tir de la tourelle, tu te fais éclater, quoi. Comme pas possible. Ou alors quand un connard te balance une grenade qui explose à l'impact. Ben, c'est moi. Je peux comprendre qu'au niveau team kill, au niveau, comment ça s'appelle, Friendly Fire, c'est un peu. Le pire ennemi, c'est pas ceux qui sont en face de toi, hein, c'est ceux qu'il y a derrière et à côté. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ah, c'est violent, hein. C'est tous les mecs qui envoient les frappes orbitales, les tirs de barrage. C'est les drones laser qui tracent de près. Oh la vache. Non, mais c'est bien la démocratie. Ouais. Mais tu peux te faire buter par ton propre drone. Genre, t'as des ennemis qui arrivent en face, tu tires, et puis après, il y en a derrière, le drone il fait. Non, mais il m'a taillé des coupes de cheveux, mais son drone c'est un psychopathe. T'sais. Le truc il tire. Et à un moment donné, il a décidé, tu sais pas pourquoi, de faire un 180 degrés, mais d'un seul coup, mais il continue de tirer cette saloperie, tu vois. Donc, tout ce qui est sur le chemin, terminé. Non, et puis ta fameuse frappe là qui tue tout le monde, sauf l'ennemi, en fait. C'est ça. Non, mais le bordel, tu le jettes, ça tire sur 10 km, des bombes partout et tout, il y a tout qui crève, sauf la cible. C'est génial. C'est magnifique. C'est une frappe chirurgicale. À l'américaine. C'est ça. Non, franchement top. Et j'imagine qu'on peut couper. Oui. Exact. Ouais. On va couper.